J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui! Bonsoir! Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit d'un hors-série un peu particulier, mais c'est le 14e hors-série qui va parler de la saga Batman. Je ne fais plus de teasing. J'ai décidé d'arrêter, je suis droit au but. Non, non, parce que ça va, on les connaît, les émissions qui font du teasing. Moi, je ne fais plus de teasing. Comme un peu à l'accoutumée, ça y est, maintenant, on commence à avoir une petite team. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette idée. Team de geekos de l'extrême. Alors, je fais quand même toujours, je le fais toujours le préambule, mais j'aime bien le répéter. Nous ne sommes pas des ayatollahs de Batman. Nous ne sommes pas les plus grands fans qui existent sur Terre, ni même en France. On est quatre personnes qui aiment beaucoup. Il y a des gens très cultivés autour de la salle à ce niveau-là, quand même. Joyeux, surtout. Mais bon, on a quand même l'humilité de dire que ça va surtout être un débat de gens qui aiment bien. Voilà. Il a un pins Batman sur sa veste. C'est vrai. Ce qui déjà, il est légitime. Pour moi, le met grave en place. Je m'y connais beaucoup plus en pharmacie, pourtant. Mais aucun pins pharmacie à trouver. Et donc, malheureusement, ça serait bien. Mais tout ça pour vous dire que, en tout cas, c'est surtout des gens qui kiffent et qui kiffent moins d'autres trucs, qui discutent entre eux. Et en plus, on va pas parler de plein de choses. Mais d'abord, je vais quand même vous présenter les trois personnes qui sont avec moi autour de la table. Tout d'abord, Vesper. C'est la première fois que j'ai un tel tonnerre d'applaudissements. Vesper, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de Vesper où je parle de pop culture quand j'ai le temps. Sinon, je participais et j'animais des émissions sur Feu JVTV qui parlaient de cinéma, entre autres avec les deux autres compères de cette table. Et c'était de très beaux moments. C'est vrai. Et sinon, du coup, en attendant, je raconte ma vie sur Twitter et quand on m'invite, je viens. Et c'est déjà très gentil de ta part. Merci. Nous sommes également avec Ben Renaud. Bonsoir. Ben, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Sous la forme d'un calembour, bien entendu, sinon ça n'intéresse personne. C'est la meilleure façon de te connaître. Merde, tu m'as pris à sec. Ouais. Titre. Voilà, ça y est. Le calembour est là. Ben Renaud, illustrateur graphiste dans le métier. Qui n'est pas une phrase. Papa d'une petite chienne. Au-delà, papa d'une petite chienne, c'est vrai, l'animal. Et je suis également sur les côtés créateur, animateur et chroniqueur dans divers podcasts, comme par exemple Comics Outcast, qui parle de comics, comme le dit son nom. Kumite, la vie légendaire de Jean-Claude Van Damme. Ou bien C'est Cool, C'est Quoi, le Phoenix. Alors, c'est cool, d'ailleurs, c'est quoi. Je profite de cette émission pour dire que je suis ravi de l'avoir appris de la bouche de quelqu'un d'autre que Ben. Eh bien, tu regarderas dans tes messages Facebook, je t'avais dit la date est tel jour et tu ne m'as pas répondu. Donc bon, c'est possible. Mais tu fais toujours partie. C'est un peu comme Philippe. Non, j'ai l'impression d'être Bruno Guillon Pierre et d'animer Les Amours. Voilà, c'est simplement. Ah, il y a un bris de verre quand tu tapes la pancarte. Donc voilà, j'essaye de faire des trucs rigolos avec des gens cool et voilà. Et dans le domaine, surtout de la pop culture et aussi voilà, et aussi tu fais du graphisme, des dessins. C'est ça. Et tu es extrêmement talentueux, on peut le dire, mais je peux pas le dire, tu vas pas le dire toi-même, je peux pas le dire. Tu es chauve, ce qui aurait été aussi vrai. Oui, mais ce qui aurait été juste une description physique au final, c'est pas vraiment un avis. C'est vrai. Oui, mais comme c'est en audio, ça aide. C'est vrai, ça aide à. Ah oui, c'est ça le personnage. Nous sommes également avec Johum. Bonsoir. Joe, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Écoute, je m'appelle Joe Hume, je suis animateur de mon état actuellement sur une chaîne qui s'appelle de l'état français. L'état Hume. Tout à fait. Actuellement sur MCM quotidiennement dans une émission qui s'appelle Pop Life que j'écris et que j'anime. Et puis voilà, présent sur divers podcasts, écriture pour Rockyrama, Rock and Folk, plein de petits trucs comme ça. Voilà. Et de la photo de jouets, bien entendu. Passion. On rappelle le arrobas d'Instagram. Le arrobas d'Instagram, c'est joe_hume. Ah non, Instagram, French Toy Love, pardon. French, après, on peut aussi liker avec des trains, entre chaque fois. French Toy Love, ouais, mais si tu tapes French Toy Love maintenant, en fait, c'est bam, ça tombe. Donc n'hésitez pas. Voilà, avec un logo très cool d'ailleurs. Ça sera, oui, fait par un certain. Qui a fait ce logo? Une merde. Un indice, il est chaud. Pourquoi un floodcast spécial Batman? Alors déjà, on n'a pas forcément besoin de raison, mais en l'occurrence, il y en a une. C'est les 80 ans de Batman cette année. C'est un anniversaire en 2019. Trois semaines, si on veut être très très précis, mais en tout cas, c'est l'année de son anniversaire. Yes. Et de la publication, pas de Bruce Wayne. Oui. Oh bah voilà, les geeks. Ah, tu es pointilleux. On vient de perdre 50% des auditeurs. Allez, salut. C'est un peu trop, c'est un petit peu trop pointu. Et aussi la sortie du coup de Joker, qui est sorti mercredi dernier. C'est si ça. Vous écoutez ce podcast, de la semaine de sa sortie. Petit préambule avant de commencer. Bon, on va pas faire la genèse de Batman, tout ça. Je pense que vous connaissez un petit peu le super-héros, quoi qu'il arrive. Mais par contre, il y a plein de trucs dont on peut pas parler. C'est très très vaste, l'univers de Batman. Ouais. Et je parle même pas de juste DC Comics, je parle vraiment juste Batman. C'est déjà extrêmement large. Vous imaginez bien qu'en 80 ans, il a eu le temps de raconter plein de trucs. Donc, on ne parlera pas, j'ai fait une petite liste des trucs dont on ne parlera pas, ou alors vite fait d'un coin de phrase, mais on ne sera pas un sujet de la série d'Adam West. Voilà. Okay. Des dessins animés et films d'animation entre 2000 et aujourd'hui, tous les trucs où il est avec la Justice League, ou tout ça. Le dessin animé sur Super Friends des années 70, je crois. La série Batwoman qui vient de commencer, parce que je n'ai pas vu un seul épisode, je sais pas si c'est bien, donc et c'est vraiment 1% sur Rotten Tomatoes. Si t'es un détracteur de Arrowverse, tu aimeras pas, je pense. Je n'ai jamais regardé un seul épisode. Il y a Ruby Rose en combinaison moulante. Moi, ça me suffit. C'est vrai. Qui est déjà un très bon. Il y a eu un accident et qui s'en est remis et ça fait très Batwoman. Et on l'embrasse parce qu'il nous écoute. Et là, on parlera pas de la série Titan, mais là en même temps c'est un peu plus large. Et alors la série Pennyworth, j'ai quand même appris ça, et la série sur Alfred. Mais elle a pas encore. Elle est déjà diffusée. Je crois qu'elle a commencé. Et du coup, on parlera de Gotham alors. Et bien alors, moi j'ai jamais regardé Gotham, donc pas non plus. On pourra c'est en parler. Ouais, mais bon, voilà. On peut se faire un très, dossier très chaud pour qu'on en parle pas. Ouais. Voilà. En plus, sans aucun avis, c'est juste que moi c'est vrai que j'avais jamais regardé, donc je serais incapable et je déteste pas participer à une discussion. On peut faire un mini dossier quand il y a Bruce Wayne alors qu'il y a pas besoin. Et dedans, il y a Gotham, je pense, également Pennyworth, possibilement. Et on parlera pas non plus du film Teen Titans Go, même si je vous le conseille à donf, qui est vraiment bien. C'est Jimmy Kimmel qui fait Batman, et c'est Nicolas Cage qui fait Superman, donc ne serait-ce que pour ça. C'est un dessin animé, mais qui est très drôle et très bien. Et c'est le, je pense, seul film d'essai avec Stan Lee, mine de rien, qui fait un caméo. Donc voilà. Par contre, on va déjà, autour de la table, j'aimerais connaître votre premier souvenir Batman, c'est-à-dire le plus vieux, la première fois que vous avez rencontré. Là, j'ai fait une phrase un peu radio. Le chemin du chevalier noir. Joe, j'ai l'impression que t'as un truc. Oui, parce que c'est vraiment un truc qui est extrêmement important dans ma vie. Je suis incapable de me souvenir de Batman avant ça, même si j'avais certainement été confronté. Mais j'ai eu la chance d'aller au cinéma voir le film de Tim Burton en 89. D'accord. Donc j'étais vraiment très jeune, j'avais 7 ans. Et c'est mon oncle qui m'avait emmené au cinéma pour voir Batman et j'ai encore le souvenir très vivace du générique de début, c'est-à-dire la caméra qui suit de très très près le logo de Batman. À l'époque, tu savais pas, enfin quand tu n'avais jamais vu le film, tu savais pas du tout ce que c'était. J'avais l'impression que c'était des rails d'un vieux train et tout, jusqu'à ce que ça s'éloigne et que le logo Batman se dessine. Et clairement, ça a changé ma vie en fait. C'est-à-dire que je pense que vraiment être allé au cinéma voir ce film, les seuls films que j'avais vus avant au ciné, ça devait être E.T. et je sais plus quel autre, probablement un dessin animé pour enfants. Et vraiment, Batman, ça a changé ma vie. Et à partir de ce jour-là, quand je suis sorti du cinéma, je pense que j'étais vraiment voué à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour c'est pour ça que on va certainement parler du Batman de 89 et on aura certainement des choses tendres et moins tendres à dire sur ce film. Mais en fait, moi, je peux pas le voir autrement que comme le film qui a fait de moi le mec que je suis aujourd'hui. En fait. Mais t'as énorme. T'as resquillé parce que c'est interdit moins de 12 ans, peut-être, non? Pas du tout. Ah ouais, c'était pas non. C'est, le truc, c'est que tu te remets dans le contexte, tu te dis en 89 vraiment on laissait les gamins aller voir n'importe quoi. Parce que en fait et la VF se lâchait en plus sur les gros mots, les trucs qu'elle leur ajoutait partout. Je sais pas si vous avez vu les Goonies en VF, il y a pas longtemps, mais c'est le nombre de trucs qui passent, c'est improbable. Donc voilà, je crois que c'est ma première, en tout cas c'est mon premier le premier truc dont je me souviens de confrontation au personnage de Batman. On aura l'occasion d'en reparler au moment où on abordera le film, ça va être très bientôt, hein, tu vois, on va très vite être dedans. Ben, excuse-moi. Ah oui, c'est Joïm. Je le fais mal. On dirait que tu avais avalé Philippe Manœuvre, mais mal. Ouais, de travers. Eh bien, moi, c'est comme je pense énormément de gens qui nous écoutent, qui ont à peu près mon âge, c'est la série animée sur France 3 à l'époque. FR3, du coup. FR3. De Bruce Timm. De Bruce Timm et Paul Dini. Paul Dini, ouais. Qui passait le matin, donc ça sent les chocs à pic et le chocolat chaud, etc. Ouais. Et c'était. Enfin, c'est. Encore aujourd'hui. Ça passait le soir aussi, je crois. C'est passé à tellement les heures multiplicées que c'est passé à toutes les heures. Ils adoraient ça. Alors, j'ai pas trop de souvenirs datés, enfin, la date près des dessins animés de cette époque-là. Mais. Bah, c'est 92. Hein. Ouais, 92, mais je me souviens pas des références que j'avais au moment où j'ai découvert ça. Mais c'était d'une énorme claque parce que je connaissais pas bien le perso, donc je pouvais pas trop me dire c'est bien traité ou pas. C'est juste que visuellement l'animation était dingue, tous les personnages avaient de la gueule, les doublages étaient super, enfin pour moi c'était la version normale parce que j'ai regardé tout en français. T'inquiète pas, on aura l'occasion d'approfondir sur le dessin animé et tous les épisodes étaient bien, c'est-à-dire que mais ça t'a marqué, genre c'était ton dessin animé de chevet ou c'était vraiment le truc que j'adorais regarder. C'était et en fait il y avait un, enfin, il y avait un côté classe, un côté élégant, alors que je regardais pas de films des années 30-40 ou que tu vois, j'avais très peu de références, j'avais 10 ans, tu vois. C'était 92 en France aussi, du coup. 92-93. Ouais, voilà, bon, j'avais 10 11 ans, quoi. C'est... Ouais, je suis. Pardon, non, vas-y, vas-y, continue. Et du coup, c'est vrai que je pense en parler longuement parce que c'est le point commun dans plein de productions Batman, mais il y a toujours ce côté volontairement désuet des années 30-40, alors que c'est dans le monde moderne et je trouve ça toujours très élégant quand c'est bien fait. Et voilà, moi, ça m'a frappé. Le générique, mais c'est possiblement des génériques que j'ai le plus vu de ma vie, le plus de fois, quoi. Bien sûr. Donc voilà, la série animée. Trop bien. Et Vesper ? Difficile de passer après ça. En plus, ils ont tout inventé. En plus. rien n'est vrai. Alors en fait, moi j'ai eu un papier toilette Batman quand j'avais, je sais pas, 12 ans. Alors effectivement, je ne suis pas allé voir le Batman de 89 au cinéma car je n'étais pas né. C'était le petit point, la petite piquette. Bah, Flaubert non plus d'ailleurs, parce que nous sommes de la même année. Oh, les sales jeunes. Et effectivement, comme Ben, j'ai découvert avec la série télé de 92, donc pas en 92, un petit peu plus tard. Mais à la télé quand même ? À la télé aussi. Ah, ça passait encore. C'est passé très longtemps partout. Mais c'est vrai qu'il y avait le soir, effectivement. Mes parents se prenaient pour des bourges, on avait une canal sat. Donc, du coup, en plus, on avait plein de chaînes. C'était diffusé partout. Ça passait en boucle et tout. Ouais, bien sûr. J'en ai mangé du Batman. Effectivement, je trouvais ça formidable. Déjà gothique, avant même, du coup, d'avoir vu l'autre film. Ça m'avait fasciné. À partir de ce moment-là, Batman, c'était mon super-héros préféré. Donc j'adorais tellement les méchants, ça a déjà commencé là. Mon main c'était déjà Poison Ivy, j'aimais déjà. Et du coup t'as pu enchaîner avec Batman Beyond ou pas à l'époque, c'était déjà sorti. Et moi tu vois j'ai pas, alors on aura aussi l'occasion d'en parler, mais j'ai pas réussi le pas par exemple. J'étais tellement fan de Batman, mais parce que moi vraiment. Je trouvais ça moins bien pour le coup. Tu vois, moi c'est comme Mélissa, c'est-à-dire qu'on était, je pense qu'on était pile les enfants qui grandissaient avec, donc pile quand tu commences à être ado, il y a un nouveau Batman, tu fais ça dégage. C'est pour ça que pour moi. Parce que moi pareil effectivement comme vous deux, c'est le dessin animé, beaucoup. Après, j'ai un vrai souvenir de Batman Forever au cinéma, qui pour le coup, on pense ce qu'on veut du film, mais quand t'es gamin et que c'est au cinéma, c'est chambé. Complètement d'accord. Et les jouets, moi j'ai eu. Alors moi, mes parents, ils m'ont acheté quasiment que des jouets Batman. C'est-à-dire que je pense vraiment, sincèrement, avoir 80% du marché des années 90 de Batman, puisqu'en fait, c'est tout ce que j'ai demandé de mes 6 à 12 ans, je pense. Mais ça vaut une blinde, ça doit valoir une blinde, non ? Parce que même les magazines, c'est pas les jouets qui cotent le plus. Okay, parce que j'ai ressorti les magazines aussi, Batman Magazine de l'époque qui était édité par CIMIC, ça ne coûte rien du tout. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment des merdes, ça coûte 2€ sur eBay. Mais par contre, mes parents, c'était le rituel tous les dimanches. On allait chercher le tous les dimanches ou tous les mois, ça devait être tous les mois. Ah parce que tous les dimanches là, t'étais quand même un petit. Bon, ça coûtait 12 francs. Hein, numéro 3, c'est quand même. Tu parles du magazine, mais d'accord. Oui. Non, pas les jouets. Non. Je crois que t'avais un jouet tous les dimanches de Batman. Parce qu'il était très sage tous les dimanches. Non, mais les jouets, j'en avais 1000 et j'ai eu mais des trucs qui avaient aucun sens parce que comme tous les jouets, au bout d'un moment t'as pudité, donc t'as des Batman à cheval, voilà, moi j'avais la moto de Robin de Batman Forever. Tu as découpé un magazine, tu te fous de ma gueule? J'étais petit, j'avais dû avoir 6 ans, devait y avoir un dessin cool que j'ai mis dans un poster. Ok. Donc voilà, moi c'est pareil. Pour t'abonner. Comment? C'est pas une petite page pour t'abonner? C'est la page du courrier, je sais pas. Si c'est la page du courrier, ça veut dire qu'à côté il y avait certainement un petit truc à découper pour t'abonner au fan club. Ben a le magazine de l'époque, j'en ai sorti quelques-uns. Et donc j'ai dû m'abonner. Je me suis peut-être abonné en fait, tu vois, en tout cas, j'ai souvenir d'en avoir plein et d'adorer ça aussi. Et voilà, d'avoir grandi avec quelque part le dessin animé, parce que le magazine dont je vous parle, c'était vraiment le dessin animé en page de BD, quoi. Ouais. Les Simpsons font ça aussi, enfin c'était un truc qui se faisait beaucoup à une époque. Mais là, pour commencer, alors on va remonter à 1989, t'en parlais tout à l'heure, Joe, avec le premier Batman. Batman de Tim Burton avec cette chanson de Prince. Yes, toute la BO. Toute la BO de Prince. Moi j'avais le vinyle que jette le Get Shaun of the Dead en disant que c'est de la merde. Moi je trouvais ça très bien. Mais ça a failli jamais se faire ça. Enfin, Tim Burton lui il voulait pas qu'il y ait Prince. Il était pas du tout fan de Prince. Il voulait que ce soit Cure. C'est ça, qui est un peu toute l'histoire du premier Batman, justement Tim Burton, contre ce que veut faire Warner. Vu que toi t'as toute une histoire personnelle, Joe, je vais d'abord passer à nos deux camarades. Bien sûr. Mélissa, toi, qu'est-ce que tu penses de ce tout premier Batman? Eh bien écoute, je l'ai revu il y a pas longtemps parce qu'effectivement ça faisait un petit moment et justement pour le Joker j'ai voulu un peu me remettre en jambe avec toutes les, bien sûr. Les définitions du Joker. Je spoil, je préfère Batman le défi. Wow, mais j'aime beaucoup celui-là et effectivement j'étais du coup je l'ai vu à un âge où j'étais déjà très fan de Tim Burton et oh là là c'est un peu gothique, c'est un peu donc j'étais fasciné par tout ça. Je trouve que c'est la plus belle représentation de Gotham. J'aime beaucoup cette version, je trouve ça magnifique, enfin tout le côté Art Nouveau et tout ça me du mute, quoi. Tu parles du 1 quand tu dis la meilleure représentation, même pas le défi du coup. Ah, enfin les deux, je parle de Tim Burton en général. Très bien. Mais le défi est beaucoup plus resserré en vrai. En plus, c'est pas le même chef décorateur. Non, mais même dans l'histoire, le 2, t'as genre une place de la ville, deux immeubles, c'est pas grand chose en vrai. C'est vrai, carrément. Et ouais, c'était formidable. Enfin, Jack Nicholson est formidable, tout est formidable. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus intéressant. Non, mais c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, en fait, moi je pense qu'il y a un truc quand t'es enfant ou t'as envie d'être adulte, mine de rien, t'as envie d'être grand vite. C'est vrai que Batman, pour ça, les films des années 90 et le dessin animé, pour moi, je pense que c'est en ça que ça m'a marqué. C'est genre. Ah ouais, là je suis un grand, je regarde Batman, parce que des fois c'est un peu dark, des fois c'est un peu énervé, des fois c'est un peu pas gore, mais genre un peu violent, il y a des morts et tout. Enfin, je pense que quand tu passes du dessin animé au film, il y a un petit choc quand même, en termes d'intensité, de la violence, la noirceur et tout. Le dessin animé n'était pas si. Attends, il y a des épisodes de gamins qui sont écrasés sous les trains, c'est pas monnaie courante non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même, tu vois, même visuellement. Et quand c'est live, enfin moi ça me choquait plus de voir des acteurs forcément. C'est sur le bras droit du Joker, tout ça quoi. Ouais, c'est ça, enfin toute la scène du musée et tout, il y a quand même une certaine tension et ça. Là, en revoyant le film, je la ressentais encore quoi. Elle est malaisante cette scène du musée, c'est le malaise. Ouais. Ben, eh bien moi je l'ai revu très récemment aussi parce que je me suis fait un bat marathon là pour au vu de cette émission. Un photomaton. Non mais c'est pour ça que c'est là où vraiment je me rends compte que mes invités sont vraiment meilleurs que moi parce que moi que dalle. Le plaisir est présent. Hein, il y a des trucs que je me suis pas infligé dont on parlera sûrement à la fin. J'avais un très bon souvenir et j'ai toujours de très bons souvenirs de ce film. Évidemment je préfère le défi. On en parlera tout à l'heure pour plein de raisons. Mais c'est surtout évidemment, mais c'est pas si courant. Il y a plein de gens qui justement reprochent à Le Défi d'être trop un film de Tim Burton et pas assez un Batman. Exactement. Bah alors moi ça serait l'inverse, ça serait de dire, alors peut-être pas assez Batman, parce que je sais pas, mais en tout cas pas assez Tim Burton, ce qui est assez logique puisque il était pas encore le Tim Burton de Edouard Romain d'Argent et tout ça. C'est son premier blockbuster. Voilà, c'est ça. Et donc il a 32 ans quand il fait le film. Ouais, non, ça c'est assez fou. Et du coup en le revoyant avec plaisir, Nicholson pas de souci, Kim Basinger pas de souci, Michael Keaton assez complexe comme personnage et comme acteur, mais pas de souci non plus. C'est plus. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est chiant, parce que ça serait vraiment vénère, mais il se passe pas grand chose ça m'a pas secoué, quoi. Alors, quand j'étais petit, c'était ma boule, tu vois, parce que évidemment, je dis pas qu'il faut être petit pour être choqué ou quoi, c'est juste que peut-être aussi avec toutes les itérations d'après, les comics, etc., quand tu le revois, tu te dis c'est cool, c'est trop bien pour l'époque, c'est super, il y a énormément de trucs cool, mais. Et là, je vais côté Tim Burton parce que j'ai vu une interview de lui où il dit ça. Le mec côté Tim Burton. Non, mais je vais le paraphraser, mais il dit en gros qu'il le trouve chiant. Et que pour lui, ce film, même s'il regrette pas, c'est plus un choc culturel qu'un bon Batman en tant que film. Et je trouve que c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que il est très bien, il faut le voir et tout, mais c'est le choc de quand il est sorti, ce que disait Joe, le générique, tout ça, est tel que en fait, quand tu le compares au film pur film produit film, il est en dessous du plaisir du juste de l'entité Batman 89 quoi. Je trouve. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors je sais pas la France, moi je me souviens, enfin j'ai vu des trucs sur les États-Unis où ça a été une vraie, c'est ce qui a créé ce que j'ai appelé la Batmania, ça, bien sûr. À savoir ça a fait mais une chier de pognon, mais d'un truc extrêmement vénère puisque le film a quand même rapporté 413 millions de dollars sur l'international, et ce qui reste un des records de tous les Batman confondus. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire que c'est un dans. Et à l'époque, c'était un record cinéma. Et c'était voilà, c'est ça, c'est vraiment historique. Ça n'a aucun sens. Quoi. Et je crois que c'est le plus gros salaire de Nicholson de toute sa carrière, parce que je crois qu'il avait signé pour des royalties. C'est même pas que c'est son plus gros millions, salaire. Je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il a dealé, à vie les royalties sur les produits dérivés. Oh le cochon il a fait une George Lucas. Et en plus, t'as des interviews, mais qui sont à crever de rire de Nicholson de l'époque du film, où il dit qu'il était carrément allé aux Oscars de cette année-là. Le film n'était pas encore sorti, et en fait, il faisait de la pute. Tu sais, il allait aux chiottes et tout, et il parlait aux producteurs. Il disait : là, j'ai parlé avec des financiers, personne n'est capable de prédire à quel point ça va cartonner et tout. Et en fait, il a mindfucké tout le monde. à Hollywood pour leur dire le film ça va être un carton de dingue. Et résultat, en fait, il y a une sorte de bouche à oreille qui s'est créée grâce à Nicholson. C'est lui qui a fait marcher le bouche à oreille pour le film parce qu'il savait qu'il allait y gagner à fond. Et c'est Batman de Burton qui l'a rendu multimillionnaire. Ouais, quoi. Ouais. C'est vraiment avec ce film qui est devenu richissime. Mais il aime ce rôle, hein, il le dit souvent. Ah, il adore ce rôle. Ah bah, surtout, il a une liberté, je pense, assez folle dans le rôle. Ouais. Et puis c'est. Alors toujours aujourd'hui, mais Jack Nicholson à cette période-là, il est vraiment extrêmement puissant. Mmh. C'est-à-dire que c'est après Shining, c'est après Les Sorcières d'Eastwick, c'est après même les trucs un peu indés, un peu stylés des années 70, tout ça. Enfin, c'est genre, c'est une machine de guerre, quoi. Ouais. On se rend peut-être moins compte aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment un très très gros acteur. C'est comme si aujourd'hui on disait, je sais pas, Brad Pitt va faire le Joker, quoi. Enfin, c'est genre, il y a un truc un peu culturel assez fou de une des plus grosses stars actuelles va interpréter le méchant de Batman. Et en plus, alors moi j'ai très peu vu la série Batman 66, tu dis qu'on va pas en parler à raison, mais il passe après c'est pas, un Joker. C'est pas pour un jugement de valeur, c'est juste que moi j'ai rien vu et pareil, que moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est peut-être que Joe connaît plus, mais il passe moi, après... je regardais quand j'étais petit. Il passe après un Joker plutôt pif-paf-pouf, un peu rigolo. De César, celui de César Romero et qui du était... Du coup, il doit proposer un nouveau Joker, et du coup, comme tu dis, je pense qu'il était libre, et du coup c'était... Mais il était plus que libre, il était en roue libre, vraiment. Il y a un moment, si jamais vous revoyez le film, vous qui nous écoutez, peut-être que ça va vous donner envie de le remater, il y a une scène qui a été tourné au tout début du tournage et où personne savait ce qui se passait. C'est la scène de fin en fait où le Joker monte avec Kim Basinger les étages de la cathédrale. Personne ne sait ce qui se passe en fait parce que le scénario était pas encore terminé. Et à un moment dans le film, à chaque fois ça me fait marrer, t'as Joker donc qui pointe son gun sur Kim Basinger et qui la force à monter. Et à un moment, il se retourne et il regarde derrière lui. Comme si il entend Batman arriver, un truc comme ça. En fait, il se passait rien. C'est juste que Nicholson savait pas ce qu'il fallait qu'il fasse. Ah, donc il cherchait de l'aide. Et il cherchait de l'aide auprès de Tim Burton en se retournant, en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, ils ont trouvé ça cool. Donc ils ont rajouté la scène où je crois Batman cogne un mec dans la cloche. Ouais. Et du coup, le Joker se retourne. Mais en fait, c'est juste une réaction naturelle. Et je crois c'est que Nicholson a été en roue libre comme ça sur à peu près tout le film, où en fait le texte était réécrit au jour le jour. Enfin, le tournage du film c'était vraiment un sacré gros bordel. T'avais Tim Burton qui chialait tous les jours parce qu'il était pris en tenaille entre les deux producteurs du film. Il y en avait un des deux qui couchait avec Kim Basinger, l'autre qui était un ancien coiffeur de star de Barbara Streisand, s'il y a des fans de Kevin Smith qui écoutent ces podcasts, qui sont un peu comme moi, c'est ce mec fou dont parle Kevin Smith quand il voulait faire Superman le film. C'est ce mec là les droits de Batman, mais c'est-à-dire et de Superman, c'est-à-dire que même quand vous allez voir Man of Steel, c'est ce mec là que vous voyez en producteur ou Star is Born, il a les droits de Star is Born aussi. C'est John Peters, je crois, de C'est un gars qui a juste acheté les droits au bon moment de trucs et se retrouve sur plein de prod Warner depuis des décennies. Que maintenant il a même des histoires au cul d'agression sexuelle et tout. Mais à l'époque, en tout cas, le gars avait Batman, Superman et Star is Born qui étaient les trois plus gros trucs de Warner quoi. Alors qu'il était fou allié. Il était complètement taré. Et Burton, lui, il avait 32 piges. Il tournait de nuit à Londres, d'où la prestance des décors, parce qu'ils étaient au studio Pinewood et qu'ils avaient la place de faire plein de trucs. Décors qui n'ont pas été réutilisés pour Batman le Défi. Et le film, mais le scénario, le projet de film Batman, il date des années 70. En fait, le mec qui a écrit ça, c'est Michael Uslan, qui était un professeur en université et qui était le premier mec qui a fait des cours. De comics, sur l'histoire des comic books à l'université et qui avait écrit un scénario de Batman qui essayait de le vendre partout. Et c'est quand même les deux producteurs, dont Peters, qui l'ont accompagné dans tout le process. Mais ça a mis 10 ans à se faire en fait, ce film. Et quand ça s'est fait, il y a plein de réalisateurs qui sont passés. Richard Donner a failli le faire, plein de gens ont failli le faire. Et ils ont récupéré Burton au dernier moment. Ils lui ont demandé de faire Beetlejuice pour s'assurer que il ferait pas trop de la merde. Beetlejuice a cartonné le premier week-end, donc ils ont dit ok, go pour Batman avec Michael Keaton. Sauf qu'en fait le mec s'est retrouvé à la tête d'une sorte de machine de guerre de studio alors qu'il savait pas faire quoi, tu vois. Et c'est pour ça, je pense, que moi je suis complètement d'accord avec Burton quand il dit aujourd'hui que c'est plus un phénomène de société, un choc culturel qu'un bon film. Effectivement, il est plein de tares en fait, ce premier Batman. Il y a plein de choses géniales, évidemment. Je pense en particulier aussi à la BO de Danny Elfman. Enfin, pour moi le premier Batman, c'est vraiment la révélation d'un des plus grands compositeurs. J'aime beaucoup Kim Basinger aussi, moi, dans le film. Kim Basinger, son perso, clairement. Ouais. Mais c'était pas une révélation, si tu veux. Kim Basinger, elle était déjà un peu. Le rôle est cool, je trouve. Ouais, on verra que dans le Forever, le personnage est un peu similaire et bien plus raté, tu vois. Ouais, le côté fasciné de Batman et tout, machin. Alors que pourtant, t'es censé avoir un personnage dans Forever. Enfin, tu vois, je crois que c'est une psy. On en reparlera. Mais donc, il a plein de tares, ce premier Batman, mais c'est vraiment. Il a occasionné. Le marketing pour ce film était sans précédent déjà. Et il a été vraiment. Ils ont été brillants, quoi, si tu veux. veux, c'est-à-dire que tous les jouets, tous les trucs étaient tout sold out avant la sortie du film. Il y a eu une sorte de tollé monstre quand ils ont annoncé Michael Keaton dans le rôle de ouais. Bruce Wayne, parce que ils avaient dit pétitions. Ouais, on va faire un film sombre. Et donc quand tout le monde a vu que c'était Michael Keaton, et même il était stand-upper avant, si tu veux, donc tout le monde dit mais quoi, en fait ils se foutent de notre gueule, ils vont refaire la série des années 70. Et ils vont refaire Beetlejuice parce que c'était l'acteur principal de Beetlejuice, le même réal. Et donc comme tu le disais, ils ont eu 50 000 lettres de plainte et tout. Et du coup le producteur a fait ok, faites-nous une bande-annonce. Et en fait ils ont projeté une bande-annonce dans des cinémas. Il y a eu un bouche à oreille de fou parce que les gens ont dit ok, en fait ça va être complètement dingue, parce qu'ils ont fait un montage où il y a zéro blague et où c'est full non-stop action et tout. Kevin Smith le raconte aussi d'ailleurs, qu'il faisait partie des gens qui avaient fait la queue dans les salles pour aller voir la bande annonce et ensuite le se film barrer. Qui passait la bande annonce, ouais, voilà, c'était ils restaient pas pour le film d'après, ils venaient juste voir la bande annonce de Batman. Et c'est ce qui fait que quand le film est sorti, les gens campaient devant les cinémas et tout, parce qu'ils avaient réussi à construire une attente, tu vois, démesuré, qui est dû à l'affiche aussi. En fait, quand tu revois l'affiche aujourd'hui, tu te dis bah c'est simple, c'est une affiche noire avec le logo Batman dessus. Mais en fait, tu te rends compte quand tu dis que le logo Batman il est plus grand que l'affiche, il rentre pas complètement. Il y a une sorte de truc genre, il y a juste écrit Batman, la chauve-souris, et les gens ils avaient jamais vu un truc pareil, quoi. Mais surtout visuellement, je pense que à presque 40 ans, après, avec tout ce que j'ai pu voir et tout, c'est fait partie aussi de mon métier, le visuel et tout ça, et l'affiche de Batman et le logo du film, parce qu'en fait le logo il existe dans d'autres versions, mais ce logo là, oui, jaune, c'est une des images qui me trigger direct, c'est vraiment Madeleine de Proust direct, c'est ouf, c'est taré. Ouais. Et voilà quoi. Donc, et toi, alors plus parce que là c'était des faits et tout, des machins. Qu'est-ce que toi, Joe, tu disais que c'est un film qui t'a quand même un peu marqué quand t'étais gamin. C'est quoi dans ce film-là? C'est le côté héros, la grandeur du truc? Moi je pense que c'était la première fois que je voyais un truc qui était censé être du grand spectacle d'entertainment et qui était edgy, quoi, tu vois, où tu voyais ça, c'était sombre, c'était beaucoup plus. Enfin, j'avais déjà vu Superman à la télé à l'époque en cassette vidéo, qui était un univers hyper solaire et tout. C'était la première fois que je me retrouvais face à quelque chose qui m'a touché profondément, si tu veux. C'est-à-dire que la direction artistique, le personnage du Joker, la musique de Prince, même si aujourd'hui elle paraît complètement en décalage avec le film, moi justement, ça, je trouvais que ça installait une sorte de malaise bizarre où il y avait vraiment la musique de Prince venait contrebalancer. Enfin, tu vois, quand t'entends la musique de Prince à fond et les gens qui sont en train de crever à cause du gaz hilarant, en train de se faire jeter des billets à la gueule et tout. Oui, il y a un truc assez fort. Ouais. En fait, quand t'as 7 piges, tu comprends rien, mais tu te prends une sorte de suite d'images hyper. Enfin, qui t'imprime vraiment la rétine pendant une heure et demie. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué. Le fait que le méchant crève à la fin aussi, quoi, tu vois. Dans ce genre de film, tu vois, dans Superman, Lex Luthor, il meurt pas, quoi. Là, t'as vraiment, genre, Batman qui tient pas la main du Joker, il tombe et tu le vois écrasé au sol par terre. T'as la caméra qui prend bien le temps de tourner autour de lui en descendant. Tout ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué. Et même si je suis d'accord avec tout le monde autour de cette table, je pense, Batman le défi est un film bien supérieur en termes d'aboutissement artistique. Celui-là m'a choquant. M'a vraiment plus marqué en tant que personne, je pense, même si je préfère Batman le défi. Moi j'aime, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, en plus quand t'es petit surtout, t'as le héros, naturellement tu t'es de son côté, mais en même temps il te fait peur et il te fascine. Donc, tu sais, et le méchant est rigolo. Et voilà, tu sais vraiment pas, t'as le cul entre deux chaises et du coup ça choque. Je pense que c'est ça qui est peut-être un peu déçu maintenant aujourd'hui au regard de la filmographie de Tim Burton. Tu te dis, c'est quand même, ça aurait pu, enfin le côté Joker, on dirait vraiment un perso burtonien basique de ce qu'il déteste, à savoir un gars haut en couleur pour faire rire alors que lui il aime bien ce qui est dark et justement pas coloré. Et c'est vrai que tu te dis, dans ta tête, moi en tout cas je m'imaginais peut-être un autre méchant à la fin. J'ai l'impression de ne pas voir une version de Tim Burton du Joker, mais plus juste une version de Jack Nicholson. Ouais. Et dès qu'il y a le ballon avec les yeux à la Tim Burton et tout, là d'accord, mais le perso en lui-même, c'est vrai que moi, en ressenti pur, j'ai moins ce truc-là. Il voulait Bowie pour faire le Joker, l'auteur du scénar, Ham, là, voulait vraiment Bowie pour le Joker. Bowie, il a dit non. Mais par contre, ce qui est bien pour. Alors, ça, d'ailleurs, j'aimerais revenir dessus vite fait. Et après, on passera au second film. Mais c'est juste que ça a été beaucoup critiqué. Mais je trouve que pour les enfants, c'est chambé. Le fait que ce soit le Joker responsable des parents de la mort des parents de Batman, ouais. Donc qui est un truc inventé pour le film. Ah, complètement. Et, ça a fait gueuler des fans, d'ailleurs. Et que tout le monde détestait parce que du coup, ça liait beaucoup trop le Joker à Batman. Mais que derrière, c'est quand même Batman qui crée le Joker, puisqu'il n'arrive pas à le retenir pendant qu'il tombe dans la cuve et tout. Moi, je trouve que quand t'es enfant, t'as. Et que tu as grandi avec les Disney, ce qui a été mon cas, il y a un côté où on redistribue les cartes, assez intéressant, de l'un à créer l'autre, mais l'autre crée l'un, et donc du coup ils se détestent, mais en fait, l'un, n'existe... l'un, sans l'autre, l'un n'existerait pas, l'un ne serait pas dark, entre grosses guillemets, comme ça, l'un sans l'autre, quoi. Et ça, je trouvais ça, quand t'es gamin, je trouve que ça redistribue un peu les cartes du méchant et du gentil, même si à la fin, heureusement, le méchant crève et le héros gagne. Et le maquillage aussi est vraiment fou. J'adorais l'idée en fait qu'il se maquille pour devenir normal en fait. C'est ce qui rendait les scènes où il est comme ça aussi glauque quoi. Vois, quand il est vraiment, quand il se met un maquillage couleur chair. Quand il se maquille couleur chair. La prothèse de bouche là, elle est horrible. Oui, déjà c'est la prothèse de bouche horrible, mais surtout quand il a la couleur peau. Quand il se maquille avec sa couleur peau, c'est horrible quoi. Et qu'il s'essuie le front et que ça devient blanc. En plus, ça me faisait délirer parce que ça, je crois que c'est le premier effet spécial que j'ai compris. C'est quand je vois qu'il se passe. Il l'a mis dessus en fait. Ouais, voilà, il y a du blanc sur le truc. Et ça, quand j'étais petit, je me dis oh, c'est ça un effet spécial. Je viens de breaker Hollywood. Ouais, c'est vraiment et fort. C'est dingue. Enfin, au niveau du symbolisme et tout, c'était ça marchait super bien. Quoi. Non, c'est un super film. Et on passe au second film de Tim Burton, Batman Returns. Et on s'écoute Birth of a Penguin. Je connais ça. Mais déjà dans le 1, celle-là. Bah, c'est le thème de Danny. Ah, mais là, non, ça non. Voilà. Ah non, et ça après, non. Et après, ça vient de Tim Burton. Petite anecdote rigolote là-dessus. Là, vraiment. Batman. Crâle-patte. Donc, Batman Return, ou Batman le défi en français, même si bon, il n'y a pas Ouais, non, il n'y a pas vraiment de défi. Ouais. Moi, Batman le défi, je les vois sur des poteaux à Koh-Lanta. Enfin, tu vois, c'est tout. C'est comme le pari tant qu'on y est. Du coup, là, je vois Didier Bourdon. Et... Ouais, c'est emmerdant. Didier Bourdon en pingouin, du coup. Ah, ouais, bah, ça peut marcher. Ça marcherait bien. Batman Returns, alors, Vesper, je t'invite à commencer parce que tu disais que tu préférais largement le deuxième. Ah, tu l'as dit. Mais évidemment, mais comme. Bah, assume alors. Non mais de toute façon je suis une grosse normie, donc moi ce que je préfère dans Batman c'est les méchants. Oui. Voilà, vous avez rigolé beaucoup trop fort générale, cette réflexion. Non, c'est, c'est le fait de le dire qui me fait rire. C'est mais moi je suis d'accord avec toi, je préfère les méchants à Batman. Et donc du coup forcément Batman le défi avec des méchants comme Catwoman et le Pingouin, c'est formidable. Et Christopher Walken. Qui est considéré comme un méchant, je trouve. Oui, évidemment, dont le rôle, Max Schreck, dont le rôle a également été proposé à David Bowie, qui a aussi dit non. Décidément. Et c'est assez cocasse, sacré, puisque le rôle de Christopher Walken dans Dangereusement Vôtre a aussi été proposé à David Bowie, qui a dit non. Monsieur cinéma, les amis. C'est une je pense que David Bowie a passé sa vie à troller ses fans. Pour au final, dire oui à Labyrinthe, c'est quand même dingue, quand même. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est plutôt David Bonan. Oh là ouais, il est très fort. Il est très comment comment enchaîner après ça. Si c'est... tu peux. Je t'en supplie. Ouais. Donc et effectivement, j'étais totalement. Donc enfin, le pingouin est formidable, mais moi, c'est... quand j'étais jeune, j'étais totalement fasciné par Michel Pfeiffer. Ça me hantait, ce costume me hantait. Et pourtant, je n'étais pas un jeune garçon prépubère de 12 ans, je trouvais ça formidable de cette façon. C'est quoi, c'est 91 ça là 90 ah, pardon. Non, 91. Peut-être 91 ou 92, puisqu'il a fait Édouard aux mains d'argent entre les deux. Alors c'est 92. Ouais, 92, en fait, il y avait 89 Batman, donc, 90 Édouard aux mains d'argent, 92. Il n'y avait pas vraiment de vilaine à l'époque, enfin de méchant féminin aussi. Dans les films de super-héros. Il y en a pas. Attends, dans les films de super-héros, déjà, il n'y en avait pas eu beaucoup. Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans les films, elle était ambiguë, tu vois. Elle dégageait un truc de ouf que, voilà, petite, forcément, j'avais. Pas compris que c'était aussi sexuel forcément. Mais c'est sur le fil à chaque fois. Ouais, mais c'est ça. Hein, mais et c'était fascinant. Pardon, t'es déjà passé à Batman Forever. Le truc qui s'est lancé, pardon. Et effectivement, et je trouve qu'on pousse le curseur encore plus loin du côté gothique, du côté glauque, côté tout. Et effectivement, je trouve que là, Batman est encore moins intéressant. Que c'est méchant. Enfin, comment faire mieux que le pingouin. Moi, je trouve qu'il est intéressant dans le fait de pas être intéressant. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais le pingouin. Batman justement dans c'est en étant le moins que font intéressant les gros que les... fans de comics au film de Burton, c'est de dire mais Tim Burton s'en fout de Batman. C'est ce que reprochent certains on gros peut dire fans pareil de pour Dark Knight de Nolan. Alors que je trouve que la justification de Burton, c'est que le personnage de Batman, il est censé rester dans l'ombre. Il est justement beaucoup plus omnius. Sa présence se fait beaucoup plus sentir. quand il est suggéré et qu'on imagine qu'il est au-dessus en train d'observer et qu'on le voit pas comme ça face. D'ailleurs, enfin, ça, même dans le style de réalisation de Burton, enfin, tu vois, il filme pas super bien les bagarres et tout. Enfin, c'est pas son, c'est pas son meilleur truc. Donc, à chaque fois que t'as un plan de Batman qui fait rien, et ben, il est beaucoup plus stylé que quand il est en train de donner des coups de poing hyper raides comme ça. Et aussi, je pense que c'est l'une de mes premières expériences de en fait, tout n'est pas si blanc, tout n'est pas si noir. Et ça aussi, le côté c'est pas manichéen vraiment, et du coup tu te prends une claque en disant ah mais en fait le pingouin il est comme ça, mais en fait il est comme ça, et il s'est passé ça, il a telle et telle raison de c'est d'être pas gratos, comme ça quoi. Ouais, et effectivement quand j'étais gamine ça m'avait bien marqué parce que j'avais perdu mes repères un peu, c'était un peu mais surtout que alors je vais pas griller les étapes et comparer à un certain film dont on parlera tout en fin de podcast qui est en ce moment dans les salles mais il y a un très chouette rapport, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, Batman le défi, entre un méchant qui a une espèce de plan de méchant basique qui rencontre une société malade et qui du coup rentre dans le jeu et utilise cette société et en même temps se fait aussi un peu il se fait un peu avoir mine de rien ça, et du coup c'est ça que j'aimais bien, c'est que c'était pas non plus un truc genre regardez c'était un gentil et c'est juste la société a été avec lui, il a quand même des vices et des trucs qui sont présents mais effectivement la société exacerbe ça, je trouve tout le truc sexuel à savoir que d'un coup dès qu'il rencontre Max Schreck il a envie de baiser absolument toutes les meufs de la terre et qu'il commence à toucher des culs et à faire genre, oh mon petit chat machin et tout alors qu'au début c'est vraiment juste un méchant de Disney tu vois, bien sûr. Tout ça je trouvais ça assez fascinant de... mais dans la toute première scène quand il est bébé il bute un chat. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais en vrai, tu s'en fous des chats. Oui, non, mais clairement, mais c'est. Si ça avait été un chien. Bon. Ah, un chien, je n'aurais pas aimé. Il y a un truc, j'ai ça un peu fait honte. Dog Woman, c'est moins bien aussi en même temps. J'ai un peu honte, mais à la fois, c'est rigolo. Je me souviens pour ce film, la première fois que je l'ai vu, donc le film ouvre sur l'enfance du pingouin. Et après, donc, il y a un bond dans le temps de 30 ans, il est marqué 30 ans plus tard. Et moi, dans mon esprit, donc je rappelle quand même que j'avais 10 ans, hein, je me dis, bah, 30 ans. Plus tard, bah, donc Bruce Wayne, par rapport au 1, il doit avoir 80 ans maintenant. Ah, et, là, et après, je vois Michael Keaton, je fais mais quoi ? Déjà, je comprenais pas. J'ai appris le concept de time lapse, de flash forward. Pile au moment où Joe comprenait les effets spéciaux. Voilà, c'est ça. On a révolutionné le monde du cinéma. Parce que moi j'allais te dire, moi j'ai compris que c'était Laurent Fontaine, visiblement, le pingouin. Ils ont la même gueule, ils ont vraiment le même visage. Ils ont le même visage. C'est vrai, putain. Joe, toi, quel est ton ressenti sur Batman le défi? J'adore ce film, hein. Ouais. C'est un de mes films préférés ever. C'est, je crois, mon film de Noël préféré, peut-être avec les Gremlins. C'est vrai que ça fait ouais. C'est parce que c'est vraiment moi, un film. Moi, c'est un de mes films préférés, tout confondu. C'est un de mes films préférés. Et je le trouve plastiquement irréprochable. Il y a pareil, on. Avec le recul, quand t'as vu plein d'autres films entre temps, tu captes qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais en fait tu t'en bats les couilles parce qu'il y a tellement de trucs qui vont que ça marche. Et ouais, j'aime tout dans ce film en fait. Il y a rien qui me déplaît. Je trouve que le traitement des méchants effectivement est assez brillant. Je trouve le personnage de Catwoman vraiment incroyable. Je trouve son parcours, le parcours de Michelle Pfeiffer tout au long du film est fou. C'est même, je la trouve plus intéressante que le pingouin, plus intéressante que Batman. J'ai toujours cru que c'était le pingouin, moi, et en le revoyant là, je te dis, il y a deux semaines. En fait, je pense que c'est une princesse Disney. C'est une tragédie, mais... C'est vraiment une tragédie, son histoire. L'histoire du pingouin est tragique parce que c'est un des parents qui abandonnent leur enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que son plan reste un plan machiavélique de méchant et tout. Catwoman, c'est juste une meuf qui se fait bolosser par des hommes, qui se fait balancer par la fenêtre par son patron et qui vit ensuite un chemin de croix pour retrouver son identité et ça finit pas bien. Je dirais pas que le pingouin il est machiavélique, enfin je comprends ce que tu veux dire, non, mais pour rejoindre ce que non, tu non, disais je dis son plan est machiavélique, oui, c'est mais... le plan genre je contrôle la Batmobile, oui, j'essaie de pour moi avant, c'est plus avant le truc de la société, il veut quand même kidnapper tous les gamins, enfin tu sais il y a ce truc où il ouais je suis d'accord, mais il tu veut vois, choper pour... les actes de naissance et tout pour rejoindre ce que disait Vesper sur le côté pas si manichéen, pour moi c'est plus aimez-moi quoi, enfin tu vois il le fait très maladroitement et très fucked up, mais tu vois c'est pas franchement, il veut pas juste voir la ville brûler, mais que Catwoman n'a vraiment rien demandé, c'est ça qui c'est vraiment la meuf à laquelle tu peux t'identifier plus facilement, bien sûr, je trouve. Bien sûr. Et je trouve sa performance incroyable parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait. Enfin, c'est-à-dire que elle a appris à manier le fouet. Elle était quand même dans un costume. Une fois qu'elle le mettait, ils aspiraient l'air à l'intérieur pour qu'elle soit complètement collée. Enfin, comme un vacuum bed. Je vous propose de googler vacuum bed. Et on a utilisé 60. En enlevant le parental. Ils ont fait 60 costumes de Catwoman à $1000 pièce. Il est inégalé. Ce costume. C'est quand même un truc de fou. 60 costumes différents. Et puis même le côté chat. Alors évidemment. évidemment tu prends le classique du le chat à 9 vies, mais en fait c'est juste pour montrer qu'elle en veut et qu'elle s'arrêtera pas tant qu'elle aura pas eu ce qu'elle veut. Enfin, c'est brillant. Elle a un mini truc ridicule, Catwoman, c'est que dès qu'elle se déplace, c'est en faisant des saltos. Oui. Mais vraiment, il y a une scène où ils sont côte à côte, Batman et le pingouin, et elle arrive, elle fait OK. Ouais. Elle adore les saltos, elle adore faire des rondades. Saltos en talons. toute petite anecdote, ça fait chier les anecdotes. Non, mais c'est rigolo parce qu'on parlait, on parlait des décors et tu disais à juste titre, hein, Flaubert, que les décors étaient beaucoup plus resserrés dans Batman le défi. Et paradoxalement, sur le premier Batman, ils avaient Pinewood Studio où ils avaient carrément construit tout un quartier immense de Gotham City. Donc c'était gigantesque. Mais pour Batman Returns, le set, les plateaux, les différents plateaux utilisaient plus de 50% de l'espace libre des plateaux de la Warner, c'est-à-dire pour un seul film. À Los Angeles surtout. À Los Angeles, c'est-à-dire ils utilisaient plus de 50% de tous les plateaux Warner réunis juste pour Batman Returns. Et ça coûtait le film par jour, je sais plus combien il coûtait, mais c'était un truc. Bah de tant fou, mieux parce quoi. Qu'il tournait de nuit. Justement, il tournait de jour. Tim Burton avait tellement souffert à Londres de tourner de nuit. Qu'il avait une des conditions dans son contrat, c'était de tourner de jour parce que c'était infernal de tourner de nuit pendant le premier Batman. Mais d'ailleurs, je vous conseille une excellente vidéo de Monsieur Mea. Ah oui, où il raconte tout justement le tournage, la prépa, la genèse de ce film. Il est fort. Il explique par exemple, alors regardez toutes ces vidéos, mais en l'occurrence, Batman le défi, elle est vraiment charmée. Ouais. Et elle est dans le thème de ce qu'on raconte. Mais en tout cas, Tim Burton voulait que les gens soient dans une espèce de cube de glace tout le temps dans un pays, dans une ville où il fait 40 degrés pour qu'à chaque fois qu'il respire, il y a du froid qui sort et tout. Ouais, donc, ne serait-ce que ça, en termes d'écologie, il a détruit la moitié de l'humanité. Ouais. Écologie et économie aussi, parce que c'était la clim à zéro. Quoi. Puisqu'on en a conseillé des vidéos, je vous conseille un documentaire en 6 parties en anglais qui s'appelle Shadows of the Bat, pas Shadow parce que Shadow of the Bat c'est une BD si de Batman. Si vous avez le DVD, vous pouvez l'avoir avec les sous-titres français. Ah, il existe en DVD, je savais pas. Moi, dans le DVD Batman, c'est le bonus. En fait, c'est un documentaire sur les quatre, c'est-à-dire les deux de Burton et les deux de Schumacher dont on va parler après, où t'as des secrets de tournage, de production, ils expliquent des trucs et c'est passionnant. Voilà. Mais Batman le défi, en tout cas, moi, est un truc que je... Enfin, je le remate vraiment tous les ans, tous les deux ans. C'est vraiment un vrai kiff de le revoir. Noël, et je lui trouve encore des trucs qui me surprennent, mine de rien. Ouais. J'ai toujours des trucs, par exemple, le féminisme de... Alors, je suis mal placé pour en parler, mais le féminisme de Catwoman est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, quand elle sauve une meuf, elle lui en veut de se laisser faire, et donc elle est extrêmement violente. Ouais. Et du coup, le personnage n'est pas non plus à 200% attachant, parce qu'effectivement, elle a ce truc-là aussi où elle se cherche, elle. Alors que, et il y a tout le truc aussi, j'avais jamais remarqué, mine de rien, que quand elle, dans son répondeur, il y a sa mère, il y a machin, mais aussi on lui vend des produits de beauté, de machin, et tout. Tout ce sujet-là, en 91, 90, c'est quand même assez novateur. C'est hyper moderne. Quoi. Ouais, c'est moderne. Le personnage de Michelle Pfeiffer, pas que de Catwoman, de Selina Kyle, est hyper moderne en fait. Ouais. Enfin, tu parlais des scènes qui te choquent même en le revoyant année après année. Moi, c'est la fin. Quand le. Alors attention, spoiler, le pingouin meurt. Ouais. Il a 30 ans. Où en fait, tu sais, il se. Bon, alors déjà, la chiale quand il se fait mettre dans l'eau par ses pingouins. La grosse chiale, mais c'est surtout. Alors je sais plus si c'est avant ou après les pingouins, mais en gros, il est dans l'eau, il saigne du sang un peu dégueulasse vert et de tout, l'encre. Ouais, de l'encre. Et il sort du bassin. Et en fait, il n'arrive plus à parler, il a besoin de respirer parce qu'il a chaud, etc. Et en fait, tu le vois, alors peut-être que c'est moi qui extrapole, mais je le vois comme yeux, ça. C'est horrible. Il voit Bruce, enfin Batman, comme si c'était un peu celui qu'il voulait devenir. Et en fait, l'eau le rappelle à lui, il retombe dedans pour dire non, mec, tu seras toujours une merde, tu seras toujours dans les bas-fonds. Mm. Et enfin, je trouve que c'est hyper puissant comme mise en scène, quoi. Mais dans les structures de scénario, il y a une. Alors, sans jeu de mots, il y a un truc qui s'appelle Save the Cat, donc ça n'a rien à voir avec Catwoman, mais qui dit qu'en gros, si au début d'un film, tu montres un personnage, donc lui, l'exemple que donne le Blake Snyder qui a fait le bouquin, sauver un chat, ça peut être un enculé tout le reste du film. Au début, tu l'as montré sous un jour qui fait que t'es d'accord pour le suivre sur des trucs. Et. Le pingouin s'inscrit complètement dans ce truc, puisque dès le début, tu vois que ses parents, ne s'en occupent pas. Et effectivement, il attaque un chat, mais quand même, il le balance dans les égouts parce qu'il est moche. Parce qu'il y a aussi ça, hein, il est violent et il est moche. Et du coup, forcément, derrière, ses actions, quand même, il veut faire sauter Gotham avec des missiles sur des pingouins, donc c'est quand même pas très sympa. Mais mine de rien, t'es quand même de son côté. Et ouais, Selina Kyle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle se fait défenestrer. Donc de base, tu peux pas lui en vouloir d'être un petit peu agacé. Et le vrai, comme tu disais, le vrai méchant du film, c'est Christopher Walken. Rien pour le sauver en plus. C'est vraiment... Les accessoires, pareil, sur les pingouins, enfin, tout est ingénieux. La manière dont c'était transposé au cinéma, les parapluies, enfin, c'est dingue. Il y avait eu l'expo Art Ludique qui a quelques années sur DC. Ouais, très très belle expo. Et donc du coup effectivement toute cette partie là a été géniale et on voyait le costume de Catwoman. Ah mais t'avais tous les costumes de tout, c'était magnifique cette expo. Et les croquis, enfin il y avait la totale et c'était génial de voir comment tout ça avait été imaginé quoi. Juste un dernier truc, je pense qu'au moment de Batman Superman, on parlera du fait que Batman tue des gens, voilà. Ouais. Mais en revoyant Il tue beaucoup là. Voilà. Oui, mais justement, tu sais, notamment à un moment, il allume la Batmobile et il fait cramer un des clowns là, le pingouin. Et je me dis, ok, il tue des gars aussi. Mais je trouve que on est dans une version de Batman qui est très dark, très très grave et c'est vraiment ce qui se passe, c'est vénère. Mais on est quand même encore un petit peu dans le pulp du comics, cartoon. Ah, ouais. Quand il crame un gars. Il le crame, mais on ne sait pas s'il est mort. Tu vois, il va se relever, il aura la tête un peu noire. Mais en fait, tout, quoi, il pourrait être mort. Et c'est pas grave, c'est ça. Ouais, t'es dans un comics. Exactement. Alors que le film ne se prend pas au sérieux à ce moment-là. Ouais. Alors que dans BVS, c'est plus réaliste et c'est pour ça que ça choque, je pense. Parce que là, il y a limite. C'est pas la même époque. Il y a limite du Tex Avery, quoi. Je sais que non seulement il crame le mec avec sa Batmobile. C'est le cracheur de feu, surtout. C'est le cracheur de feu qui se fait cramer. Et à un moment, il y en a un qui tombe dans un trou et d'un coup, pouf, t'as une sorte de grosse explosion avec de la fumée. T'as vraiment l'impression de regarder un Tex Avery. Et c'est pour ça qui fait que vu qu'il y a du comic relief, ça marche. C'est pas le mec qui se balade dans Gotham avec ses deux mitrailleuses qui sort du truc et qui flingue tout ce qui se passe. Et puis les persos qui sont butés sont des clowns. Donc je pense que déjà de base, enfin des gens du cirque qui sont là pour amuser la galerie. Ouais. Et tous les gens chiaient d'ailleurs sur ça. Enfin les gens, non. Les aficionados un peu hardcore de Batman. Genre, c'est ce qu'il a pas pu foutre sur le Joker. Ça n'a aucun sens qu'il y ait des gens du cirque chez c'est le pingouin. C'est ça. Et en fait, justement, moi je pense que c'est ça. C'est là, ils sont là pour t'amuser, pour te divertir. Et donc du coup, c'est des gens du cirque, tu vois. Mais voilà. On va enchaîner avec du coup. Le troisième film où Tim Burton quitte l'aventure. J'aurais pu mettre Seal, mais j'aime bien celle-là. Mais bien sûr, c'est mieux. Christopher Rose, putain. C'est Iron Man, ça. C'était à l'époque où Bono avait essayé de faire comme David Bowie avec Ziggy Stardust, il avait The Fly, qui était genre son alter ego, mais ça n'avait pas pris du tout. Non. C'était son alter ego, genre, c'est pas vraiment Bono, j'ai des lunettes. Même si j'adore U2 et je les trouve injustement défoncés régulièrement par le monde de la musique. Par moi, éventuellement, si tu veux, je peux m'y coller si mais tu j'adore, j'adore U2 et j'aime beaucoup cette chanson. Batman Forever. Cette chanson est super. Batman Forever, donc de Joel Schumacher, à la base proposé à Tim Burton, c'est-à-dire que c'est lui qui devait faire le 3. De ce que j'ai compris. Non, c'est lui qui a. Lui, il est venu avec des. Non, pas du tout. Ah ouais, il est venu, lui, avec un scénario pour le 3. Et en fait, le 2 a tellement contre-performé et a tellement fait flipper tout le monde qu'ils ont dit non, mais en fait, on va. Non, tu vas produire, mais on va mettre quelqu'un d'autre. En fait, moi, ce que j'ai vu et lu et tout ça, c'était que. Ils ont pas réussi à vendre assez de jouets aux gamins par rapport parce que c'est trop dark et trop gothique et tout. Personne voulait un jouet du pingouin, mais je crois que meurt on parle non, de ça. Non, personne voulait Catwoman, mais pingouin ils l'ont même carrément transformé. C'est pas le pingouin du film. Ouais, c'est merde. Ah, c'est collector. Ah, non, ils ont fait un pingouin qui ressemble à celui de la série des années 60 parce que le pingouin du film il voulait pas. Hasbro voulait pas le ou Kenner voulait pas le faire. Mais du coup c'est pour moi c'était alors j'en ai peut-être déduit ça faussement, mais c'était pour ça que Burton s'est barré parce qu'il voulait faire un truc beaucoup plus pif paf pouf, un peu plus light avec des couleurs et tout. D'après ce que j'ai lu de Tim Burton, lui avait des projets pour le troisième film. Il est allé voir la Warner en disant après le 2 là, moi j'ai prévu d'aller par là, et Warner a un peu pris peur parce qu'il lui avait vraiment laissé carte blanche sur Batman le défi, et même si le film a fait un premier week-end de fou, le bouche à oreille a été désastreux parce que les enfants n'y allaient pas surtout. Les enfants ont emmené les parents ont emmené leurs enfants le premier week-end, les enfants sont sortis traumatisés, il y a eu un mauvais bouche à oreille et le film a très très vite descendu, et du coup Warner a dit non mais pour le 3 on va faire un truc beaucoup plus safe. Et Burton non, au contraire, il est hyper il a été hyper frustré et il y a son nom au générique en tant que producteur, mais il s'est pas du tout investi sur le truc en fait. Ce que je vous lis à la base, donc c'est Val Kilmer qui fait Batman cette fois-ci, mais c'était alors pour le coup c'est pour ça que j'ai mélangé, je me suis trompé, c'est Michael Keaton devait quand même faire Batman. Joel Schumacher voulait garder Michael Keaton, et je vous sors le numéro 1 de Batman Magazine de juillet 1994. Journalisme total. Où dans l'édito ils disent on a téléphoné à Michael Keaton à quelques semaines du tournage de Batman 3. Oh la vache. Tu vois, on lui a demandé si c'était bien lui qu'il allait le faire. Il a répondu que oui. On lui explique, il ne savait pas. Alors après, ils expliquent, Michael Keaton leur a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des fans de Batman en France, et donc il lui explique et tout. Et il dit cool, when I come to Europe to do Batman 3, I hope to see you. Il nous a invité à venir à Londres sur le tournage du troisième Batman au Pinewood Studio. Espérons que ce rêve devienne réalité. Donc et bien voilà. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas parce que c'est Val Kilmer qui fait Batman, ouais, qui est un Batman très décrié quand même. Moi, je trouve que c'était un bon choix, un bon casting. Parce que physiquement, non, physiquement oui, et puis même, oui, oui, et puis même, enfin, à cette époque-là, Val Kilmer, il y a de l'acting. Hein, il est classe, si on lui, si on le laisse, enfin, si on lui donne quelque chose à jouer, en fait. Le problème, c'est que, bah, on lui donne rien à jouer. Moi, j'ai un peu le syndrome de Batman de 89 pour Joe. Moi, je l'ai avec Forever parce que c'est le tout premier film de ma life que j'ai vu tout seul au cinéma. Ah bah, oh, le grand. Donc, j'étais un adulte. Et t'es un grand. Ouais, je suis un grand. Et du coup, je peux pas contredire tous les reproches qu'on lui fait parce que j'en fais moi-même. Mais attends, il a une petite place dans mon cœur. Moi je l'ai vu au cinéma à l'époque, ouais, j'ai trouvé ça super. Attendez, moi je vais vous expliquer ça avec Batman et Robin après, donc vous inquiétez pas. Non mais alors j'ai rien contre Val Kilmer, on a pas noté, mais c'est vrai que... Adoré que tu disais, j'ai un énorme trou. En fait. Je le déteste. Mais c'est perso, j'en parle pas. C'est la troisième fois qu'on a l'acteur qui fait Alfred, on en a pas du tout parlé, mais il est toujours là. Michael Cook. Voilà, qui et est Gordon, décédé c'est il y a pas, pas si longtemps. Aussi, Gordon, Gordon c'est je le même. Sais alors il y a un problème avec Gordon, parce que j'ai vu les tous d'affilée, on sait jamais s'il est commissaire, lieutenant, général des armées ou maire. Ou maire. Et donc non le casting est cool, Jim Carrey moi je trouve qu'il est super, il fait du Jim Carrey plus de max, c'est ouais, plus contre alors contre le pauvre par rapport à Tommy Lee Jones, ouais. Il fait le Joker quoi. Ouais, enfin, il est ridicule en fait. C'est-à-dire qu'il fait costume quand même. Oh là là, putain. Le costume et double face. Ah là là, putain. Mais non, mais c'est ça. C'est ouais, ouais. Il a deux moitiés de costume. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais, mais... Là, c'est vraiment une idée. Genre, bah si, c'est il a le visage brûlé, donc il a deux costumes. Genre, bah, mais non, c'est ridicule. Ça fait partie des trucs que tu. C'est un léopard rose. Mais la peau aussi est rose d'ailleurs. Ça fait partie des trucs qui fonctionnent sur le papier et qui, au cinéma, c'est trop comics pour le cinéma. Alors que Jim Carrey en beat, bon, ça passe. Attends, tu dirais que et qu'il lance des canards en faisant des. Moi, je me souviens très bien de cette scène. La première fois que j'ai vu cette scène où il est dans la Batcave et qu'il la détruit avec des canards en plastique et qu'il fait des petites danses. Ouais. Moi, j'avais adoré. C'est vraiment la même scène que Nicholson dans le musée, mais j'avais adoré. Mais avec des canards. Et des explosions. Moi, c'était vraiment. Je l'ai vu au cinéma aussi pendant les vacances d'été à Saint-Jean-de-Luz chez ma grand-mère. Ah, le mec. Juste après être allé voir la Reine Margot, paye deux salles, deux ambiances. Ouais. Et je crois que. Il y avait vraiment le fanboy à l'intérieur de moi qui était déjà mature parce que je savais que c'était beaucoup moins bien ce que je regardais, vraiment. Genre, j'en avais parfaitement conscience, mais je suis quand même sorti en disant putain, c'était chambé. J'ai mis vraiment des années à. La Reine Margot, j'avais trouvé ça super. Mais bon, non, mais Batman Forever, j'avais conscience que c'était beaucoup moins bien, mais j'avais quand même envie de me persuader que c'était vraiment super. Attends, mais il y avait Robin. Et j'ai mis des années à. Ouais, madame, ça, c'est ce qui est très raté, moi, je trouve. Oui, mais quand t'es petit, t'es trop content qu'il y ait Robin. Bien sûr. Après, et quand t'es grand, tu dis, mais en fait, non, fallait pas. Ni les tétons sur les costumes, fallait non, pas. Non, ça les tétons, pas encore. C'est Robin, pardon. Moi, je m'en fous. Mais c'est surtout le Batman Forever. Ça, je vous conseille un très bon podcast de Norm Macdonald où il y a Jim Carrey qui est invité, qui raconte le tournage. Et c'est à pleurer parce qu'en fait, Tommy Lee Jones détestait Jim Carrey. Et c'est pour ça qu'en plus, il avait tendance à en faire un peu des caisses parce qu'il se disait. En fait, c'est le héros du film. Il est en train de faire Jack Nicholson et donc, enfin, Jack Nicholson dans le 1, le méchant et principal. Et du coup, il dit, bah, je vais en faire pareil. Sauf qu'il y en a un, c'est Jim Carrey, l'autre, c'est Tommy Lee Jones, et que du coup, Tommy Lee Jones, c'est moins dans son, comment dire, dans sa palette d'acting de faire Jim Carrey. Et du coup, apparemment, c'était la guerre à John 4 et ils se détestaient, genre vraiment. Tommy Lee Jones, avant les prises, il dit à Jim Carrey, je ne t'aime pas. Non. Ouais, vraiment des trucs horribles. Mais horribles. Alors, pareil, anecdote cinéma, depuis Batman. Dans le projet de Tim Burton du 3, il voulait que ce soit Robin Williams qui fasse le mystère. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Du coup, il a dit non parce que c'était le second choix pour le Joker. Ouais. Donc il a dit non, les gars. C'est même pas que c'était le second choix pour le Joker, c'est qu'on lui avait dit on voudrait te donner le rôle du Joker, go. Lui, il a dit ouais. Et c'était juste pour faire mariner Nicholson qui voulait pas leur dire oui ou non. Et que quand Nicholson a appris que Robin Williams le faisait, il a dit non, finalement je vais faire le Joker. Et donc ils ont appelé Robin Williams en disant finalement non, il y a Jack Nicholson qui s'est dit. Et du coup, le mec il a eu tellement le seum qu'après il leur a dit non. Ah bah tu m'étonnes, attends. Robin Williams qui devait aussi faire le comédien dans le Watchmen de Terry Gilliam. Oui. Quand Terry Gilliam bossait sur Watchmen, il aurait dû faire le comédien. Oui, donc en fait c'est ça, c'est un peu fiction, n'importe quoi. C'est un Batman Forever un peu plus pulp. Oui. Et moi je sais. c'est vrai, quand t'es gamin, ça voilà. marche. Et puis c'est Black Mirror quand même là pour le coup. Le truc, c'est vrai que c'est pas celui-ci, c'est Black Mirror. Le truc de l'homme mystère, pardon. Ouais, à tes yeux, c'est de la VR. C'est de la VR. Il met le truc sur le front, tu vois des images. Des images d'une nullité, il joue à la pêche. Il est truite, il voit les truites devant. Il voit les truites en 3D et tu fais ok, il va contrôler le monde. Visiblement. Il a inventé les truites et les truites en 3D. Et tu parlais tout à l'heure de Nicole Kidman et de son personnage. Très compliqué ce personnage. Bah surtout ouais, enfin pas du tout très compliqué de pas être compliqué. Pas traité quoi, pas traité, pas développé. Ah, mais c'est très juste... mal écrit. Moi ouais, je l'ai pas revu récemment, mais j'ai un souvenir de. Il y a vraiment. Ah bah veut que niquer avec lui en fait. Avec Batman. Ouais. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans l'écriture, en plus, il y a quand il est en Bruce Wayne, et en genre oui en Bruce. Oui, ah, alors, il pousse le truc d'une violence genre Bruce, on peut venir chez vous ce soir, et le Bruce il fait ouais je suis chaud. Votre petit copain le chevalier, il serait là. Sérieux. Meuf, s'il te plaît. Alors que moi j'aurais été Bruce Wayne, je la ken avec le costume, tant pis. Enfin, ça change. Techniquement, ça change pas grand chose. Non. C'est, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, voilà. Ça existe dans d'autres films, si tu veux. C'est Axel Rose qui s'en est occupé. Plus, et puis quand tu vois Double Face, pareil, son appartement qui est scindé en deux, et il a une go pour le côté sympa et une go pour le côté pas sympa. Ouais. La go blanche. Sugar. Je me souvenais pas des noms. C'est Sugar et Spice. C'est malin. Excellent. Et voilà, qui sont aussi bien écrites que Nicole Kidman. Ah bah toutes les femmes du film hein, sont vraiment. Mais elles ont des boas en plume dans mes souvenirs. Ça m'a un peu marqué. Et tu vois, au pire, si vraiment il avait tenu à faire du Jim Carrey bis, ce qui est une mauvaise idée, il aurait au moins pu essayer de faire. Enfin, en fait, il est même pas théâtral, il est même pas drôle, il est pas. Il est vraiment. Non, puis le perso est pas ouf en fait. Non, et surtout, en fait, il y en a deux. Et en même temps, je pense qu'ils ont dû vouloir. Enfin, je ne suis pas dans la tête de Warner Bros. Mais ils se sont dit, je pense que dans Batman Returns, ça marchait quand même pas mal d'avoir deux méchants. Et puis en plus, ça fait deux fois plus de jouets. Ouais, tu vois, sur le papier, ça deux sonne. Fois plus de fun. C'est ça. Et là, je pense qu'ils ont dû se dire, bon, bah vas-y, on en fout deux. Mais même l'opening, je sais pas si vous vous souvenez, où il est dans une cuve d'acide. Pelleté par un hélicoptère au-dessus de Gotham. Enfin, c'est très. Et qui loue avec un. Ah, si, c'est un coffre-fort. Et après, Batman, il refait un truc avec un gun et le coffre-fort revient pile dans le coup qu'il avait ça, créé. C'est super. Ça n'a aucun sens. C'est génial. Et enfin, voilà, donc il y a plein de trucs comme ça dans ce film. Moi, je me souviens quand même du plan final. J'adorais le plan final où, en quand gros. Quand il court. Non, quand le. Non. Pardon. Quand il court. J'adore quand il court. Non, c'est quand Nicole Kidman va voir l'homme mystère pour savoir s'il se souvient. Parce que je suis Batman. Parce qu'il connaît l'identité de Batman et elle veut le connaître. Elle lui dit mais est-ce que vous savez qui est Batman? Il fait bien sûr, je le sais. Et il hurle je suis Batman. Ouais. Et j'avais trouvé ça génial. Quand j'étais sorti du cinéma, je fais c'est trop bien. C'est mais c'est toujours bien. C'est toujours une bonne idée. Arkham, l'asile d'Arkham, on le voyait dans les Burton. Non, pas du tout. C'est la première fois qu'on voyait Arkham. Donc c'est mal fait quand même. Oh, c'est une cage. Non, puis c'est vraiment le cliché du fou de l'asile. Oui, on s'en fout, c'est cool. C'est trop bien. Sachez qu'avant Val Kilmer, enfin après Michael Keaton et avant Val Kilmer, j'avais noté les acteurs envisagés. Il y avait eu Ralph Fiennes. Sylvester Stallone, c'est quand même fou pour Bruce Wayne. Stallone, il lui avait déjà proposé pour le premier. Et Daniel Day-Lewis. Ouais. Alors ça aurait été vraiment un autre délire. Ça aurait été cool. Il a marché le film, par contre, on est en train de moitié cracher dessus. Mais carrément, moi j'ai kiffé, mais oui, il a cartonné. Le jeu vidéo était dégueulasse. La chanson de Seal, oui. Alors, il était digitalisé par les mecs qui ont fait Mortal Kombat. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais alors le jeu vidéo de Batman Returns, c'était une difficulté. Sur Super NES, mais il est super fantastique. Il était mortel. Moi sur Mega Drive, je me souviens qu'il était trop dur. Ah ouais, c'était très très dur. C'était très dur, mais il était beau. Très frustrant. Extrêmement frustrant. Mais ce qui nous amène. Ah pardon, excuse-moi. Non, je disais, ça a cartonné et ça nous ramène à quelque chose que tu disais avant qu'on commence à enregistrer cette émission, c'est que ça a conforté la Warner dans leur choix beaucoup plus consensuel de Joel Schumacher et de pousser les potards encore plus loin pour le film dont on va parler suite. Maintenant. Oh, il me fait des transitions, c'est parfait. Alors oui, le choix de la chanson est surprenant, mais... Meilleure chose du film. Sachez que la BO est faite par les Smashing... Enfin, pas la BO, mais cette chanson, par les Smashing Pumpkins. Groupe extraordinaire d'ailleurs, s'il en est, je vous invite à en écouter. J'ai oublié une anecdote ridicule sur Forever. Vas-y. Si Burton l'avait fait, ça s'appelait Batman Continues. Après Batman le défi, Batman Returns et Continues du coup. Ouais. Donc heureusement qu'il y a eu au moins Batman Strike Again. Et là, c'est Batman et Robin, parce que ça y est, Robin est présent, Robin fait partie de l'histoire. Alors l'épisode vraiment décrié par absolument tout le monde. Le téton gate. Voilà, c'est ça. 20 ans de vanne. Et là, Batman, la carte blanquière Batman. C'est dur pour George Clooney. Mais George Clooney a été le premier, il a dit quand même la phrase j'ai tué Batman, ce qui est quand même un espèce de truc. Mais c'était pas un mauvais Bruce Wayne, je trouve. Ah mais c'était un. Moi, Je suis persuadé encore aujourd'hui que c'était un super choix. Enfin, sur le papier, tu me dis Georges Clooney, c'est Batman Bruce Wayne. Parfait, il a le menton qu'il faut. Il est parfait. Et c'est un très bon acteur. Il est juste pas dans le bon film, quoi. Mais il est super. Enfin, c'était un super casting. Si les gens qui nous écoutent décident de le revoir après, matez-le en VF. Parce que les jeux de mots sont légion. T'as l'impression que c'est un mec qui a. Mais pardon, mais Freeze, je vais jeter un froid, c'est ça. Freeze, t'es chiant. Putain, non, c'est je pense que c'est un. Tu sais, t'as l'impression que c'est vraiment les doublages d'un dessin animé du Club Dorothée des années 80-90. Oui, mais attends, en VO, il y a les jeux de mots aussi. Oui, mais non, mais la VF, elle est folle. La VF, elle est belle. En fait, tu dis soit ils en ont plus rien à foutre, soit effectivement, ils veulent pousser encore plus loin le curseur du coloré pulp. Alors, ça, c'est ma petite guerre interne, Ben, avec les gens qui critiquent les films. C'est pour ça que j'ai dit peut-être, j'ai dit soit. Que je pense que jamais personne dans le cinéma s'en branle. Enfin, tu vois, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Désolé, en mode allons-y, franco de porte. Mais je pense pas que ce soit comme ça, je pense qu'ils ont vraiment dit. Enfin, c'est mon avis, j'ai peut-être pas raison. Non, mais tu as raison, je pense. Mais dans ma tête, je me dis, il n'y a pas un truc où tu dis, oh, allez, on essaye, quand tu fais un meilleur film, où il y a autant de millions derrière. Parce qu'on parle de Jack Nicholson, mais Schwarzenegger, il a coûté une blindaxe aussi. C'est peut-être ce que je préfère dans ce film. Bah oui, au moins il y va. Lui, pour le coup, il est yolo. C'est ça. Lui, il a son petit peignoir bleu, il a ses petits chaussons. Le plan qui part sur les chaussons et qui monte sur lui avec un cigare. Ça n'a rien à voir avec les crises de la série animée, par exemple, qui est beaucoup plus dramatique et beaucoup plus classe. Mais c'est son frise à lui, quoi. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais tu dis que ça n'a rien à voir. Ça a quand même ceci à voir que c'est la même origin story. Ah, bah, complètement. Pas tout le monde. C'est pas de personne. C'est ça. Les fans de Batman le savent sûrement déjà, mais Mr. Freeze qui veut sauver sa femme, ça, c'est le dessin animé qu'il avait inventé quelques années avant. Petit conseil comic book pour tous les gens qui nous écoutent. Mais là, vu qu'on est sur Freeze, lisez Batman Snow, qui est une mini-série qui doit faire 4 ou 5 issues, donc qui est regroupée en un volume, sur l'origin story de Freeze, et c'est fantastique. Voilà, c'est super. Petit conseil, Mr. Freeze, framboise, c'est meilleur que coca. Allez, je vous délivre ou pas. J'aurais adoré, d'ailleurs, que dans le film, ils disent ça. Tu vois. Ouais, on prend un Mr. Freeze. Un truc bien lourd. Et ils refont d'ailleurs la même mort un peu que le pingouin, où il est dégueu, où il saigne un peu, il a les yeux rouges, c'est vraiment la même chose. Il a chaud. Mais à la fin, il redevient gentil un peu. Il redevient très gentil, puisqu'en fait, il annule son, il annule son plan de tuer tout le monde. Ce qui est pas mal, ce qui est assez sympa de sa part. Ouais, que gentil, mais qui enlève quand même tout. Toute classe à Batman quand même, qui vraiment. Comment ça, il va aller faire. Bon, on peut négocier quand même, merde. Bon, tu vas pas tuer tout le monde quand même. Tu sais que ta femme, c'est Poison Ivy en fait qui l'a tué, c'est pas nous. Et là il fait oh non, et du coup il fait ok, j'annule. On peut parler de la pire chose du film ou pas, qui peut être l'argument massue de tous les gens qui critiquent Tom Hardy dans les Nolan, c'est Bane. La pire chose c'est horrible. Mais à la rigueur, au niveau du look, c'est le meilleur de tous. Avec le liquide vert là. Non, le masque tu veux dire. Par rapport à Poison Ivy et à Freeze en peignoir. Alors, Bane, si tu prends la photo. Il est plus chart si tu préfères, mais il est pas. Ça veut pas dire. Enfin, pour moi, il est pas shape. Bane, shape. Surtout que là, on se retrouve vraiment face à des gens dont la compréhension du personnage se limite à la gueule qu'il a, quoi. C'est-à-dire que les prods du film ont dit alors ils ont regardé un comics, ils ont pas lu, tu vois, ils ont regardé, ils ont fait oh bah lui c'est un catcheur bodybuildé, bah voilà, mettez-le là, il doit être débile, donc il est aux stéroïdes empoisonnés, il y a poisonné libre, bah voilà, on va les faire se mettre ensemble. Ouais, puis je pense qu'il y a un peu un truc aussi de ça permet de mettre un méchant sans trop le développer, mettons un méchant de plus, et surtout alors ma théorie que je vous ai un peu délivrée hors antenne les amis, mais que je partage avec les auditeurs, c'est qu'effectivement je trouve que les Batman ratés sont ceux où ils poussent trop loin ce qui marchait dans les autres Batman en l'utilisant comme une mécanique et comme une formule. Et Batman et Robin, par exemple, tous les méchants sont vraiment construits comme Batman Returns, à savoir c'est tous des victimes de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Freeze est victime parce qu'on lui a empêché de sauver sa femme. Poison Ivy, c'est la même chose que Catwoman, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est un mec qui vénère contre elle et qui la défonce, et du coup elle devient une méchante ultra féministe, voilà. Et Bane, pareil, c'est une victime. C'est un petit mec qu'on accroche qui dit non, moi je veux pas. Alors lui, on lui donne aucune rédemption parce qu'on s'en bat les couilles. Mais la première fois que tu vois Bane, c'est un mec gringalet qui est victime d'une. Tu vois, d'un savant. C'est Captain America gone wrong, c'est ça. Et alors, pour parler de Bane, et juste, moi, c'est ce plan que j'adore où il est incognito, Bane, avec un imper et un chapeau par-dessus le masque. Je pense que c'est un hommage au Tortue Ninja. Oui, Tortue Ninja, complètement. Ça, c'est quand même extraordinaire. extraordinaire ce plan. Et alors toi qui adorais Poison Ivy, Mélissa, ah, je l'ai tellement mal vécu. Parce que sur le papier, Uma Thurman, Poison Ivy, on est quand même papier, sur De Gaulle. Ouais. J'étais très fan d'Uma Thurman déjà à l'époque en plus, et donc Poison Ivy. Ah bah le vernis à ongles sur les gants MAPPA, j'ai pas pu. Hein. Non, et non, les petites cornes sur la tête, ça aurait pu passer avec les le sourcils reste, aussi, mais... les sourcils en feuille. Esthétiquement, moi je trouve que ça marche. Moi, tu sais quoi, alors là je veux vraiment dans sortir... un épisode des Power Rangers, oui. Non, mais même ouais, pas, mais c'est assumé au final. Oui, mais non, parce que alors, et là je vais vraiment te sortir un argument de beauf, c'est que techniquement elle est censée être sensuelle, sexuelle, et je ne la trouve jamais sexuelle dans bah le film. Mais elle met de la poudre dans les yeux. Oui, des mais gens. Voilà, mais tu vois, là où Catwoman, oui, je comprends. Oui, je suis là vraiment, je ne la trouve oui, pas. Là, tu vois qu'elle triche avec les phéromones, tu vois. Oui, mais est-ce que, alors attention, théorie crafting, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans les studios, tu dis tout le temps, et t'as raison. Je t'adore. Vu qu'on est dans une version de Batman qui doit vendre des jouets, qui est clairement plus pour. Alors peut-être pour les enfants si au final oui, pour la famille ou pour les menus McDo hein, on peut exactement, le exactement il la sexualise pas oui, c'est je te jette un produit de la magie quoi complètement et, tu vois ce que je veux dire et puis en plus c'est de la magie de d'enfant enfin c'est genre c'est je t'embrasse sur la bouche et il y a un poison c'est ça c'est genre non je disais juste esthétiquement si on est dans ce délire il a peut-être 20 ans donc autant te dire qu'un bisou sur la bouche il lui en faut un petit peu plus il lui en faut un petit peu ça écoute vu l'origine story de Robin c'est peut-être son premier bisou c'est vrai ah mais on a même pas parlé de son pseudo love interest à Robin oui de Alyssa Silverstone bah ouais pas de girl enfin qui ne veut mais oui donc Poison Ivy très dur ouais. Très dur. Mais le body feuille, ok. Le reste. Et elle finit mangée par une plante un peu en plastique. Alors qu'elle était assise dedans deux secondes avant. La plante de la petite boutique des horreurs. C'est la même. Et elle meurt sur un plan large. Ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment un plan large et tu la vois la truc faire ça. Oui, non, mais c'est. Tout est nul. C'est dur. Tu la retrouves à la fin. Si, tu la retrouves à la fin. Parce que, et ça, c'est là où c'est pour moi c'est incroyable de faire ça. C'est qu'elle est en prison, donc tu dis ok, c'est bon, elle est en prison, et t'as Freeze qui arrive, qui est censé être devenu gentil, qui la bute de sang-froid. Mais genre, le film se finit sur Freeze qui est censé être devenu un gentil, qui bute Poison Ivy parce qu'elle a tué sa femme, d'accord. Mais ce qui est horrible, c'est que là pour le coup, tu vois, tu disais dans Tim Burton, c'est un comic book, c'est rigolo. Là, c'est complètement raté, et je trouve ça ultra glauque de finir là-dessus. Tu dis bah, soit t'as sauvé Freeze, soit c'est effectivement un néo-nazi, mais tu peux pas lui faire genre à la je suis pour à la Michel Sardou de je me venge de la meuf de la meuf non mais c'est ça là c'est vraiment il est devenu gentil mais quand même il tue la meuf parce que elle est en prison oui mais on la tue j'ai 1,5 argument pour attention le 0,5 c'est une bonne idée mal exploitée c'est Alfred qui est malade et la relation Bruce Wayne Alfred elle est super. Mortelle à un moment il lui dit je t'aime et tout ça en français même en français ça marche donc ça c'est trop bien mais ça va pas plus loin que ah bah Freeze il a le même remède alors du coup de la même maladie ça c'est ça va vite hein. Mais j'aurais bien aimé qu'il fasse un truc parce que à part dans les Nolan je trouve que Alfred est pas très bien exploité même dans les derniers avec Ben Affleck avec Jeremy Irons bon on en reparlera mais je trouve que c'était une bonne idée qui est mal exploitée et l'autre chose que moi j'aime bien et que je défends même si je suis tout seul ça marche aussi pour Forever c'est on parlait du Gotham tout à l'heure de Burton qui est très particulier très gothique là c'est un Gotham avec des géantes statues fluo mais moi j'aime bien c'est-à-dire que c'est YOLO assumé enfin YOLO dans le sens franco tu vois autant y aller et je trouve que architecturalement ça n'a pas de sens mais ça fonctionne dans ce Batman là dans cohérent cet esprit dans son univers voilà. Si tu veux. Je trouve tu sais t'as même les loupards qui ont des peintures des peintures fluo un peu les loupards les loulous les brigands et les toutes les scènes moi ce que j'ai beaucoup de mal avec Batman et Robin qui était un peu mon nanar de chevet avec les copains quand j'étais à la fac quoi mais c'est les scènes d'action sont terribles en plus il y a une scène je pense qui est un truc scène qui a pas dû marcher au montage et qui l'ont coupé il y a vraiment Batman qui est en bagnole après après Mr Freeze il saute d'un pont et après il y a un noir il ouvre sa cape et Mr Freeze est posé en horizontal sous la cape et en fait il dit c'est bon je l'ai niqué mais tu ne vois pas de baston tu ne vois pas tu sais pas comment il l'a chopé c'est extrêmement raté c'est très très étrange par contre beaucoup de transport dans le mode de transport par exemple une des scènes du début je crois ils font du surf sur des portes de prison enfin ou des trucs de il y a aussi les patins les patins où tu dois taper dans tes chaussures c'est génial, c'est inventif. Mais c'est pas un très bon film. Non. C'est gentil. Hein. Et du coup, Silverstone, je t'ai coupé tout à l'heure quand on a commencé de parler. Il y a pas grand chose à dire, bizarrement. La pose, ce qu'il y a à dire, c'est que ça lui a flingué sa carrière, Alicia Silverstone. C'est après Clueless Oui, c'est après Clueless. Et puis pareil, alors elle, pour le coup, il y a. autant t'as Robin une origin story, ses parents sont morts, tués par double face, Batman aussi. Elle c'est vraiment juste Alfred. C'est la nièce d'Alfred. Tiens, regarde ce qu'elle a. Il y a toutes les attitudes. Moi j'aurais vraiment aimé la scène où il y a Batman qui fait Alfred. Bon, je sais que vous êtes malade, mais enfin là on pourrait discuter. Vous avez quand même tout mon arsenal à une meuf que je connais à peine. Non mais c'est clair. Peut-être ça. On en discute parce que là j'aimerais quand même avoir mon mot à dire. Ok, vous crevez, mais c'est pas make a wish quoi. Au bout d'un moment, c'est pas. C'est vrai. Tu peux pas tout donner à qui tu veux quoi. Pour sa défense, l'Alfred de Tim Burton avait laissé rentrer. Selina Kyle. Vicky Vale dans la Batcave. Donc Alfred contre Alfred, je sais oui, pas ce qu'il a un peu. Dit, ouais, je sais. Enfin, vous kiffez donc. Bah non, tu sais pas. D'ailleurs, il l'engueule dans Batman Returns. Il dit ou je ne c'est vous qui avez laissé rentrer Vicky Vale. Alors moi, je suis là, je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Je me retourne et boum, il y a Vicky Vale. Alfred, il fait oui, mais faut ken un peu maintenant. Bruce. À un moment, ça va bien. La chauve-souris, ça cache des trucs. Faut y aller. Et par contre, petit, j'arrête pas de dire, par contre, alors que depuis tout à l'heure, voilà. Non, t'inquiète. Je fais vraiment un focus sur Alfred parce que je trouve que c'est un perso très intéressant et qui est mal exploité. Il y a dans celui de Burton et dans celui de Schumacher, il y a pas du tout ce côté Alfred. Alors on est pas obligé d'en faire un guerrier de ouf, mais tu sais, il est censé avoir une vie avant. Ça a été déterminé sur le tard un peu. Oui, mais enfin, je veux dire, en gros, il est jamais vraiment teammate de Bruce Wayne. Il est juste derrière un micro, mais tu sais, il pourrait être un petit peu comment on appelle ça, le gars derrière l'ordinateur. C'est vraiment en mode the guy in the chair. Ouais, the guy in the chair. Et je trouve qu'il y a pas trop ça. Et pour le coup, il y a beaucoup de défauts à BVS, mais dans BVS, Jeremy Irons, il est vénère et j'aime bien. Voilà. On va passer maintenant au dessin animé dont on parlait tout à l'heure avec un petit extrait. Dépêchons-nous, Robin. Nous devons mettre fin à ce désastre. Ça grimpe sérieusement, Robin. On va se faire les mollets. C'est trop bien, putain. Courage, Robin, nous y sommes presque. Nom d'un chaton hanté, Batman, regarde. Oh oui. Nom d'un chaton hanté. Parce qu'il est devant un château hanté, c'est quand il se bat contre Dracula. Donc non, évidemment, ça c'est le vieux dessin animé. C'est à crever de rire, hein, franchement. Qui est extrêmement drôle. Et alors là, c'est Patrick Guillemin. Oui, parce que tout le monde... Enfin, il y a plein de gens qui croient, pardon... que c'est juste de la mauvaise traduction. Non, c'est juste un gars qui se fait plaisir. Et alors, les Simpsons Over reconnaîtront la voix de Troy McClure. Il le joue vraiment comme Troy McClure. Quoi. C'est vraiment la même voix. Et voilà, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais évidemment, non. On parle de la série animée de Batman sortie début 90. Les frissons. Le plan Batmobile était extrêmement stylé. En fait, le générique, c'est un épisode. Non, mais franchement, le générique, c'est un épisode parfait. Genre, il y a zéro dialogue, il y a rien, tout est nickel quoi. La lumière, les flics et tout. Qui est un générique gratos, hein, parce qu'il n'y a même pas le nom des trucs et tout. C'est vraiment juste. Derrière, voilà, ça commence. Juste stylé. C'est pour te mettre dans le bain. C'est Elfman la musique ? Alors, c'est le thème de Danny Elfman. Est-ce que c'est lui réorchestré par une nana qui je sais, son nom m'échappe, mais c'est une compositrice. D'accord. Qui a récupéré les thèmes de Danny Elfman et qui en a composé beaucoup d'autres super. Trop bien. Pour cette série animée. Ben, j'ai envie de commencer avec toi. J'ai envie de retrouver son nom, je vais chercher. Du dessin animé. Là, j'ai envie de manger des Chocapic, par exemple. Tu vois. Oui. Bah, qu'est-ce qui te faisait kiffer dans ce dessin animé ? Quel souvenir ? Est-ce que tu les as rematés aussi ? J'en ai rematé quelques-uns. Ouais. J'ai cherché un peu les tops, les meilleurs épisodes. Ah là là. Déjà, je me souvenais pas. Alors, je sais pas, il y a eu un problème de... Shirley Walker, pardon. Shirley Walker. C'est un problème de listing. Des fois, j'ai vu que le tout premier épisode, c'était un tel, et des fois, c'était un tel. Il me semble que c'est celui avec Man-Bat, le tout premier épisode. Ouais. Ok, ouais. Donc c'est non, ça. Si, c'est ça. Et le deuxième, c'est le Noël de Batman avec le Joker. C'est ça, avec le Joker. En fait, déjà, le premier truc que j'aimais bien, c'est que c'était vraiment un rendez-vous. J'attendais vraiment, tu vois, quand générique qui commence, je te dis, t'as les frissons, même encore maintenant j'ai les frissons, et je savais très bien que ça allait être mi-potage, genre avec des trucs un peu légers, mi-aventure, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça par rapport aux autres films, mais Batman c'est un détective et c'est un enquêteur, et dans ce dessin animé il y avait ce côté, alors même si c'était jamais, c'est pas des trucs de polar non plus tu vois, mais non il enquêtait, il y avait des indices, il y avait des trucs, Scooby-Doo plus des fois tu vois, et c'était, enfin, et visuellement l'animation et le doublage aussi, franchement on pourra jamais on pourra jamais dire assez que c'est des doubleurs de ouf, Richard Darbois notamment, que ce soit en VO ou en VF. J'ai jamais vu en VO pour le coup, du coup, mais c'est forcément des doubleurs VO, du coup, c'est super, c'est des Kevin animés. Conroy, Mark Hamill, oui, Mark Hamill qui fait ça, le Joker, ouais. Mais donc voilà, donc pour moi c'était vraiment le un chef-d'œuvre, un dessin animé chef-d'œuvre que j'avais envie de regarder tout le temps et que j'ai rematé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me les remater, ils sortir en Blu-ray il y a pas très longtemps. On m'a offert le coffret Blu-ray à Noël dernier. C'est un plaisir. Effectivement, il y a les films aussi et c'est un vrai bonheur. J'avais commencé à les revoir. Bon, HD, HD avec des guillemets quoi, mais c'est super. Mais c'est... Non, non, le coffret Blu-ray est formidable. Ça vieillit pas. Enfin, ça ne vieillit pas. Ça, c'est assez fascinant quand même. C'est parce que c'est même moi, des dessins animés que j'adorais de Cartoon Network et tout, je comprends que les jeunes aient du mal à les remater et tout. La Batman, je trouve que ça a quand même de la gueule. Ça vieillit un peu comme les. Enfin, c'est pas du tout la même direction artistique, mais ça vieillit un peu comme les Sherlock Holmes de Miyazaki. C'est peut-être un peu chiant pour les jeunes d'aujourd'hui, oui, peut-être, parce que le rythme, ça prend son temps. Mais il y a une telle DA en fait. Tout vient de la DA en fait. C'est-à-dire que c'est tellement marqué visuellement que c'est tellement élégant en fait. Et c'est pas. Je pense que les trucs qui vieillissent pas très bien de Cartoon Network, par exemple, dont tu parles, c'est des trucs dont les codes visuels étaient très ancrés dans leur époque. Mm-mm. Alors que ce Batman, par exemple, est tellement intemporel que ça marche n'importe quoi. Il faut des anachronismes dans le bon sens du terme et tout. C'est brillant. Il développe, en fait, il développe l'univers. Ouais. Alors, on vous apprendra sûrement rien sur Harley Quinn, qui a été inventé dans ce dessin animé. Mm-hmm. Je le disais tout à l'heure, le passé de Mr. Freeze. Mais c'est un des nombreux trucs qui viennent du dessin animé, puisque les deux créateurs étaient vraiment des fans hardcore de Batman et ont vraiment créé des choses qui aujourd'hui encore ont marqué la culture de Batman. Enfin, on fait des films on fait 14 films sur Harley Quinn et ça vient de quelque part, quoi. Mélissa, toi, sur le dessin animé, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? J'adorais les épisodes. L'un de mes épisodes préférés, c'est celui où ils jouent tous au poker et ils racontent la fois où ils ont failli avoir Batman. Ils sont de peu. Voilà. Ouais. J'avais le titre anglais, j'avais plus le titre français, tu vois. Et je le trouve génial. Déjà, dans les dessins animés, j'adorais ces épisodes qui sont en fait plein de mini-épisodes des mini-histoires. C'était génial. Enfin, vraiment, là, la galerie est fantastique. Et j'aimais déjà aussi beaucoup Harley Quinn. J'ai rencontré, parce que ça vous arrive tout le temps, vous rencontrez des gens stylés, mais j'ai vu Paul Dini et Bruce Timm au dernier Paris Comics Expo. Stylé. Petit salon parti trop tôt. Je vais avoir une super anecdote là-dessus. Je les ai vus à ce moment-là et j'ai pu faire dédicacer tous les deux. J'avais acheté un petit top de Mad Love pour l'occasion. Très stylé. Et j'en étais très fier. Voilà, les deux là, j'avais réussi à choper les deux. Les deux, c'est stylé. Ouais, les deux étaient. Tu sais que Bruce Timm, il fait beaucoup de trucs, de machin. Une petite photo avec Bruce Timm. Je n'avais pas de costume Batman, j'étais en Jessica Jones, mais il a reconnu et il était. C'était grave cool. Ah ouais, mais vraiment, cool. Ce dessin animé, c'était celui que je regardais le plus niveau super-héros. Moi, ça m'a marqué à vie. Ils arrivaient à faire un truc à la fois classe et à la fois dramatique sans que ce soit glauque. Alors, Joe avait peut-être des exceptions, certains épisodes un peu glauques. Il y a des épisodes glauques. Mais c'était toujours très classe et très. Et c'était pas glauque si gamin que ça. Quand Ils arrivaient à mettre le doigt sur des trucs, je trouve, que des peurs d'enfant, trucs. Ouais, et puis il y avait le. Enfin, c'est là qu'il y a le personnage de Leslie Topkins aussi, avec l'orphelinat. Il y avait plein de thèmes qui étaient abordés. C'est pas si. Leslie Topkins, c'est. C'est qui grandit pas ? Non, Leslie Topkins, c'est une médecin qui s'occupe aussi d'un orphelin. Il faudrait que je revoie exactement parce qu'ensuite elle a été utilisée dans le comics aussi, mais en gros c'est plus ou moins une nana qui sait qui est Bruce Wayne, qui connaît son passé, qu'il connaissait enfant et qui a un peu une sorte de rôle de tante May dans le dessin animé, si tu veux. D'ailleurs, il y a un épisode entièrement dédié à elle, d'ailleurs. Oui, exactement. Et tout ça, c'est des trucs et d'ailleurs moi c'était ça qui je pense m'a plu dans cette série animée, parce que j'étais un petit peu plus vieux quand elle a commencé à être diffusée et donc j'avais peut-être un regard un peu différent, mais en fait mes épisodes préférés, je crois, c'était pas forcément ceux où il y avait le Joker ou Double Face, même si l'origine de Double Face, enfin le double épisode est vraiment dingue, mais en fait tous les épisodes avec les mafieux, avec les Falconi et tout, je trouvais ça génial parce que ça mettait pour la première fois, en ce qui me concerne en tout cas, Batman dans un contexte pseudo-réaliste, super-héros où il affronte des gangsters, où il y a un côté film noir et tout, et c'était vraiment un nouveau truc qui me paraissait ouf. Et pour revenir à cette anecdote de Bruce Timm, parce que tu me fais mal, vous rencontrez les gens et tout, donc l'an dernier on est allé tourner un documentaire à la Comic Con de New York et Déjà on arrive ça, à avoir on arrive à avoir Bruce Timm en interview, donc moi évidemment je deviens fou en disant mais on va quand même interviewer une putain de légende et tout, donc on prépare tout, Bruce Timm vient, hyper cool. Là gros problème de micro, donc on perd du temps, on a que 5 minutes avec lui, enfin il faut vraiment se speeder, lui il est un peu, c'est un mec très pro, toi t'es là à côté, tu peux rien faire parce que t'es pas ingé son, dit bah on attend que l'ingé son règle le problème, lui alors ok, donc on commence à discuter un petit peu comme ça, moi je discute poliment pour faire patienter avant qu'on fasse la vraie interview. On arrive à faire 2 minutes d'interview parce qu'on prend vraiment beaucoup beaucoup trop de temps. Bruce Timm s'en va, il voit un peu, je pense qu'il nous a un peu pris pour des tocards sur le moment, il s'est barré un peu, genre pas méchant hein, tu vois, mais bon bah salut les jeunes, salut les Français, c'était vraiment genre les Français à Hollywood quoi. Et 5 minutes après on remate les rushs et on se rend compte que le mec a pas appuyé sur play et donc on a Bruce Timm sans le son et on a pas le son de l'interview, on c'est vrai que sans le micro en plus New York Comic Con ça va, c'est mais tu le redoubles mais oui tout à fait Joe, la Batmobile. En plus le truc c'est que l'ingé son qui n'était pas véritablement ingé son, big surprise, nous a dit je comprends pas, pendant toute l'interview en fait j'entendais quelqu'un d'autre dans le micro, ah comme s'il y avait une interférence, et en fait c'est à dire que au lieu d'appuyer sur rec il avait appuyé sur play, et donc pendant qu'on faisait l'interview lui il entendait l'interview précédente. Donc gros fail avec Bruce Timm Vesper, c'est voilà. La pire très, histoire très que j'ai entendue, j'ai envie de pleurer. C'est, le c'est vraiment affreux, voilà. Moi je me suis noté, j'avoue, les épisodes que je kiffais énormément. Donc effectivement vous l'avez cité, le double épisode de Harvey Dent, oh là là. Ils avaient essayé plusieurs fois. Incroyable. Et moi je me souviens de celui de Harley Quinn justement, où il y a des méchants qui essaient de retrouver le droit chemin. Il y en a avec le pingouin aussi, où il tombe amoureux d'une meuf et du coup il essaie d'être gentil machin et tout, et ça lui éclate à la gueule parce qu'en fait c'est une nana qui veut faire un journal, enfin un article de journal sur lui. Il y a un épisode aussi, alors il y a le procès qui, moi je suis persuadé que Dark Knight Rises s'est inspiré de ça, où en gros c'est les méchants de Batman qui font le procès parce qu'ils attaquent en justice Batman en disant mais en même temps le Joker est avec génial. Sa c'est ah, ça avec c'est sa c'est incroyable, c'est ça juge. Et alors moi je crois que tu parlais d'elle, de Baby Doll, alors qui était un personnage qui m'a traumatisé quand j'étais gamin, qui était en gros une petite fille qui vieillissait mais qui ne grandissait pas et qui du coup était une star des années 80 qui devenait folle. Ça c'était chaud, et il y avait des trucs mais en animation qui sont merveilleux. Elle chiale à un moment, c'est la fin, elle pleure dans les bras de Batman à la fin, et elle voit son reflet de ce qu'elle aurait été si elle avait vraiment grandi, qu'elle était devenue adulte. Pour le coup, effectivement, c'est un peu vénère. Ah, c'est ce que je disais. C'est vénère. Ouais, ouais, non, mais attends, le premier épisode de Clayface. Super vénère. Perso, et incroyable. Et la transformation est dégueu. Hein. Mais en termes d'animation, c'est ouf. C'était Akira un peu. Enfin, tu vois, genre, il y avait vraiment un côté hyper organique et tout. Tu vois ça. Et juste le design de Clayface, il est ouf. Que le d'argile, vraiment fou. Mais tous les méchants, moi, je trouvais que tous les méchants étaient. Et il y a un épisode vachement bien qui est L'homme qui a tué Batman. Oui. Qui est sur, en gros, il y a Batman se fait tuer par un petit brigand. Mais genre. Sid Lancornet. Voilà. Bien joué. Et donc du coup tout le monde veut lui tomber dessus parce que c'est le gars qui a tué Batman, donc faut tuer le gars qui a tué Batman pour montrer que t'es le plus fort de la ville. Et à la fin il y a clairement le Joker, et il y a toute une scène incroyable où le Joker fait l'enterrement de Batman pour lui rendre hommage à son vieil ennemi, enfin bon bref, il y a énormément d'épisodes incroyable dans cette série. Ça se finit comment? Je me souviens pas. Le tout dernier épisode. Je suis même pas. Est-ce que ça se finit? Bah il y a un dernier épisode. Forcément. Oui non, il y a un dernier. Mais est-ce que ça se finit pas? Ça se finit. Ça se finit pas. Oui, pas. Batman lives quoi. Juste, j'ai une question. Je sais que Batman rentre chez lui. Voilà. Je sais que Mad Love par exemple est un épisode sorti assez tard en fait, bizarrement tu vois. Ouais. C'est adapté du comic qui a eu l'Eisner Award à l'époque de la Single Issue. J'ai une question pour toi parce que tu t'y connais bien en tout ce qui est langage, scénario et tout, petit nom de jargon de code. Mais Vesper parlait. Non pas du tout. Petit jargon. Non mais c'est vrai que Vesper parlait d'un épisode où chacun raconte son histoire et du coup t'as un endroit principal, donc là il joue au poker et à chaque fois t'as des flashbacks sur l'histoire. Est-ce que ça a un nom ce genre d'épisode ou ça a sûrement un nom mais je le connais pas. Ça doit avoir un nom. C'est un peu de je t'ai bien niqué. Hein non, mais c'est souvent parce que moi je sais. Non je sais pas. J'en ai aucune. Non, oui, c'est l'épisode de Friends. Ouais, c'est les épisodes des Simpsons aussi sont beaucoup. Mais souvent comme ça fait un peu épisode bouche trou, non, ou c'est pas du tout ça? Non pas du tout. Des fois si, c'est des épisodes bouche trou quand ils remettent des vieux épisodes. Non non, quand dans Friends quand ils ont fait la version grosse de Monica et tout ça, par contre c'était c'est pas un bon tourné, c'est tourné pour l'occasion. Voilà. Mais c'est vrai que par exemple tu citais Friends, parfois ils ont fait des épisodes de toutes les chacun fois où on s'est embrassé, voilà. Machin et tout. Mais là en l'occurrence non, tout était animé. Oui, oui, c'était un dessin animé. Pas... Mais donc voilà, donc je vous conseille ce dessin animé. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'épisodes, mais maintenant vous consommez des séries, mais on connaît la consommation. Les épisodes sont pas longs. Logiquement, les épisodes avec l'épouvantail, c'est 20 minutes. Quand Disney Plus viendra en France, ce sera sur Disney Plus. Ben non, c'est DC. DC Universe, pardon. Mais c'est ce que ça arrivera en France. Ah, ça, je sais pas. Ben en tout cas, ouais, tu conseillais le Blu-ray. Oui, bah oui. Bah oui. Voilà, et du coup, il y a une version. Il y a deux versions en fait, parce qu'il y avait une version normale intégrale qui n'a pas la fin, du coup. Ouais. Et il y a la version deluxe. Donc faites comme moi, on m'a offert la version de luxe. Oh bah oui. Et donc du coup il y a tout. Donc elle est 4 saisons. Et surtout en fait oui, parce qu'il y a le plus, Phantom Masqué aussi. Autres, ouais, ouais. Parce qu'en fait deux, en gros pour si les gens connaissent pas, c'est qu'en fait il y a 3 saisons et la 4ème qui était The New Adventures of Batman où ils changent le logo, je crois par exemple. Ils changent un peu, ils changent un peu de look. Le Batman, le Joker a des yeux noirs, enfin il y a un truc un peu. Mais c'est la suite directe. Mais oui oui, qui est dans le même univers, mais il y a des persos qui changent de gueule, mais pas tous. Enfin c'est assez particulier. Verte, elle devient noire. Voilà, il y a des trucs un peu comme ça. Mais vous avez vu qu'il y a un très bon épisode aussi. L'essaye de devenir gentil. Enfin, il y a vraiment de très bons épisodes. Et donc, effectivement, le fantôme masqué, qui, moi, est un souvenir de VHS. Bien sûr. Mais vraiment, parce qu'il passait pas à la télé, celui-là, parce qu'il était très long. C'était un film. C'était un film aux États-Unis, je pense. Alors, peut-être une connerie. Il est sorti au cinéma. Au cinéma, voilà. Et nous, du coup, c'était en VHS, en cassette vidéo. Ouais. Et je me souviens avoir mais saigné cette cassette. Qui, pour le coup, le film est très adulte du fantôme masqué, encore plus que le dessin animé. Dans mes souvenirs, c'est vraiment lié en plus à au deuil de Batman, la place de Batman. Il y a une mini origin story quand même qui est en partie inspirée de Year One, si on parle de comics tout à l'heure. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est tout le côté espoir. Qu'il y a de Bruce Wayne aurait pu être heureux, aurait pu connaître l'amour et ne pas être Batman, mais bon, le sacrifice et tout ça. Et d'ailleurs, bon, je me répète un peu parce qu'on en a parlé dans Comics Outcast mini pub, mais je trouve que ça s'appelle Batman contre le fantôme masqué en français, donc faut bien le traduire. Mais en VO, c'est Mask of the Phantasm. Et du coup, c'est tu peux l'interpréter fantasme, bah, c'est fantasme, c'est pas fantôme, et c'est le fantasme que Batman, enfin la vie qu'il fantasme et masque, parce que le masque, est-ce que Bruce Wayne a un masque ou c'est Batman qui a le masque de Bruce Wayne, blablabla. Enfin, il y a cette espèce de jeu de mots qui pour le coup n'est pas drôle, mais est intéressant que tu perds en français, et je trouve ça assez dommage parce que le sujet du film c'est ça en fait. Ça dépend, parce que le fantôme masqué tu peux aussi le voir comme ça, je suis d'accord, mais tu peux aussi le voir comme voilà, exactement, le fantôme qui est là pour le tourmenter. Oui, et le... c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et quand tu parles d'épisodes très intéressants, enfin de ce qu'il y a d'intéressant sur Bruce Wayne, il y a un épisode, alors j'ai oublié le titre et j'en suis désolé, mais il y a un épisode super justement de la série animée Batman où Bruce Wayne se réveille et c'est pas lui Batman. C'est un autre gars, mais il sait pas qui c'est. Enfin, il y a Batman dans les rues et c'est pas lui. Et en fait, il a la vie qu'il aurait eue si ses parents n'étaient pas morts. Donc, son père n'est pas mort. Enfin, son père et sa mère ne sont pas morts. Il est en couple avec Selena Kyle. Il lui fait, mais tu connais, mais non, Catwoman. Et il fait, je connais pas. Enfin, et en gros, elle est pas Catwoman. Lui n'est pas Batman. Ses parents sont vivants. Mais il sent qu'un truc ne va pas. Et donc, il affronte Batman avant. Il fait, mais non. Et Batman lui dit, mais vous êtes fou, monsieur Wayne, calmez-vous, machin et tout. Il lui met des pattes. Il fait, mais je veux pas vous faire ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous perdez la tête. Et donc, Bruce Wayne devient fou parce qu'il est dans un monde où il dit, mais normalement, c'est moi, Batman. Et là, ce n'est pas lui. Alors après, ça se délie avec un méchant qui peut-être contrôle un petit peu. Mais l'épisode demande, est extrêmement intéressant et vraiment fascinant parce qu'il y a c'est vraiment un épisode sur Bruce Wayne. Quoi. Et c'est ça aussi qui était cool avec cette série animée, c'est que des fois, t'avais juste. Pas un épisode nul, mais un épisode très simple avec juste un méchant à péter. Oui, et des fois, t'avais un épisode de fic chelou, exactement, hyper creusé. Ouais, et tout, puis t'avais des épisodes où c'était juste Batman et Robin, enfin, c'était Bruce Wayne et Dick Grayson qui mangeaient des sandwichs dans le canapé. T'es là, genre, c'est vraiment la vie. C'était bloqué, mais avec Batman et Robin. Après, le truc de Noël, là, justement, c'est on va manger la dinde, on regarde la petite fille aux allumettes, et en fait, c'est le Joker, putain. C'est vrai. Mais les meilleurs moments restent quand même Harley Quinn qui vit sa meilleure vie avec Poison Ivy. Ouais, bah, elle est pas avec le Joker. Harley, parce qu'il y a. Oui, c'est vrai que c'est même le titre d'épisode, quoi, c'est vraiment c'est le truc qui sera développé par la suite avec Birds of Prey et tout, quoi. C'est ouf. Alors tu parles de Birds of Prey, on va faire une petite pause comics parce que quand même c'est aussi des comics. Alors moi quand je fais des pauses comics je vais faire caca. C'est pas cette pause comics, évite. J'aimerais que vous conseillez, alors on va pas parler de tous les grands trucs parce que là vraiment ça serait extrêmement long et c'est pas la vocation de ce podcast. Ça fait une heure. Est-ce que t'as 8 heures devant toi? Non, c'est pour ça, mais j'aimerais quand même juste connaître, allez. Si on n'a jamais... Imaginez, on va s'exprimer aux gens qui ont peut-être vu des films, des dessins animés, peut-être même tout vu, mais ne sont jamais intéressés à comics, parce que c'est une tranche de la population que parfois on néglige, que j'ai l'impression qu'on est tous amenés à être. Je pense qu'on, maintenant, surtout aujourd'hui avec Marvel et DC absolument partout, tu vois d'abord les films et les dessins animés avant de lire les BD. Les gens se sentent perdus. Et du coup, osent pas, parce qu'il y a genre, oh, attends, il y a 17 timelines, il y a un milliard de trucs. J'aimerais que vous conseillez chacun votre tour. Allez, 3-4 BD en mélangeant un peu, en divisant par deux, deux que vous conseillez pour commencer, ou en tout cas pour s'intéresser à bien, et peut-être deux que vous aimez beaucoup et que vous conseillez à regarder. Et j'aurais commencé par Ben. Bon, moi ça va être l'évidence, ça va être Batman Year One. L'évidence parce que c'est à la fois la meilleure porte d'entrée, je pense, pour Batman, et c'est un petit chef-d'œuvre, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. En fait, c'est pour que les gens voient de quoi ça parle, au lieu de dire une origin story, c'est. Nolan s'est inspiré de ça pour faire Batman Begins en gros. Voilà. C'est-à-dire c'est vraiment comment Bruce Wayne a décidé de devenir Batman avec ce que ça implique comme parce que c'est pas si facile, c'est pas juste oh, je suis riche donc je suis ouais. Batman, c'est il y a des il se pose des questions enfin c'est vraiment très bien fait et en parallèle de cette ascension de Bruce Wayne, c'est vraiment centré sur le commissaire Gordon. Exactement. Qui n'est pas commissaire d'ailleurs à l'époque. Et sa vie de famille. Il arrive à Gotham dans mes souvenirs en plus. Il arrive de Chicago. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Gordon s'installe à Gotham. C'est ça. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec Gary Oldman d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Mais en gros, il arrive et puis il se rend compte que tout le monde est ripou alors que lui, il essaye de pas l'être. Et que est-ce qu'il faut quand même l'être malgré tout parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et puis en même temps, il y a un gars qui a l'air de vouloir faire le bien qui est un peu nouveau. Tu vois, c'est bizarre. C'est un jeune milliardaire qui vient de revenir de voyage. Et puis il y a Batman. Ouais. Non, donc voilà, c'est vraiment. J'aime beaucoup moi aussi cette bande dessinée. Ouais, et puis même Catwoman qui est pas assez là à mon goût, mais qui est quand même vraiment bien. Et puis il est pas épais celui-là. C'est-à-dire non, que non, c'est si vraiment voulez, un très c'est bon one shot. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos quand vous prenez le métro ou le bus. Exactement. C'est pas un long Halloween qui vous pète le dos. C'est Frank Miller, je l'ai pas dit, mais c'est Frank Miller. Frank Miller et David Mazzucchelli. Qui est un maestro. Pour donner un mot qui est juste dans une autre langue mais on comprend qui est en tout cas dans sa langue non, je... ouais, c'est vrai, qui c'est est un des enfin oui qui est derrière certaines des plus grandes BD de certaines bon, décennies. Frank Miller, il y a plus besoin de le présenter au cas où, c'est jamais. Bah Frank Miller, bah ouais. C'est peut-être une BD dont Joe va parler, donc du coup je ouais. dis pas, mais yeah. C'est une autre BD de Frank Miller de Batman. Non, vas-y, go. Non, mais Dark Knight Returns, par exemple. Ouais. Enfin, tu vois, ne serait-ce que ça. Et je continue ou tu en veux d'autres, c'est ça? Deuxième pour voir. Comme tu veux, ou un tour de table. Alors vas-y, Mélissa. Ah, bah écoute, je vais le faire avant que quelqu'un d'autre le fasse. Mais c'est pour King ça que je dis un tour de table. Ah non, je serais pas Killing Joke. J'ai senti. Moi, je dirais tourner les pages. Regardez Killing Joke comme c'est beau. Un peu de mépris dans ta voix, Joe, ça me vexe. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il divise un peu celui-là. Oui, mais je trouve que c'est une porte d'entrée assez facile, c'est pas épais. Ouais. Voilà, c'est pas très cher. Alors on peut dire aussi. Nous pensons aux petites bourses qui nous écoutent. Excellente argument. Bah non, mais c'est vrai, c'est une des premières que j'ai achetées. Enfin, pourquoi je prends l'accent, je sais pas. Une des premières BD que j'ai achetées. Quand j'ai voulu commencer à lire du Batman en me disant bon alors les issues en 40 alors c'est pas le tout mais voilà Batman tu sais ce que c'est que ce truc ouais non mais c'est ça où tu te dis bon ok je vais m'y mettre mais tu sais pas par quelle boule prendre et du coup tu te dis ah bah comme tout le monde j'aime bien le Joker donc on va y aller et effectivement donc du coup c'est l'origin story une autre origin story du Joker. On va pas spoiler du coup parce que du coup si on s'adresse aux ultra débutants je veux pas perturber, mais c'est assez violent, c'est un peu vénère si vous avez c'est edgy. Il se passe des choses un peu vénères, ouais c'est ça. Et c'est Alan Moore. C'est Alan Moore. Faut le dire, donc qui est le mec qui a créé Watchmen. Oui, voilà, je suis Watchmen sexuel, donc. Et Swamp Thing, enfin qui a fait la meilleure version de Swamp Thing aussi. C'est dit. Et c'est voilà, ça divise effectivement. Il y a eu l'adaptation il y a pas longtemps. En dessin animé. Il y a eu la réadaptation. Qui est pire encore. Ouais. Qui a moins divisé, parce que tout le monde déteste visiblement. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, je l'ai pas vu pour le coup, mais à skip. Il y a Batman qui baise la fille de Gordon, donc déjà de base. Je crois qu'on ne devait rien spoiler. On s'adresse au débutant. Dans le comics, on ne sait pas vraiment. Non, mais c'est abusé. Bon, et voilà. Si vous êtes perturbé par les images de filles torturées, ne le lisez pas. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et visuellement, c'est taré. Là, je suis d'accord. C'est vraiment. Je vais pas trop en dire si on s'adresse à un public. J'ai même pas envie de regarder le dessin animé, tellement le comic c'est beau, mais ça fait un peu connard. Mais d'ailleurs, il y a un truc du dessin animé qui ressemble un peu à cet issue, enfin dans le fantôme masqué. Mm-hmm. Tout le truc de la fête foraine, ça appelle, moi je trouve, à ces imageries-là. Joe ? Alors, moi je conseillerais. Je trouve qu'une porte d'entrée cool. C'est le Batman des années 70, c'est-à-dire qui était des histoires qui duraient un numéro. Donc en 23-24 pages, tu avais une histoire entière qui a vu passer des dessinateurs incroyables comme Jim Aparo, les scénarios de O'Neill. La série régulière de cette époque, c'est ça ? Ouais. Les Detective Comics, les Legends of the Batman et tout, qui sont vraiment des séries avec des numéros qui se suffisent à eux-mêmes. tu vois, il y avait, c'était Batman Globetrotter, tu vois, qui va résoudre des affaires un peu partout dans le monde et tout. Je trouve que ça a vraiment gardé un très gros charme. Batman, c'est pas encore, c'est vraiment un détective, c'est vraiment c'est Batman, mais il est hyper faillible. C'est pas le mec qui a un plan pour s'évader de tous les trucs et tout. Donc c'est un Batman auquel tu peux t'identifier un peu. Et je trouve que c'est cool parce que pour rentrer dedans, c'est bien aussi de pas avoir forcément des grosses histoires qui ont eu vachement d'impact. C'est bien aussi de se plonger dans des épisodes qui juste te racontent des trucs sur le personnage. Et puis il y a des méchants complètement aberrants qui n'existent plus aujourd'hui ou que certains ressortent vraiment, genre les Kite Man et des trucs comme ça. Vraiment, c'est assez abusé. Ils sont tous dans Lego Batman le film. Oui, ils les avaient. Les pires, ils sont dedans. Donc ça, c'est ce que je conseille comme. On en parlera tout à l'heure de Lego Batman. Condiment King, meilleur gars. Comme porte d'entrée. Et après le Batman qui moi me va en comics me plaît, je conseille à tout le monde de lire le run complet de Grant Morrison qui est d'ailleurs actuellement édité en omnibus. Grant Morrison donc est un auteur britannique de juste la génération après Alan Moore, mais plus la génération Mark Millar. Alors oui, il a écrit en 89 l'Asile d'Arkham qui est en train de me montrer Ben. Ça pas forcément hyper bien vieilli. Bah, visuellement surtout. Visuellement, puis même, c'est pas facile à lire, je trouve. En revanche, son run sur la série régulière Batman qui s'est étendue dans les années 2000, de 2006 à 2012, je crois, ou 2013, enfin, c'est jusqu'à ce que Scott Snyder reprenne le titre. La série, ouais. Grant Morrison a fait une sorte de grande œuvre qui retrace toute la carrière de Batman et qui mélange toutes les époques, qui est un petit peu complexe, mais qui est tellement riche thématiquement. Voilà, je vous conseille, vous allez dans n'importe quel comic shop, vous dites voilà, je voudrais commencer le run Batman de Morrison. Si vous tombez sur quelqu'un de compétent, il va vous conseiller un ordre de lecture intelligent et c'est fantastique quoi, c'est vraiment hyper bien. Voilà. Moi je vais rester dans l'évidence parce qu'on est obligé de le citer, c'est Batman Long Halloween. Superbe. Et ce qui est cool, c'est que de tout ce qu'on a cité là, c'est encore un truc différent. C'est-à-dire que, parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a différentes portes d'entrée en fonction du Batman, enfin de votre Batman en gros, du Batman que vous avez. Là, nous, on a, tu vois, Joe, il a cité un truc plus 70s. Moi, j'ai cité un truc vraiment Origin Story. Vesper, elle a cité un truc un peu plus vénère en termes avec le Joker. Moi, j'ai rien cité, là... on me laisse pas parler. Donc, pardon, excuse-moi, vas-y, je te supplie. Non, tu plaisantes, c'est une blague. En vrai, tu es allé chercher à boire. C'est ça, j'arrête pas de couper la parole. C'est ce que tu là, Long Halloween, c'est plus. En fait, si par exemple, pareil, je rapporte au film, parce que comme si les gens, c'est leur porte d'entrée, c'est ça. Dans Dark Knight de Nolan, tout le côté mafieux, famille du crime et tout, si ça, vous aimez ça, si vous aimez Le Parrain par exemple, ou si vous juste aimez le film noir, c'est pour vous, c'est Long Halloween, c'est pour vous, c'est vraiment le côté détective polar noir de Bruce Wayne. Il y a Catwoman et il y a toutes les familles, Maroni, Falcone, ça a un côté un peu aussi All-Star quoi, All-Star casting, comme Batman Hush où genre t'as tous les méchants qui passent, parfois c'est un peu prétexte pas à les foutre pour... là mais ouais tu veux voir tout le monde quoi. Et le défi c'est quoi tes recos non je laisse Ben parler. Le défi de ce comics éditorialement c'était, ils leur ont dit faites ça en 13 numéros à l'époque, comme ça c'est un an, vous allez de Halloween à Halloween. Et c'est le long, The Long Halloween, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Très très beau. Mais là j'ai pas grand chose à dire parce que en fait vous avez cité plein que j'adore. Hush, Silence, en français. Moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée justement parce qu'il y a le côté un peu All-Star et que du coup il y a vraiment ce truc un peu plaisant de tu tournes la page et genre Batman se prend un truc dans la gueule, tu sais pas ce que c'est, tu tournes la page, c'est Catwoman, t'es trop content. Enfin, il y a ce truc très kiffant je trouve à découvrir et puis en plus je vous dis pas là, mais il y a des genres en fait, il y a des grands méchants et du coup c'est un tel et ça c'est toujours les trucs un peu plaisants des comics de en fait c'est lui depuis le début, enfin tous ces trucs là. Il y a un peu un whodunit. Ouais, c'est ça, bah, bien sûr, parce qu'en fait lui en gros c'est. Mais c'est un truc qui alors je suis pas un expert en comics, mais qui se fait beaucoup en comics de les super-héros qui vont de méchant en méchant pour essayer de savoir qui c'est. Et en fait c'est jamais l'un l'autre, mais du coup ils les rencontrent tous, ils se battent tous, enfin tu vois, il y a le Spider-Man de Mark Millar dont je parlais, c'était aussi, tu vois, c'était voilà. Et ça moi j'aime beaucoup. Il y en a un, alors pas facile d'accès, mais si vous aimez vraiment Batman et l'univers de Batman mais que Batman lui-même vous saoule, il y a Gotham Central qui est aussi fantastique. Un très bon comics, c'est hyper bien, de Ed Brubaker. Il y en a beaucoup. Donc pareil, est-ce que faut tous taper ça peut paraître un peu impressionnant, mais ce que je voulais vous dire c'est que si vous n'en prenez que le premier, c'est déjà très bien en fait. Ouais, c'est pas obligé de lire le deuxième et tout. Ça c'est vraiment bien. C'est hyper bien. Récemment, il y a eu La Cour des Hiboux que je trouve assez sympa aussi. Et le tout dernier, alors là vraiment faut que vous, parce que d'un coup ça pète un peu le game, donc il faut vraiment faut que vous kiffiez Batman et rentrer dans un univers un peu chelou, mais moi justement je trouve que ça fait aussi l'intérêt de cette BD, c'est White Knight, Batman White Knight, qui en gros le concept c'est on inverse les rôles, c'est Joker il est gentil, je caricature, mais c'est Joker il est gentil, Batman il est méchant, Et du coup, tu regardes ce qui se passe. Et pareil, il y a un peu ce côté où il y aura des méchants qui reviennent, des trucs comme ça. Ça joue aussi, vu que c'est très récent, ça joue avec des, comment dire, des versions très contemporaines de certains méchants que vous et connaissez. Ça, ça pioche ici et là pour faire et des trucs. Et puis, si t'as maté les films et que t'as bien aimé, t'as déjà les codes. Ouais, donc, tu peux comprendre les refs. Et puis, c'est Sean Murphy qui dessine comme un dieu vivant. Et les dessins sont magnifiques. Dessine et il écrit. Ah, c'est lui qui écrit aussi. Ouais, c'est lui qui a tout fait. Et là, il est en train de faire la suite de ce que j'ai compris. Oui, ça y est, ça a commencé à être publié en issue. Donc là, on est à l'issue 3. Curse of the White Knight, c'est pas ça? Curse of the White Knight, ouais. Avec le personnage de Azrael. Ça, c'est le chat de Gargamel. En premier plan. Oui, et aussi, j'ai de la culture ou pas? Putain, il est très très fort. Et il y a aussi un deuil dans la famille, j'y pense aussi. J'allais citer un deuil dans la famille. Non, non, mais. Ah, ça s'appelle en français. Ça fait connard, mais ça c'est la suite de. C'est juste après la cour des hiboux. Death in the Family, je trouve ça plus vénère que Deuil dans la famille. Ouais, mais je l'avais acheté quand il venait de ressortir chez Urban Comics pour le coup. Oui, d'ailleurs. Non, c'est pas du tout, je dis de la merde, Joe, c'est un vieux, c'est des 89. Deuil dans la famille. Ah, c'est Death of the Family. Oui, d'accord, ok, c'est la mort de Robin, quoi. Oui. Oh là là, tout de suite. Oh bah c'est la couverture, c'est la couverture du truc. On sait pas quel Robin. Ouais, il y a toujours ça. Oui. Et d'ailleurs, vous me confirmez, parce que du coup, je veux pas dire de bêtises, c'est dans celui-là où on avait demandé aux gens à l'époque si Robin devait mourir ou pas. Ouais, par courrier, ouais. Voilà. Ouais. Quelle audace. Et d'ailleurs, elle parle d'Urban Vesper. Téléphone, c'était un numéro de téléphone, il fallait laisser un message. J'en profite pour dire que à peu près tout ce qui se fait chez DC, c'est disponible en VF chez Urban Comics, et sinon bah, chez DC Comics ou autre. Je peux en donner un dernier ou pas? Ah, je t'en suis plus. Non, non. Allez, ça dégage. Non, parce que j'ai parlé de Batman Year One ou Année 1 en français. Du coup, je vais à l'extrême inverse, parce que c'est un de mes one-shot préférés, ça s'appelle Batman Year 100 ou Année 100. Là, il faut quand même avoir lu un peu, hein, quand même. C'est particulier. Mais 99. Non, ah oui, d'accord, ok, je l'avais pas. Pas en avoir lu, c'est pas tant qu'il faut non, en avoir black, lu. Non, hein. C'est une blague, Joe, c'est une blague. Ah, pardon. Moi aussi, je me suis fait avoir, ils sont trop forts. C'est, ah, ça va une vitesse. C'est comment C'est écrit et dessiné par un génie pour moi qui s'appelle Paul Pope. Vous pouvez googler, il est super, Balting Boy par exemple. Il est super dans les Chevaliers du Zodiac. Oui, alors ça c'est oui. et en fait, c'est exactement ce que j'ai dit sur Batman année 1, sauf que c'est donc 100 ans plus tard dans le futur. Ça veut pas dire que Batman a 100 ans, mais c'est juste que ça se passe. Ça se passe du coup, alors c'est pas 1940, c'est 2040. Ouais, 2040. Waouh. Non, si c'est ça. Si. Et en gros, t'as un Batman qui est fatigué, c'est la merde dans la ville, mais genre pas la merde, genre Gotham un petit peu à feu et à sang, c'est vraiment une ville. On reconnaît même pas la ville tellement c'est le bordel. Il est pourchassé comme si c'était un tueur en série, un criminel. Et voilà, il va essayer de se sortir de ça et c'est très bien dessiné. C'est un Batman. Préviens quand même que c'est pas pour tous les yeux. Ah bah non, c'est pas. C'est quand même... je vous laisse feuilleter, on verra c'est votre réaction. C'est très particulier, c'est un très gros parti pris. Mais moi je trouve que Batman est animal en fait. On a l'impression que c'est pas vraiment un humain tellement c'est... Voilà, j'ai pour une moi, sacrée bouche. Hein. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est très particulier. Et c'est un genre de huis clos dans la ville. Ce qui, si je peux m'exprimer comme ça. C'est hyper bien. C'est... Oh, et en la plus, scène de l'ascenseur, mon pote. C'est un one shot. Non mais enfin voilà. Et oui, en termes d'action, effectivement, je fais bien de préciser. En termes d'action et de mise en case, c'est une tuerie. Donc je vous le conseille, Batman. Je sais pas si ça existe en français, j'imagine que oui. Batman année 100. Année 100. On reprend le rythme effréné des films avec un film qui s'intéresse à l'origine story d'un bad guy. C'est Catwoman, je vois que vous l'avez pas. C'est Catwoman. Oh, je pensais même pas qu'on allait en parler. Vraiment oh, bah, très non, mais t'as dit un bad guy alors tu nous as attendu. Oh, je vois le casque qui est beaucoup trop haut pour elle. C'est ça. Oh merde, je vais pas... aller assez vite. Catwoman de Pitoff. Ouais, 2004 non. 2004, ouais. 2004. J'avais 13 ans, je suis au cinéma. Vidocq. Voilà. Oh là là. Allez, Berry, mais qu'est-ce que tu fais? Et ben c'est mon premier film associé à Batman au ciné, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est fou. Non, parce que Schumacher, je ne les ai pas vus. Schumacher. Il écoute pas vu au cinéma. Ah la vache. Putain, ouais, c'est dur comme première expérience cinématographique. Ouais, bon, bah, après, bon, heureusement, il y a la télévision. Hein, mais... non, mais je veux dire ciné-ciné. Oui, oui. Ouais, c'est dur. Bah, les berries, c'est dur. Mais elle le sait, hein, elle a beaucoup d'humour vis-à-vis de ça. Bah, elle est allée récupérer son Razzie Award pour ça. Sharon Stone, c'est très dur. Ouais. Bah, tu vois, ça fait remonter sa Storm dans mon estime. Ouais, oui, ah, bah, là, oui, bah oui, carrément. Ouais. Enfin, son origin story où les chats lui vomissent à la bouche. pour la... Après, alors, pardon, je. Un chat, ça vomit. Non, il rote un truc vert. Et oui, ça. Allez, monsieur le contradicteur, nous vous écoutons. C'est la version beauf de Batman le défi, quoi. Batman oui, le défi, ça n'a aucun sens non plus. Il hein. rote un nuage vert de 2004. Mais il y a une chamane des chats aussi, c'est oui. ça le truc. C'est qu'elle lui. La chamane. Et puis, oui, quand elle se frotte de l'herbe à chat sur le nez. Ouais. En fait, ils ont tous les ustensiles. Et après, elle se met à jouer du basket. Oui, la scène du basket est assez folle. Elle est remontée sur Twitter récemment. Ah ouais, quand étant une des pires scènes en termes de montage et elle tout. Elle est géniale. Ah non, mais tout est formidable. Elle aboie, enfin elle feule après les chiens. Ouais. Elle mange du thon en conserve. Il y a tout. Hein. C'est tous les pires trucs que tu peux imaginer sur elle se lèche le cuir. Oui, il y a différence entre oui, les chiens. Attends, c'est dans une scène où c'est le dos de la main. C'est dans une scène où il y a une cage avec un oiseau, alors que le pingouin est considéré comme un oiseau. Enfin, il y a tout un truc. Tu peux pas. C'est toute une symbolique. C'est ça. C'est moins gratos. Là, les dans la litière. Dans la litière, il y a le cul sur un. Enfin, bon, ouais. J'avais 13 ans, elle était quand même parfaitement jolie. Mais là, je n'excuse pas tout, monsieur Flaubert. Les hormones n'excusent pas. Là, les hormones, étaient extrêmement présentes sur Alibéry. À Libéry, début 2000, il y a une succession de films un peu qui sont un peu fous. Lambert Wilson, enfin. Il y a le film de Cassavetes aussi. Formidable. Gothica, bien sûr. Avec Robert Downey Jr. avant qu'il fasse Iron Man. Et puis surtout, l'interview de Pitoff qui est survenue, c'était quoi, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans là. La surgit n'est pas. Il chie sur tout le monde. Dit que Tarantino, il a tout à lui apprendre. Il avait cité qui aussi. Ah, oui, il était très agacé dans cette interview. Ah, il disait que c'était un génie, quoi. Mais et l'histoire est assez dingue, puisqu'en gros, c'est un PDG de cosmétiques, le méchant. Patience Philips. Catwoman. Et elle bosse du coup dans une entreprise de cosmétiques qui veut faire rajeunir les femmes, c'est ça C'est une espèce de crème maléfique. C'est-à-dire, quand tu la mets, tu deviens plus jeune. Mais à l'instant, tu arrêtes de la mettre, tu deviens un chum, en fait. C'est ça, tu vieillis très vite. Ah, c'est Dorian Gray, quoi. C'est des rênes de jour de Dorian Gray. T'es piégé, quoi. C'est ça, il y a un truc un peu vénère. T'es obligé de la mettre et de l'acheter, quoi. C'est ça, le capitalisme. C'est une critique de la société de consommation. J'ai l'impression qu'elle n'a rien à apprendre. Elle s'arrue dans les brancards. Et puis Sharon Stone, elle en a tellement que sa peau devient indestructible. C'est ça le fight final, quand même. C'est pas ça, genre elle tombe de 200 mètres, mais du coup elle meurt pas parce que sa peau est indestructible. Je sais pas, j'ai des vieux souvenirs. Je me rappelle qu'à un moment elle arrive quand même à la griffer. Rien n'explique ce casque. Mais. Non, vraiment. Ah, le casque, il y a vraiment que ça qui te choque. Là, je vois l'affiche dans ma tête. Tu vois, quand on comparait le costume de Michel Pfeiffer, qui est absolument formidable, tu vois, le costume d'Halle Berry où ils se sont dit on va faire un truc sexy, mais c'est l'anti-sexy. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es à moitié à poil et que ton pantalon en cuir, il est un peu déchiré. Moi, je peux vous dire que le petit Flaubert de 13 ans ne partage pas votre avis. Il avait le bon rouge. C'est ça. Tout le monde a l'image, c'est tout simplement. Dommage que cette image soit associée à moi, mais je suis d'accord. Tout le monde là. moi je l'ai vu au cinéma Mais ça, alors pourquoi je voulais en parler juste très vite, hein. C'est juste parce que je suis d'accord, il y a beaucoup de films de super en ce moment. Mais ils sont pas tous très bien. Mais enfin, il y a eu des périodes bien plus creuses en termes de cinéma. On a enchaîné Elektra et Catwoman. À une période, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça chie sur Captain Marvel, moi je dis quand même. C'est ça. Mais c'est même Daredevil, hein. C'était terrible, Daredevil. Elektra, c'est pire que Daredevil quand même. C'est peut-être le choc ambition d'un personnage très riche à exploiter et le résultat final, tu vois. C'est la différence entre ces ambitions versus ce qu'ils ont délivré. Je pense que c'est ça qui fait mal, en fait. C'est pas tant effectivement, il y a des films de merde un peu partout. Mais là, mais surtout Catwoman, c'était un film en fait qui était bloqué chez Warner depuis Batman le Défi, en fait, qui était un film qui devait même à la base, ça devait être un spin-off. C'est vraiment sur avec Michelle Pfeiffer qui l'interprète. Et en fait, c'est revenu parce que effectivement, Daredevil, Marvel avait commencé, il avait fait les Blade, j'imagine, en tout cas les deux premiers. Enfin, ça commençait à devenir un peu redevenir la mode. Et les 4 Fantastiques aussi, je quand même, film de super-héros français. Ouais, c'est ça. Mais c'était avant X-Men pour Halle Berry ou pas? Ah non, c'est après. C'est après. Ah, parce que c'est 99 X-Men. Mais c'est vrai, 2004, X-Men, X-Men, c'était quasiment les seuls films de super-héros assez cool, hein, du début de ces années-là, puisque je te dis. Avec Blade, tu l'as dit. Avec Blade, bien sûr. Mais ouais. Mais enfin, après, Blade, la moitié des gens savaient pas que c'était. C'était pas marketé comme un. Non, c'est vrai. C'était un film d'horreur. Donc on enchaîne avec l'autre trilogie, bon voilà, qui est un peu plus connue. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Trilogie Michel Blanc. Putain, ce serait trop bien. Avec Gérard Junior en pingouin. Le mec. C'est un très mauvais Gérard Junior. Ouais, alors que rire, je lui ressemble dans la le rire du Joker serait. Ah, le rire du Pernod est une ordure. Putain, je suis chaud. Trop bien. Oh, le mec, attention. Allez hop, tous à Gotham. Putain. Donc c'est Batman Begins. Oui. Alors, je serais peut-être le hater autour de cette table sur celui-là parce que je l'aime vraiment peu. Donc je vais vous laisser parler. Bah, c'est mon Nolan préféré des, allez, trois, c'est parti. Des trois. Allez, vas-y, c'est parti. Ah non, vas-y, je te dis. C'est mon préféré des trois, moi. Je le préfère à Dark Knight et à Dark Knight Rises. Qu'est-ce qui te plaît alors ? Vas-y. Alors, qu'est-ce qui me plaît ? Ce qui me plaît, déjà, c'est l'ambition de proposer un Batman un peu plus adulte, un peu plus sérieux. En fait, c'est de rebooter le super-héros. Ouais, de rebooter le super-héros. Enfin, ouais. Moi, en fait, je me souviens qu'à l'époque où ils ont annoncé le projet, il y avait juste eu une photo dans un premier où je m'étais dit, ok, c'est le Batman que j'ai envie de voir au cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui nous guérit un petit peu des années Schumacher. Je sais plus combien de temps il s'est passé, mais je crois qu'il se passe 9 ans entre le dernier Schumacher et la sortie de Begins. Enfin, il y a vraiment eu un moment où la franchise a été mise en sommeil. Et non, c'est moins de 9 ans, je c'est sais 10 plus. Ans. Non, j'aurais dit 10 ans plus aussi. Oh, peut-être Batman. Ça. De Batman Begins. Non. C'est Batman et Robin. Batman Begins, Batman et Robin, c'est fin non, des c'est années 90. Ans. Ouais, 8 ans, 8 ans, tu vois, donc c'est pas tant que ça. Non, c'est vrai que c'est pas tant. Mais c'est quand même 8 ans, il y a eu un 7, gros 7 ans même. Enfin, Batman Begins est resté en développement L pendant hyper longtemps. Mais Batman et Robin avaient cartonné surtout, enfin Batman et Robin avaient cartonné, mais il y avait quand même ils avaient tué le truc quoi. Et en fait, ça avait l'air de revenir avec une proposition dramatiquement différente et ça me plaisait beaucoup et je sais pas, j'ai aimé le fait qu'on voit Batman que très tardivement dans le film, je trouvais que c'était une prise de risque payante, j'ai aimé que le méchant ce soit Ra's al Ghul parce que c'était un personnage que je trouvais génial dans le dessin animé, que je trouvais génial dans le comics et très peu exploité. Alors il y a des grosses maladresses dans la manière d'exploiter ce méchant, une sorte de twist un peu con mais je saluais la prise de risque. Je trouvais que pour une fois on avait un Alfred qui était vraiment hyper bien casté, qui avait un intérêt dans le scénario du film. Je trouvais Christian Bale fantastique, voilà, oui, je trouvais que c'était un super choix, je trouvais que ça se voyait qu'il s'était vraiment donné à fond pour le rôle, sans en faire des caisses, alors qu'il venait de The Machinist où il faisait 40 kilos quoi. Carrément, ouais, ça, il était même trop balèze quand il est arrivé sur Batman, il rentrait pas dans le costume tellement il avait repris du muscle. Et puis je me souviens donc de l'avoir vu au cinéma. Il a l'abonnement Wahoo au Club Belgium. Ça peut paraître parce que c'est qu'un petit moment, finalement ça dure 5 secondes, mais j'ai bandé à la fin quand ils ont sorti la carte Joker quoi. Enfin tu vois, c'est vraiment, il y a eu tout le film. C'est comme si tout le film m'avait teasé ces 5 dernières secondes où j'ai bandé jusqu'au plafond de l'UGC. C'était au premier rang. J'étais au milieu. Ah ok, mais par contre ça gâche l'écran par contre pour tout le reste. Il y a un poteau. Vous êtes choqué quand je dis moule beats pour le costume de Jim Carrey et lui il dit qu'il a bandé jusqu'au plafond. Et ça ne choque personne. Honnêtement, quand t'as dit ça, je me suis demandé s'il y avait un point d'interrogation sur le bulge ou pas. C'est tout ce que je me suis demandé. Très bien. Non, mais je note. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça aborde le personnage de Batman et son univers d'une manière unique. Puisque même dans les deux films suivants, je trouve j'aime beaucoup The Dark Knight qui est sorti après, mais je trouve que dans Batman Begins, il fait un truc qu'il refait pas par la suite, et qui pour l'instant n'a pas été refait au cinéma, et je trouve que c'est vraiment un film très très particulier sur Batman, qui prend le parti de ne pas faire de Batman le truc central, mais plus de sa progression. Enfin voilà, ça s'appelle Batman Begins. Hein. Ça a malheureusement donné naissance à toute une série de films pour lesquels on va être obligé de faire des origin stories parce que ça a cartonné, donc il faut raconter les origines de tout le monde et ça c'est con. Mais ce film-là, je trouve, le fait particulièrement bien. Alors, voilà. Juste un point positif dans ce côté origin story chiant. C'était la même période, grosso modo, que Casino Royale, et je trouvais que c'était les deux films se répondaient bien. Oui, c'est vrai, ça répondait pas mal, c'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus. Après, tout le reste, c'était chiant. Le problème, c'est... J'adore Casino Royale. C'est un de mes films préférés. Moi aussi, c'est un des bons préférés. Top 5. Mais non, c'est Kate... Pas Katie Hudson. Qui fait quoi? Katie Holmes. La meuf de Tom Cruise, à l'époque. Ouais, à tous les fans de Dawson. Qui sautait sur le canapé. Non, mais je trouve qu'une fois de plus, c'est un film qui loupe le coche d'avoir un personnage féminin qui, sur le papier, pourrait être intéressant et qui, finalement, fonctionne mieux, même si c'est pas la même actrice dans Dark Knight. Je suis d'accord, mais... Elle est là que pour... Mais elle sert aussi de... Ah oui, c'est le faire-valoir. Elle a meilleur faire-valoir que dans le... Batman Begins. Dans Batman Begins, elle ne sert malheureusement pas à grand chose et c'est vraiment dommage. Mais sinon, c'est ce qui, je pense, peut être un problème, c'est que c'est vraiment des films très masculins, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas une critique genre il fait la place des femmes et tout, c'est juste que on met des personnages féminins et ils servent quand même vraiment pas à grand chose et c'est dommage. Mais En plus je me rappelle à l'époque quand je l'ai vu ça m'a même pas marqué, tu vois. J'étais moi tout ce que je voyais c'était Cillian Murphy. j'avais pas du tout de crush sur lui parce que je le trouve pas très beau, voilà, c'est juste je balance des hot takes dans cette émission. Mais vraiment qu'on l'a pas encore dit, je le baise. Je voulais inaugurer le jeu de baise. On a tellement dit sur le MCU que je le pète. Je le pète. Mais effectivement, j'étais déjà j'aimais déjà beaucoup l'épouvantail et moi j'adore Ra's al Ghul et tout, c'était génial, mais effectivement, moi, l'épouvantail, j'ai encore plus kiffé parce que j'adorais le personnage de base et le concept. C'était, enfin, de la manière dont ça a été retranscrit, on va dire, dans un côté plus terre à terre. Je trouvais ça, mais fantastique. Bon, alors, je me permets, Ben, j'aimerais te donner la parole. Conjure. Là, ça y est, je boue. je sens bien. Non, mais en vrai, moi, c'est ce qui je trouve que c'est ce qui est, si m'a pas touché, moi, les méchants dans ce Batman Begins, c'est que j'aime pas Ra's al Ghul. Bon alors là pour le coup Ra's al Ghul c'est vraiment en général même je l'aime pas dans le dessin animé, je l'ai jamais aimé en comics, je suis pas attaché à leur relation avec machin. Et l'épouvantail ça a été une grosse frustration pour moi parce que non mais je trouve que en mise en scène effectivement les quand les gens ont les visions tout ça c'est assez intéressant, ça a un poil vieilli moi j'ai trouvé, j'ai déjà vu peut-être plus récemment mais dans mes souvenirs c'était un peu genre il y a le cheval avec des gros yeux, il y a de la fumée qui sort de son nez, je me suis même dit oh c'est, voilà. Et en plus sa mort est quand même expédiée vitesse 2000, il meurt pas vraiment, il revient, je suis con, mais il est expédié d'un coup de taser dans la gueule, et le cheval part et tu ne le revois plus. J'étais quand même assez frustré, je veux dire je suis d'accord, c'est on s'intéresse à Batman et c'est le film sur Batman, mais là j'ai trouvé que les méchants étaient vraiment complètement à l'arrache. Et je trouve qu'il y a plein de... En fait, le souci, mais ça, je le disais déjà dans le spécial MCU et dans le même spécial Spider-Man, plus tu te prends au sérieux, plus moi, j'ai du mal à accepter des trucs de cinéma un peu gros, où je suis OK que sur un Batman, le défi, machin, parce que c'est un comics, quand on essaie de t'expliquer que le plan du méchant est très sérieux et en fait est très logique, mais qu'à la fin, Batman dit, bah, tu sais quoi, je vais pas te tuer. Par contre, je vais pas te sauver. Je suis là, genre, mais c'est pas... Je trouve que ça ne dit rien sur le super-héros. Ça dit et tu l'as tué, c'est pareil en fait. Je vois pas ce que ça dit. Genre, bah je te laisse sur les rails, je te tue pas, mais non, je te sauve pas. Et le train passe, tu fais bah super. Enfin, moi j'étais frustré à ce niveau-là parce que du coup je n'arrive pas à me placer vis-à-vis du personnage. Et alors l'autre truc, c'est que je trouve qu'il a trop de copains Batman dans ce film. Genre il y a un gars qui je comprends, hein, c'est pour rendre le truc réaliste et c'est beaucoup plus logique qu'il y a un mec qui effectivement lui donne un plan d'un tank prévu pour son entreprise et qu'il en fait une Batmobile, ça je suis d'accord, c'est logique de ouf et ça tient. Non mais ça tient debout, ça tient très bien debout. J'ai une frustration que c'est con, hein, mais j'ai une frustration qu'on me l'explique et je préférais m'imaginer qu'on ne le montre pas et que ce soit lui qui construit sa Batmobile ou je sais pas quoi. Même si ça peut paraître débile, j'aime pas qu'il y ait autant de gens qui sachent qu'il est Batman mais qui font genre non, mais on sait rien, voilà. et voilà. Ouais. Là où je vous rejoins. Je rejoins sur tout ce que tu disais, Ben. Je trouve que c'est un bon Alfred. Je trouve que le Alfred des Nolan est très bon et pour le coup, on se souvient de ses phrases, on se souvient des je trouve qu'il a une vraie importance dans la vie de Batman dans les films et voilà. Mais il y a des trucs un poil ridicules. On avait fait un mec qu'on écoute jamais avec Méniel sur Batman Begins où ils discutent dans une maison en feu. Et je suis d'accord, la symbolique est belle et tout. Mais en fait, vu que le film se prend au sérieux, moi, j'avoue, j'ai une petite distance vis-à-vis de ça. Après. L'interprétation est folle, il y a des scènes d'action chambées. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais quand même un 6. Hein, sur 10. C'est sévère, 6 quand même. Oui, mais voilà, c'est pour te dire. Il a dit qu'il n'aimait pas trop. Le trouve, je n'accroche pas au rythme. Voilà. Ça dure 2h20 et j'ai du mal à tenir les 2h20. J'entends tout ce que vous dites et vraiment, je comprends. Je me rappelle encore juste du shitstorm quand ils avaient montré la Batmobile pour la première fois. J'en ai très énervé. Tu l'as pas acheté celle-là. Par exemple, je la trouve noire, très belle. Et encore une fois, l'explication sur papier, je la comprends et je la trouve super. Mais la première fois qu'ils l'ont montré, il n'y avait pas encore eu trop d'explications. Enfin, tout le monde s'est enflammé ultra vite. Mais les Nolan font, on a l'impression qu'ils font l'unanimité et tout. Mais il a quand même été vertement critiqué par les fans du comics pour justement son orientation trop réaliste, avoir voulu pousser le réalisme jusqu'au bout pour finir par devenir parfois ridicule dans ses explications de comment il rend réaliste tel truc. En fait, c'est con. Tu vois, et parfois je les rejoins d'ailleurs sur ce point. Et donc Ben, pardon. Ouais, non, non, je vais pas répéter ce que vous avez dit parce que je suis assez d'accord même sur les trucs négatifs. C'est sûr que j'aimerais bien que tu répètes tout. Je vais tout répéter. Alors Vesper, elle a dit. non, non, c'est ce qui moi me plaît vachement dans ce Batman là et par extension dans les Batman de Nolan, c'est pas tellement le côté réaliste parce que c'est tout le temps ce qu'on dit et c'est vrai, mais voilà, c'est un peu facile. C'est juste de dire, en fait, ça va un peu faire écho à ce que je disais sur Batman Year One, puisqu'il s'est clairement inspiré de ça. C'est ce côté, en plus de l'origin story, enfin, au-delà du fait de faire une origin story, c'est d'embrasser le côté détective slash ninja de Batman, avec toute sa formation, et ça, je trouve ça assez cool, parce qu'au final, dans les Burton, il n'y avait pas besoin d'origin story, parce que, pour le coup, dans les Burton, c'était vraiment un symbole, c'était une chauve-souris géante, et il était ultra théâtral, et tu n'avais pas besoin de savoir d'où il venait, c'était déjà waouh. Là, c'est bien de l'expliquer, donc tu as tout ce côté formation et de comment il est devenu qui il est, et il y a ce côté aussi où... D'ailleurs, je vais prendre une formation à Avdas, là aussi, avec Pôle emploi. Spectacle. Ah. Ils ont tourné l'endroit où il est censé faire sa formation. Et alors, il y a de la glace avec Razel. Oui, il y a de la glace. Ah là là. Tout, ouais. C'était grave stylé. Voilà, c'était juste pour stylé. Me la péter. Mais... C'était pour dire que j'étais allé en Islande. Voilà. Et après, elle te gueule dessus quand tu dis que tu vas à New York. C'est vrai. L'autre truc, c'est que j'aime énormément son Gotham. Que c'est pas le cas de tout le monde parce que le fait que ce soit souvent de jour, que ça ressemble plus à Chicago. New York. Oui, mais du coup, c'est plus un New York moderne qu'effectivement qu'un Chicago qui va être un petit peu plus années 40. Comme... C'est tourné à Chicago. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la vibe, si je puis m'exprimer comme ça, est plus moderne et plus. Enfin, la ville est moins dramatique. Elle est pas du tout gothique. Et elle est plus, ouais. Voilà, plus réaliste. Moi j'aime beaucoup parce que elle est quand même filmée avec c'est pas le gratos c'est pas juste le décor. Gotham est vraiment une ville, enfin un personnage à part entière, et ça vient aussi du fait qu'il utilise les persos comme les mafieux, etc. Donc ça fonctionne, mais voilà, je trouve que il a pas juste fait un truc très réaliste gratuit. Je trouve qu'il a vraiment il a fait son propre Batman, et j'aime vraiment c'est dans celui-là qu'on se rend compte qu'en fait son but depuis le début, et moi je crois, alors je sais pas, j'ai pas l'info, mais je crois qu'il proposait une trilogie, enfin il voyait ça comme une trilogie depuis le début, et en les revoyant, je crois que je suis d'accord avec toi, avant c'était Dark Knight mon préféré, mais je crois que finalement c'est Begins, à très peu, mais je crois que Begins c'est mon préf des trois, pour toutes les raisons que je viens de citer, et voilà. Viens dans mes bras. Alors, bah, écoutez. Est-ce qu'on a tout dit sur Batman Begins? La musique, après, de toute façon, la musique est super. La musique est super, bah, de toute façon, après... la musique pas... est super, mais là aussi il y a cette volonté d'un truc moins théâtral. J'ai cru que t'avais dit, ah putain, il non, parle. Non. Oh, quelle horreur! Putain, il raconte encore déjà des trucs. Tous les Hans Zimmer haters vont nous dire non. Moi, non, mais moi, je fais partie des Hans Zimmer haters, mais je conçois son travail surtout sur Batman Begins. Je trouve que c'est super. Je trouve qu'il est parti dans des expérimentations un peu moisies. Les sur les le... points, c'est venu après. Voilà, c'est venu après. Dans Batman Begins, il y a Newton Howard. Mais il y a quand même, tu sens, cette volonté d'aller dans quelque chose de moins grandiloquent, moins théâtral. C'est encore une fois de plus en rupture avec les Burton et en allant vers quelque chose de plus épuré. Mais. Un thème aussi fort que celui de Elfman, ça c'est fait dur. Partie des trucs qui me manquent un dur, peu dans Batman, parce que c'est quand même deux notes le thème de Batman de Hans Zimmer. Exactement, hein. C'est, et je ne saurais pas notes, vraiment te le dire en fait. C'est pas... voilà. Ouais, bon. Mais je sais pas. Quoi? Et aussi l'autre truc réaliste qui me casse un peu les couilles, c'est le bat signal qui vraiment genre. Et un peu à chier, quoi. C'est-à-dire... Bah, c'est un mafieux, voilà. À la base. Hein, c'est un mafieux, c'est. Non, mais c'est surtout qu'à la fin, quand il s'en sert vraiment, c'est genre. Bon, bah, c'est une lampe torche pointée sur un nuage, quoi. C'est un peu nul. Et Gary Oldman, putain, on en a pas parlé. J'adore. Oui, mais de toute façon, passons à Dark Knight. Ouais. Oui, tu as raison. Au final, on est dans la même thématique. On est chez Nolan. Tout à fait. Tadam. Tadam. À chier. Oh, arrêtez, Jonathan. Mais ça fonctionne. Quoi que t'en dises. Oui, mais c'est. Ça fonctionne dans le film, mais ça, t'as pas envie ça, de réécouter ça après. Ça nous prend pas au trip, mais ça fonctionne. Pas la BO. Quoi. Ouais. Donc The Dark Knight, alors quand même souvent cité comme étant une des meilleures versions. Ouais. Comme un des meilleurs films tout court. Enfin, un des meilleurs c'est Batman. Dans les top, je pense que c'est le mien, je suis pas très original, tu vois. Je suis peut-être très normie à ce niveau-là, moi aussi, mais je. C'est ouais. La trilogie, c'est mon. C'est en partie à cause du Joker ou grâce au Joker? Alors je trouve que c'est un ensemble. Okay. En fait, je trouve l'ensemble vraiment très bon. Et même les trucs que les gens critiquent, comme Harvey Dent. J'adore le parcours d'Harvey Dent. Super. Et même le final où on dit, bon, ok, il devient fou. Je fais. Ah, je trouve pas. Non, mais c'est vachement bien. Mais certaines personnes le disent. Ouais, ils le vendent comme le White Knight pendant tout le truc. Ces personnes sont folles. Voilà. Mais super. Moi, je dirais. argumenterais quand même que c'est un peu expédié. Enfin, moi, je trouve que son parcours est super, mais je trouve que en fait, ça aurait mérité un autre film. En fait. Oui, c'est-à-dire bien que, sûr. Oui. Que la fin de Dark Knight, ce soit le basculement en double face. Mmh. Et que ensuite le troisième épisode se soit centré sur ce personnage-là, parce que je trouve que j'étais presque moi un peu frustré de genre c'est double face et un quart d'heure après il est mort. Et je dis ouais, bah ouais, c'est ouais, quand même con. Et c'est pas magnifique stylé. Quand il meurt. Et c'est pas ouais, voilà. Le truc c'est que justement c'est pas double face. Et je suis d'accord avec toi, on l'entendait tous. Ouais. Mais c'est pas double face, c'est Harvey Dent. Et là où ça marche, c'est que c'est pour moi le perso principal c'est Gotham. Et du coup, c'est ce gars qui symbolise Gotham, enfin le bon Gotham. Ouais. Et c'est pour ça que Batman est relayé derrière. Ouais. Et c'est ce que plein de gens n'ont pas aimé. Ils disent ah, on voit trop le Joker, on voit trop Harvey Dent ou quoi. On voit trop beaucoup de Joker. Oui, oui, ça je suis d'accord. Mais le fait qu'on voit moins Batman, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça permet juste. De toute façon, il est là, Batman, tu vois, il est pas inutile, mais il est là. Il est beaucoup là, hein, Batman. Hein, oui, moi, oui, je il est beaucoup Dark là. Knight, hein, mais quand même. Moins que dans Begins, ce qui est normal, puisque Begins c'était vraiment. Ouais, mais ils ont pas fait la construction. Batman le défi, tu vois. Je trouve que c'est quand même assez. Je suis d'accord. Ouais, c'est assez. C'est bien équilibré. Non, moi je trouve que le déséquilibre vient vraiment du personnage de Harvey Dent, que je trouve super en Harvey Dent, et je trouve que son dernier acte est un peu expédié. Après, le film dure déjà longtemps, donc ouais, tu peux pas... c'est ça, look turbo stylé. Ouais, c'est impressionnant. Aucun problème. J'adore avec ça. Aaron Eckhart, je trouve qu'il le joue bien. C'est son dernier. Il a fait quoi de bien depuis Thank You for Smoking. Moi, c'est vraiment dans mes top avant. C'était avant. Il a fait un démon ou Frankenstein ou je sais pas quoi. Frankenstein. Qu'est-ce qu'il a fait de bien depuis. C'est bizarre. Moi, je pensais que ce rôle de Harvey Dent, ça allait le faire exploser. Bah, en fait, je pense qu'on pensait tous ça. Bon acteur, tu vois. Il est super dedans en plus. Il est vraiment bien. D'ailleurs, on a pas parlé de Billy Dee Williams sur Harvey Dent. Ah, bah oui, c'est ça. Non, c'est vrai. On le name drop. Petit clin d'œil. Mais ouais, non, enfin, moi, c'est mon préféré de Nolan. Aussi, ouais. De Nolan, ouais. Il est ouf. Mais il est très beau aussi, le film. La photo est belle, la réal est belle. Tous les plans sont impressionnants. Les courses-poursuites, la course-poursuite en camion. Enfin, voilà. Et puis le Joker, enfin, c'est l'évidence même. Oui. Mais le coup du tour de magie où il enfin voilà et le mec qui se prend le crayon dans la tronche, la gestuelle, toutes les mimiques qu'il a inventées et tout. Alors, on a presque un cas de Michael Keaton bis, c'est-à-dire que quand ils ont annoncé Heath Ledger, tout le monde a hurlé quoi. Ouais, et même quand ils ont posté la première photo, le look où on le voyait juste dans le noir avec tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est que ce mais parce que tout le monde avait Nicholson merde, en tête. Oui, puis même surtout, je pense que les gens veulent pas que tu touches à leur, à leur oui, truc. Oui, puis là, il était crado, les gens avaient moins l'habitude d'un gars crado. Exactement. Et il a fallu attendre, je crois, la première, qui est pas vraiment la bonne annonce. En fait, là, ils avaient diffusé la première scène du film dans des cinémas IMAX et tout, et où tout le monde a fait OK, d'accord. Ça, bon, ouais, en fait, non, mais ça capte. En fait, ça va être. C'est la petite histoire, je l'ai vu en IMAX, moi. T'es allé voir à Disney ? J'allais le voir à Disney, alors je vivais pas à Paris, moi, j'étais encore en Bourgogne. C'est juste, c'est tombé. J'avais un ami plus vieux que moi qui, lui, était à la fac à Choisy-le-Roi. Big up à eux. Big up aux gens de là-bas. Et on est allé le voir au Disney Village en IMAX. La chance. C'était. Ouais. Moi, c'était pire date de ma vie. Ah bon ? Bah non, mais là, on est dans les podcasts de Geekos, on est pas dans les podcasts perso. Mais c'est lié, c'est lié. Mais tu parles juste de l'intro du film non, ou le film ? Ah oui, voilà, c'est ça, le d'accord, okay. Parce que moi, j'étais allé à Disney juste pour voir la première scène quand ils avaient. Ah oui, comme ouais, mais toi, tu venais pas de Bourgogne, donc c'était. Non, oui, j'ai moins de. Comme le Avatar Day, il avait ça aussi. Disney, ils avaient fait le Avatar Day où tu pouvais voir des extraits d'Avatar avant tout le monde. Abusé. Mais ça, on n'a pas envie, ça. Oh, genre. Oh, oh ça va, je t'ai obligé. Oh, non, mais bravo. J'adore Avatar. Ouais, mais voilà, c'est ça. Voilà, ça hurle beaucoup. Il y a besoin de le crier pour qu'on le croit. Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que, assez impressionné parce que moi, premier film que je vois en IMAX. Ouais, du coup, si t'en prends un peu la première scène, on voit quand même un peu dans la gueule en IMAX, c'est extrêmement impressionnant. Ouais, on est bien d'accord. Mais non, c'est un au super moins, film. On a pas essayé de te pécho pendant le film. Bon, bref. Elle veut raconter, Allez, je raconte. Vous savez, c'est le moment où tu vas au cinéma avec quelqu'un et j'avais 17 ans quand même. Et du coup, il m'a fait le coup de je baille et je lève mon bras pour le passer autour de tes épaules. Ça veut dire qu'il a fait chier le mec derrière déjà. Oui, pour te pécho. C'est vrai. Après, c'était un petit cinéma de Nancy à l'époque. On était au seul cinéma qui passait les films en VO. Donc déjà, tu vas pas trop en demander. J'avais 17 ans, quand même, comme je voulais voir mes films en VO, j'étais un peu edgy déjà. Et effectivement, c'était très gênant. Et après, le moment où je me rappelle très très bien de la seule scène de baiser du film, donc du coup, entre Harvey Dent et Rachel, et c'est voilà le moment où il m'a regardé, il a voulu qu'on s'embrasse, et c'était très gênant. Ah, mais alors, donc, en fait, tu dis que c'était un date, mais c'était pas un date pour toi. Bah si, je suis allé au cinéma quand même. Enfin, oui, j'étais consentante quand je suis venue. Elle savait qu'il pouvait y avoir. Voilà, mais c'était horrible. Et pendant tout le film, je me suis dit, je suis en train de voir un chef-d'œuvre, mais j'ai envie de quitter la salle. Ah, c'est dur. Est-ce que je prétexte d'avoir envie de faire pipi pour ne jamais revenir? Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai une race, quand même. Voilà. Et parce que le film était très bien. Mais j'ai hésité pendant 2h30, parce que c'est long, 2h30 quand même. Quand Rachel embrasse, tu peux faire bon bah elle est morte. J'en conclue que nous c'est fini. Ça, ça va. Ah mais quelle angoisse. Voilà, c'était la fin de la partie. J'ai vécu Dark Knight différemment. La première fois c'était pas agréable. La première fois dans Dark Knight c'était pas cool. Non mais c'est vrai. En tout bien tout honneur évidemment. C'était pas grave. Tout ça pour dire que le Joker. Ouais. Vraiment fou, et c'est vraiment les mimiques de Heath Ledger qui me marquent à chaque fois. Et qu'on marquait un personnage dans une façon de faire. C'est rentré dans la culture maintenant, Wayne Socerius, tout ça. Moi, c'est ça qui m'a plus marqué, c'est vraiment le fait qu'il lèche ses cicatrices constamment autour de la bouche. Putain, on a SMR, tu dois bander dur, toi, du coup, avec les petits bruits de bouche et tout là. Tu fais, you know this girl. Mais je. Il a dit c'est vrai, il a dit c'est vrai. Maintenant que j'ai réfléchi et qu'on a parlé de et que Flaubert a parlé de par exemple la fin de l'épouvantail dans Begins et tout, je trouve que il y a aussi un mais il y a aussi un problème avec la manière dont le Joker est expédié à la fin de Dark Knight, c'est-à-dire il y a le super moment où il le remonte, où il l'a fait tomber, le récupère par la jambe, il le remonte et Joker fait une sorte de petit discours et ensuite pouf c'est fini. Et j'ai une théorie. Il devait l'utiliser encore. Oui, bien sûr. Et surtout, tout l'arc de Bane de Dark Knight Rises, c'est vraiment le Joker en changé. Hein. Le côté on enlève Gotham du reste du monde et on crée l'anarchie parce qu'on enferme les flics et machin. Ouais. Je ne sais rien, je suis pas dans la tête de Christopher Nolan, mais ça sonnait un peu genre on continue l'histoire du Joker dans le 3. Quoi. Mais néanmoins, si tu décides que le film de Dark Knight est censé se suffire à lui-même, sans imaginer qu'il va y avoir une suite derrière, c'est un peu frustrant cette fin de. C'est un peu comme la fin de l'épouvantail pour toi ou de Harvey Dent. C'est vraiment genre. Il crée des méchants que je trouve vraiment hyper intéressants et il sait pas trop comment finir leur truc, je trouve. Voilà. Mais par contre, c'est Black Mirror à tes yeux, les écrans et tout là. Il fait des sonars avec les téléphones. C'est dans la scène, principe ou la scène visuellement? Visuellement. Ah oui, je l'ai trouvé un peu dégueu. Dans l'immeuble en mode Splinter Cell et tout là. Ouais, ça me fatigue. Et puis surtout, mais ça arrive plusieurs fois, même dans Begins et tout, c'est les phases où je fais, on dirait vraiment qu'on lui a obligé l'autre à mettre une scène comme ça parce que je la trouve pas belle, ça dénote un peu. Et ça fait très super-héros d'un coup, alors qu'en vrai, le film est pas trop comme ça. Mais par contre, je trouve la scène de course-poursuite extrêmement impressionnante avec le camion qui se retourne le Joker face à la moto qui fait Come Get Me, tous ces trucs-là. Je trouve que c'est des scènes d'action fabuleuses. Et même les petites gags à la contrée 90s, il y a deux petits garçons qui font pampan avec les doigts et qui font exploser des bagnoles. Moi, j'ai trouvé cette scène, plus le braquage au début, c'est des scènes que je trouve qui m'ont marqué pour le coup et qui je m'en souviens encore, ce qui n'est pas le cas de tous les Batman. Tu parles de la scène où avec la moto et tout et où la photo de Joker qui est en skateboard au-dessus de Batman, c'est un fake. Moi je l'ai appris très tard, hein. Je vous le dis, tu sais qu'il tourne un peu sur internet. Montage. C'est juste il saute au-dessus de Bruce Wayne, c'est une photo de tournage et quelqu'un a une planche de skate. Mais moi quand j'ai découvert ça, mon monde s'est écroulé. Donc voilà, je débunk un peu internet, je vous le dis. C'est de la merde, Ben. La vie c'est de la merde. Le jour où tu sauras, tu seras plus jamais déçu. T'es abusé. Ça c'est les dates en IMAX, c'est ça. C'était en Dolby, putain. Moi ce que j'aime beaucoup dans The Dark Knight aussi, c'est le côté un peu ridicule, ce que je voulais dire, c'est la scène où il y a le Joker qui vient voir en infirmière Harvey Dent. Je vois de quel moment. Donc vraiment, tu vois, c'est le Joker. Et c'est là qu'il panique. Et d'un coup, il fait oh putain, c'est le Joker. Alors qu'il a juste enlevé son masque de bouche. Et vraiment, tu vois les yeux noirs, tu vois tout. Les cheveux, il a sa perruque et tout. Il a la perruque verte. Il fait oh putain, c'est le Joker. Après, tu peux mettre ça sur le fait qu'il vient de se faire acidulier. En vrai, quand je l'ai rematé récemment, ça m'a fait rire. C'est très bien fait, par contre, le Two-Face. Par rapport à Tommy Lee Jones, c'est très bien fait. Après, je trouve que c'est un des. C'est un des meilleurs acting de Ledger du film quand il essaye de faire péter le truc et que ça marche pas. J'avais demandé, c'est un vrai truc. J'ai cru entendre une anecdote où ça marchait pas. Il y a eu une vraie couille. Franchement, technique. Si c'est ça, c'est génial. Je l'ai lu aussi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça sonne légende. Moi, j'ai envie d'y croire. En tout cas, c'est vendu comme ça. Ça voudrait dire que Ledger a continué de tourner. En soi, légende ou pas, c'est hyper bien joué de toute façon. Le plan est super. Je trouve que le plan est génial. Mais même quand il est en infirmière, que Ledger est jamais aussi naturel qu'à ce moment-là dans le film. Et merde. Enfin, c'est génial. Et du coup, l'intro. On parle de trucs stylés. Ah, elle a trouvé vraiment bien. Ils se butent chacun l'un l'autre. Moi, j'adore cette scène. Alors. Ah, tu vas dire, oui, mais je préfère Hit. Alors, du coup. Non. Ah, bah oui, je préfère Hit largement. Mais non, mais en fait, je trouve la scène brillante jusqu'à ce que le dernier se fasse défoncer par le bus et tu comprends pas trop en fait. Bah, c'est drôle, il se fait défoncer par un bus. Oui, c'est drôle, mais c'est drôle, mais en fait, c'est hyper mal fait. Enfin, quand tu le revois, tu vois le bus arriver, tu vois le mec se faire tirer par un fil. Enfin, c'est un peu. Bon, c'est un peu. C'est mais un le crayon. Le crayon, c'est bien. Mais le crayon, bah oui, le crayon, c'est super. Mais c'est aussi con. Mais je trouve que ça pose les bases directes. T'as vu 10 minutes du film, ça. Dans les plans absurdes un peu de ce film et que j'adore aussi, c'est quand il fait un salto arrière sur un mur avec la moto. Ça se plante. Et d'un coup, t'as vraiment un plan fixe. C'est grave. C'est vraiment gratos. La moto ça court, elle est un peu chelou quand même. On aime ou on n'aime pas, mais les roues elles sont très très larges. En fait, le fait qu'il est allongé, en fait, le fait. Ah, toi t'adores. J'adore. En fait, moi j'adore le fait que ça fasse partie de la Batmobile. Parce que je. Mais ça, c'est un truc très stylé de putain, la Batmobile marche plus. Ok, ça devient une moto. Il y a l'ordinateur de moi qui fait goodbye. Et on va aller par en moto, c'est trop stylé. C'est trop bien. J'adore. D'ailleurs, la scène du début, enfin, le retour de Batman dans Dark Knight Rises avec la poursuite cette fois-ci où il est en moto direct. J'adore cette moto. Et ben passons à Dark Knight Rises justement. Allez. Assez décrié. Oh bah. Mr. Wayne. Oh, il le tient. Pas mal. Your punishment must be more severe. Bon, j'ai vu en IMAX aussi Dark Knight Rises. When Gotham is in ashes, you have my permission to die. Ah, ça c'est pas. Il y a un paquet de catchphrases de ouf. Moi, la scène du stade, je la trouve incroyable. Ouais. La scène du stade, je la trouve vraiment, vraiment bien. Après, la scène du début sur le braquage de l'avion, invitable. Mais tu comprends pas ce qui se passe. Mais justement, rien. J'allais dire, tu comprends même pas ce qu'il dit. Il y avait eu un shitstorm à l'époque sur le fait qu'on comprenait pas les premières scènes. Donc, il a redoublé. Les gens veulent quoi ? Il va redoubler alors qu'il a son casque et tout. Moi, je suis team Bane, c'est ok pour moi. Enfin, moi, Bane me dérange pas du tout. Mais c'est juste vraiment, c'est la. Mais alors, sauf la manière dont il disparaît, qui est vraiment à chier. Mais on revient à ce truc où, effectivement, pareil. C'est dommage. Il meurt d'une façon un peu triste. J'ai une petite anecdote de la vie réelle sur ce film. Il a joué dedans. À l'époque, c'est moi. Je joue le pingouin, mais on me voit pas. À l'époque, j'avais. Comment ? J'allais dire créer, ça fait un peu prétentieux, donc j'avais entrepris un truc de pote qui s'appelait le Ciné à 40. Ah oui, c'est cool. Avec un groupe Facebook et tout. Et alors, ça existait avant, on l'avait fait pour Avengers, qui était quelques mois avant. Mais c'est la première fois où on a réussi à être plus de 40 à l'UGC Châtelet, je crois, ou Bercy. On était tous des potes sur le groupe Facebook, tout le monde, allez, on y va, en attending dans l'event. Et on était, je crois, 45. J'avais même imprimé, à l'époque, j'étais en agence, donc c'était gratuit. J'avais imprimé des masques de Batman que j'avais filé à plein de gens et tout. Pas pour les forêts. Et en gros, j'ai même des photos et tout où on tient, je sais pas, 4 rangées. On a 4 rangées où on est tous entre potes et on avait réussi à faire ça pour ce film là, donc je m'en souviens comme ça. Et alors là, Kian Kojandi, Pelle Bagieux, tout le gratin. Le gratin de Gotham. Donc voilà, non, c'était juste, ça me fait plaisir. C'est intéressant cette anecdote. Hein. Et après, c'est devenu l'Aïk du LOL, ça a basculé. C'était Non, mais Dark Knight Rises. Oui. Grosse déception pour plein de gens. Et qui suit ce que je disais en termes de logique de tu veux pousser un petit peu à l'extrême le scénario, le machin, et du coup, ça se casse un peu la gueule quand même. Parce que là, je trouve que c'est le moment où ça tient plus trop. Bah, déjà, beaucoup de gens ont eu du mal à pardonner le fait que. Heath Ledger soit mort et que du coup mais c'est la faute de personne. Mais non, mais de dire que désolé, ancienne, hein. Je plaisante. Oh merde. Il fait pas d'effort aussi. Non, mais le fait que on nous avait promis voilà le film sur le procès du Joker que tout le monde attendait et tout et qu'au final on te file autre chose pour des raisons évidentes. Ouais. En plus, il a eu son Oscar. La frustration posthume, est forcément là. Tout ça, donc tout le monde s'est bien, monté le bourrichon là-dessus et on te donne un autre film. T'es pas content, quoi. Donc... Moi, je trouve que c'est un grand film malade, quoi, Dark Knight Rises. Moi, je le mets dans cette catégorie-là. Tu vois ce que ça aurait pu être. Il y a des trucs vraiment grandioses, quoi. Il y a vraiment des scènes incroyables. Anna Tawai sur une moto. Il y a ça par exemple, effectivement. La prise d'otage de la ville entière avec l'espèce de. Ils sont tous en autarcie, quoi. Je trouve super. Assez stylé. Plein de trucs vraiment super. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Oui, elle est vraiment bien. Tu le disais, la scène du stade est incroyable. La scène de poursuite en moto quand Batman revient, je disais. C'était vraiment. Mais il y a effectivement, il est perclus de plein d'incohérences et de moments où effectivement tu te dis non, là tu vas trop loin, mec. En fait, il y a un raccrochage de wagon forcé. Ouais. Talia al Ghul, Bane qui finalement. tellement lié à elle et lié à Ra's al Ghul du 1. En fait, c'est des trucs, c'était pas obligé, même si je trouve que tout ce qui concerne la prison avec le puits là, moi j'aime bien. Mais t'aimes bien la symbolique. J'aime bien la symbolique. Mais pas la manière dont c'est trop sérieux, ce qui fait que même la symbolique, je trouve ridicule. Ouais, mais c'est dans le titre du film. Je sais pas, la symbolique de il enlève la corde et c'est ce qui permet de sauter, oui, je comprends. C'est un peu. C'est, ouais, mais sur le papier, je trouve ça un peu con. Non, après, il y a plein de gens qui ont gueulé parce que les fans qui ont gueulé parce qu'ils attendaient, ils se sont dit il y a Bane dans le film, donc Batman va se faire casser le dos comme dans les comics. Ouais, bah ouais. Il se fait vite fait déplacer une vertèbre. Si, ouais. Non, mais c'est ça. Et après, il a une jambe bionique. Oui, c'est ça. Et après, ils disent ah bah les gars, il lui a juste 2 semaines de réhabilitation et tu peux monter un puits. Oui, c'est bon, et après il galope. Oui, en fait, je pense que c'est ça, c'est plus des frustrations de fans ou en tout cas d'attente par rapport aux attentes. Souvenez-vous de la fin du 2 qui était genre Gotham déteste Batman et veut sa mort. C'est ça, le héros qu'on mérite. Et enfin, Cut, t'as juste Christian Bale avec une barbe, genre je sors plus, je suis plus Batman. Ça, j'ai bien aimé ce côté ermite. Oui, mais ça dégage au bout de 5 minutes. C'est vrai. Au début, il arrive, moi j'adorais. Il met un peignoir et il est en chausson. Oui, il abandonne le truc. Il se rase et c'est re-Batman. Tu dis, ah, la barbe, c'est ça. Ouais, mais il y a quand même ce côté. Je suis d'accord, hein, mais il y a quand même ce côté. Alfred le prévient qu'il va se faire défoncer parce que ça fait trop longtemps qu'il est plus Batman. Mais il se fait pas tant défoncer. Ouais, il se fait quand même bien défoncer. Il se fait quand même bien défoncer. Ouais. C'est-à-dire, la première rencontre avec Bane, ça se passe pas bien. Hein, La relation avec Alfred, par contre, est tarée dans celui-là. Ouais, mais il y a. Le problème, c'est que. C'est là où. Tu vas apprendre à se relever, je sais pas le dire en français. C'est quand même dans ce film-là que Alfred devient un whiner de première. Oh, t'es salaud. Il voit son fils spirituel en train de crever, c'est normal. Ouais, je sais pas. C'est plus Bruce que je trouve tarba avec lui. Je trouve bâtard. C'est que je trouve qu'il est un peu sur la scène où il s'excuse auprès des parents Wayne devant la tombe et tout, et où il chiale. J'ai pas cru 2 secondes. Peut-être qu'il pleure mal. En parlant de gens qui jouent mal. Ah bah non, mais on le dit alors du coup. Non, mais bon. Passons. Non, mais par contre, le personnage. Tout le monde sait, ça va. Le personnage, par contre, donc j'ai oublié son nom. Talia al Ghul. Talia al Ghul. Donc juste Talia et en fait al Ghul. C'est vrai qu'en fait, le twist. le twist est vraiment compliqué, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on. Et surtout, je. On voit pas l'intérêt. En fait, alors il faudrait que je le remate, mais je ne vois même pas pourquoi ils sont allés là-dedans. C'est-à-dire que je ne. Juste pour donner une motivation à Marion Cotillard de défoncer Bruce Wayne et de défoncer Gotham. En fait, oui, sauf que ça arrive tard quand même. C'est parce que c'est censé être un twist. C'est pour ça que c'est un twist. Tu crois jamais à leur relation. Non, je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'ils ont cette scène. T'as quand même un espèce de triangle amoureux qui est pas le genre de truc que tu veux voir dans Batman. Non, puis il marche pas ce triangle amoureux en plus. Ah oui, non, à aucun moment. À aucun moment, t'y crois. La scène où elle est. Ah oui, bah déjà le Storm là, attends, c'était quoi la scène... Storm is coming, la scène d'amour quoi, où elle est avec sa couverture. Par contre, je me suis demandé. Rien ne marche. Pour les avoir vus. C'est la tête que j'avais fait avec la couverture. Pour les avoir vus d'affilée, je me suis demandé si la scène où elle lui dit Storm is coming, là il danse et tout, c'était pas un hommage à la scène de danse. Non, à la scène de danse de Batman. Le défi. Ouais, où il danse avec Michelle Pfeiffer, ils se découvrent, ils savent que c'est l'un l'autre. Je sais pas trop. Mais je me suis demandé parce que c'est vraiment le même. Le truc, c'est que symboliquement, dans Batman le défi, justement, cette scène, elle a plein de, significations multiples pour plein de personnages, en plus pas que pour, il y a aussi Shrek qui est là, Max Shrek, il y a plein de trucs qui se passent dans cette scène, alors que dans Dark Knight Rises elle sert à pas grand chose. Je pense que moi j'aime ce film, mais pour l'ensemble des trois, c'est, je trouve qu'il complète bien d'une certaine façon la trilogie. Oui, non, mais c'est pas honteux. Non, tu vois. Mais par contre, ce qui m'a déçu. Il y a des trucs honteux. Ma déception, oui, c'est. Oui, mais le film entier. Ouais. Et pas. Là non, c'est pas honteux, bien sûr. De tous les films Batman dont on vient de parler, il est pas honteux. Non, pas du tout. Moi, ce qui m'a déçu le plus, c'est que je trouve que. Moi, Tom Hardy, je trouve qu'il est génial. Je trouve que le personnage de Bane, pendant les trois quarts du film, il est flippant, menaçant et c'est crédible de défoncer Batman, tu vois, même si c'est un Batman vieillissant. Et c'est juste que, je crois que c'est Joe qui dit ça tout à l'heure, c'est désamorcé en 2 secondes quand il y a le reveal de Talia al Ghul, ça devient un petit chien. Alors, il s'est fait enlever son petit masque et tout, mais. Il fait ça pour une meuf en fait, mine de rien, même si. Alors que t'as l'impression qu'il est juste et qu'il c'est a un bourrin, quoi. C'est presque Marvel fera x 1000 de le méchant a un plan que tu peux comprendre de pourquoi il veut faire ça. Après, en fait, c'est à partir du moment où il dit c'est un peu pour une meuf et que la meuf c'est pour venger mon père. On est que sur des trucs shakespeariens, un peu ringard. Il y en avait pas besoin, juste il dit je suis le jugement de Gotham, ça suffit en fait, pas besoin de plus. La fin, par contre, la scène en Italie là. Et surtout, alors ça c'est méga cheesy, mais j'aime bien. Je déteste. En fait, ils l'ont expliqué, c'est ça qui est dommage. Parce que je trouve en fait. très dommage, c'est que je comprends que Heath Ledger, et que même quand le film se termine et que l'acteur se meurt, je comprends qu'il y a un truc de on veut pas du tout en parler, mais le fait de faire comme si le Joker n'avait jamais existé, j'ai trouvé ça très bizarre. Tu fais un film sur le chaos, t'as un gars qui a essayé de mettre le chaos dans la ville, techniquement un an avant. Mais t'as l'impression qu'en fait ils ont perdu les droits entre temps, alors qu'en fait l'acteur est mort, ils ont le droit d'en parler. Et en fait, j'ai trouvé ça surprenant de ne pas en parler, mais même que Bane dise je reprends, travail du Joker, enfin tu vois, même un truc comme ça, j'aurais plus cru. Techniquement, il reprend le travail de Ra's al Ghul. Oui, non, mais. Mais alors après, la fausse excuse, parce que j'aime bien faire des excuses de merde, c'est 8 ans après, je crois, ou un truc comme ça. Donc peut-être que tu vois, le Joker il est à la Arkham, mais voilà. Mais c'est exactement ce qui s'est passé entre Batman et Batman le Défi. Batman le Défi annule quasiment le premier Batman. Et c'est chiant, hein, je suis d'accord, c'est dommage. Mais bon, puis à c'est... Alors, c'est de la merde. Voilà. Juste un petit détail sur la musique, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Je trouve que dans celui-là, la musique a vraiment un rôle de tension. Moi j'aime bien la scène de la prison et tout ça, donc ça marche vachement avec les gens qui chantent et tout ça. Mais je trouve que la musique elle accompagne vraiment vachement l'action. Alors que dans Dark Knight, il y avait de la musique et tout, mais il y avait beaucoup de silence aussi. Ou tu sais, juste un je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un Larsen, mais tu sais, c'est juste une seule note tendue là. Je suis pas musicien, un de toute ma gueule. C'est l'imitation, c'est pas le manque de vocabulaire qui me dérange, hein, c'est t'as le droit. Hein, ou en tout cas, c'était plus subtil et il y avait plus c'était lourd. Alors que là, c'est vraiment, on peut qualifier ça de bourrin et c'est dur. Post Inception. Point. C'est qu'il est sorti en 2012, qui est aussi l'année pour les super-héros de Avengers. Oui. Je pense que c'est assez. Alors, les historiens du cinéma seraient meilleurs que moi pour le dire, mais je trouve qu'il y a une bascule. C'est vraiment la victoire du fun et de venez, on se marre. Sur, on se prend très au sérieux et on raconte des choses sur la société. Il était sorti l'été, je crois. Enfin, vraiment, t'as vu Avengers avant. Quelques mois avant, en avril. Mais vraiment, t'as vu ça en août. Et on parlait de la musique bourrine dans Zimmer. Le prochain Batman, il a une musique un peu bourrine aussi. No parents. Alors j'ai un peu triché parce que ça c'est la chanson de Batman dans Lego Movie. Mais on va parler du Lego Batman pareil assez vite, même si là pour le coup moi j'adore ce film. Elle est géniale la chanson. Je l'adore. Et j'aime beaucoup ce film, je le trouve bien écrit et c'est pour les enfants, mais je trouve ça rigolo d'aborder cette question là de Batman de cette façon là. Lego Batman, ça kiffe autour de la table Lego Batman ou pas? Ça kiffe de ouf. Ouais. Ça kiffe de ouf. Je l'ai pas revu depuis le ciné par contre. Non, c'est le seul. Mais alors anecdote, j'avais perdu mes lunettes. Voilà. Finalement, fin d'anecdote. Voilà. T'as pas de patte. J'ai vu en 1D. Non, j'ai perdu mes lunettes dans la salle, je les ai retrouvées. En fait, ce que je trouve assez fou dans ce film, c'est qu'ils ont réussi à prendre tous les éléments qu'on connaît de Batman qui sont censés être un peu dark, vraiment ouin, et ils en ont fait des trucs drôles sans s'en moquer. Oui, en disant que c'est un peu un émo. Et deuxième truc, si je dis pas de conneries, le Robin, c'est le Robin de Frank Miller, donc le Robin un peu féminin, aux cheveux roux là. Trop bien de pas avoir repris un. Visuellement, je trouve ça cool. En plus, en Lego, ça fonctionne trop bien. On fait les classements des meilleurs Jokers, on pense jamais au Joker de Lego Batman. De Zach Galifianakis. Ah, il est génial. Il est génial. Oui, qui a une relation bromance avec. C'était à hurler de rire. T'es mon meilleur ennemi et que il dit non, j'ai des ennemis avec qui me battent de temps en temps. Ouais, c'est ça. Qui pleure à moitié au début là. Mais ça m'a brisé le cœur. Ils arrivent à en rigoler sans se moquer, parce que la relation Batman-Joker, c'est un gros truc. Et puis il y a tout un truc où il joue beaucoup avec... c'est quand même un film pour les gens qui aiment bien Batman et qui connaissent. Il y a plein de petits clins d'œil pour tout le monde. Les blagues un peu attendues, mais même quand il imite Val Kilmer et tout, c'est quand même assez kiffant à regarder. Et ils font toutes les blagues surtout. T'as un peu l'impression que c'est vraiment Warner a dit, vous savez quoi, vous avez le droit. Et du coup, ils se permettent vraiment toutes les blagues autour de l'univers. S'ils avaient un Joker. Je crois qu'à un moment, il fait réchauffer un homard au micro-ondes, un truc comme ça, mais je chialais de rire. C'est nul, il est en peignoir. Et il enlève jamais le masque. Il est en baignoire avec le masque. Quand il est dans la baignoire, je sais pas où, on l'a sur la table, en Lego, en palme. Voilà, c'est ça. Ah, puis moi, et surtout, ce qui a permis aussi de commercialiser une chier de Lego Batman. Ils sont tous au-dessus de Ben, là, tu vois, il y a 14 Batmobiles à peu près, l'avion, le bateau, tout. Ah ouais, putain. Et vraiment, ils sont tous super, les Lego. La voiture du Joker violette, là, elle est trop bien. Elle est vraiment. Mais la première scène sur une chanson de rock où il se bat avec tout le monde, elle est vraiment cool aussi. Joe, toi, tu détestes? Pas du tout. Moi, je suis ravi de vous entendre en parler autour de cette table parce que, fun fact, je ne l'ai pas vu. Alors que tu es muni d'enfants. Alors, je suis muni d'enfants, mais je crois encore un poil jeune. C'est assez speed, Lego Batman. C'est un peu speed et tout. Lego en général, mais Lego Batman en plus. C'est speed. Je trouve qu'en plus, Lego Batman s'adresse à des enfants un poil plus vieux, j'ai l'impression, en termes de. Et qui ont pris beaucoup de sucre avant. C'est assez vénère quand même. C'est la même team que Lego The Movie, Miller et tout. Alors, pas vraiment. Non. C'est un peu succursale, un peu, mais genre, je crois que le producteur de l'un est scénariste sur l'autre. Enfin, ça reste un peu la famille. Même. Ils doivent produire Miller et Lord. Ils doivent produire, je pense. En tout cas, ça venait du fait que le personnage de Batman dans Lego Movie avait cartonné doublé par Will Arnett. Ouais. Les gens le kiffaient de ouf, et donc du coup, ils avaient fait Lego Batman. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai kiffé. Et le Batman était super. Non, mais c'est pour ça. Non, mais un jour, je vais le voir. C'est juste que je l'ai loupé. Mais il y a Batman dans Lego The Movie 2 aussi, non ? Oui, il revient. D'accord. Il revient. Ça, j'ai pas vu. Et à chaque film, Sacha Storm en France, c'était le doublage français par genre de foot. C'est un genre de foot qui fait Batman ? Ah, mais non, pas Batman. Qui fait. Genre de foot, c'était pour Spider-Man ? Non, je crois que c'était aussi. Non, il y avait aussi pour Lego Batman. On va là dans à peu près tous les films. Des Flash et tout. Oui, mais bon, dans Spider-Man, c'était anecdotique. Et j'en profite pour dire que Natoo faisait très bien Batgirl. Parce que. Les gens se prenaient des. Je l'ai vu en aussi. VO, donc je ne pourrais pas juger sa performance. Elle faisait une très chouette bad girl. On enchaîne avec. Alors, celui-là, il en a fait couler de l'encre. Oh là là. Ah, le mec met le thème de Wonder Woman. Il est dans le film. Hein. Non, mais je vous le dis, parce que c'est le seul truc là, mais c'est le seul truc que j'ai retenu en musique dans Zimmer. Batman V. Superman. BVS, ça veut dire versus. Oui, voilà. C'est assez malin, mais ça va vite. C'est malin. Allez, c'est tout pour moi, salut. Réalisé par Zack Snyder, qui est donc la suite de Man of Steel, et qui est donc qui est une suite de, qui est un peu vendu comme une suite de Superman dans laquelle Batman s'invite. Oui. Alors. Celui-là, pareil. Alors, tout le monde. On va se faire défoncer sur Twitter parce qu'il y a plein de fans. Et j'en fais partie. Alors, c'est ça qui va être rigolo. Ah, bordel de merde. Mais c'est intéressant. Et. On sera qu'à moitié défoncé. On se serait pas fait défoncer parce que j'ai reçu des messages de gens qui. J'imagine que vous allez les défoncer. Donc, tu vois, il y a quand même un truc où les gens. Savent qu'on aime pas. Savent qu'il est assez désaimé. Qu'on est des cons, ouais, par sûr, les gens. Mais après, moi, je trouve pas que c'est le chef-d'œuvre de l'année, loin de là. Je le défends un peu de certains trucs. Mais je t'invite à commencer. Non, qui l'aime bien autour de la table, je suis seul ou en fait de globalement j'aime bien le moment où il y a Wonder Woman, voilà. Globalement, toi, t'es pas méga fan. Je peux pas le sauver, je dirais pas que c'est un bon film, ouais, mais je pense que c'est en partie parce que je déteste ce Superman, le Superman de Snyder. Ouais, du coup tout ce qui touche à Superman dans ce film, dont Lex Luthor, horrible. J'ai oublié. Mais tu sais que pendant un moment, quand je l'ai maté, je me suis souvenu qu'à un moment, le genre de pisse. Voilà. Exact. Non, mais j'allais dire ça. Tellement après, j'étais là, j'ai fait. Mais il y a un méchant qui lui donne le genre de pisse. Mais c'est qui ? Et j'ai eu du temps. Ouais. C'est Lex Luthor. Et par contre, tout ce qui touche à Batman. Déjà, je trouve que Ben Affleck, avec tous les handicaps médiatiques, les tous les Batman d'avant, pardon, qu'il avait. Il fait un super job. Moi j'aime bien. Jeremy Irons, je trouve ça super. Le costume de Frank Miller, enfin en tout cas de Dark Knight Returns, ça fonctionne. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur le Batman et sur le Bruce Wayne. Ouais. Mais par contre, tout le reste, et même après tout ce qui est scénaristique avec Doomsday et tout, ça c'est atroce. Ouais. Mais Batman en l'occurrence. La scène du désert, elle est stylée. Il y a des trucs cool. Moi, je vais vous dire ce que j'aime bien. Je suis d'accord, le film ne tient pas vraiment la route. Non, c'est ça. Il y a plein de choses où, voilà, moi, je me suis fait un peu chier au cinéma. Et puis en plus, moi, le style de Snyder, c'est un truc un peu qui me touche pas en termes de photographie. Je trouve ça pas très joli. Je trouve ça, voilà, c'est. Même le meurtre des parents, de tout début, t'aimes pas la photo ? Mais parce que ça en fait des caisses. Tu l'as vu un million de fois, le collier de perles au ralenti. Salut, je fais un opéra. Oui, mais là, le collier de perles, c'est l'enclenche du gun qui. Casse le collier de perles. Bah oui, très bien. Il y a beaucoup bien. Trop de perles qui tombent par rapport à ce qu'il y en a dans le collier. Non, un sac de billes de perles. J'en peux plus. J'en peux plus de ces perles là. Tu vois le mec à côté, le technicien qui balance le sac de billes. mais alors, moi, dans ce que j'ai bien aimé, je trouve qu'il y a. Alors, par exemple, Snyder, on peut le critiquer, mais j'aime plutôt bien la façon dont il découpe ses scènes de combat et ses scènes d'action. Les scènes d'action sont trop longues. C'est plus efficace que Nolan, ça. Mais elles sont trop longues. Je trouve que mais ça, c'est un défaut, je trouve, au blockbuster actuel, c'est que même les Fast and Furious que j'adore raccourcissaient les scènes d'action parce que moi, quand je commence à me faire chier dans une course-poursuite ou dans un combat, c'est qu'il y a un truc bon qui va pas. Je suis pas censé m'ennuyer. Quoi. La chorégraphie est bien et c'est bien rythmé. Mais c'est trop long. Ça bien et j'aime. Et arrêtez j'aime. De faire des films de 2h45 déjà. C'est le premier truc. J'adore aussi le Batman de Ben Affleck. dans Batman vs Superman, on aura l'occasion de parler de Justice League. Oula. Et je trouve qu'il y a de très bonnes scènes, même des scènes que je trouve pas à leur place scénaristiquement, je les trouve seules, chambées. Ouais, ouais. Je pense au rêve quand il défonce des espèces de monstres que personne n'a compris sauf ceux qui ont lu tous les comics dans l'histoire. Oh, oh la condescendance. Non, il imite les geeks du MCU. Ça là, va, c'est ceux ça. Du MCU. Non, mais j'aime beaucoup la première scène. En fait, je trouve que c'est une riche idée de mettre que Bruce Wayne est présent dans la baston de fin de Man of Steel. Et d'utiliser ce qu'on reprochait à Man of Steel, c'était qu'il détruit Metropolis. Là, il l'utilise. Ça, c'est l'utilise. Comme c'est intelligent. Ah, c'est là, plutôt. Ils ont écouté les gens. Moi, j'aime bien. En vrai, on rafistole les trous du bateau. Quoi, les trous sont tellement gros que tu mets. C'est des pansements. Quoi. Oui, mais je sais pas. Moi, en tout cas, j'aimais bien. Et surtout, j'aime bien Ben Affleck en Bruce Wayne. Ouais, il faut que c'est-à-dire que je vois le côté. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est ce qui était un peu Ben Affleck à cette époque-là, mais le beau gosse un peu vieillissant. Un peu alcolo qui se bat contre ses démons. C'est pour ça que je parlais de Miller. C'est ça. C'est vrai. Moi, je trouve que ce qui me coupe du film vraiment, c'est il essaie de te faire croire que son univers est beaucoup plus étendu que ce qu'il a prévu. Genre, il y a le costume de Robin qui est tagué par le Joker, on essaie de te faire comprendre que dans le passé. Ça, c'est chose qui est ouf, ça. Ouais, mais et ça fait genre, on te fait croire que l'univers est gigantesque. Alors gigantesque, mais quand t'es sur la baie de Metropolis, tu vois Gotham. Ouais. Gigantesque, mes voisins. Il y a un milliard d'incohérences, ça c'est sûr. On va pas. Alors parmi les cibles faciles, il y a aussi Martha. Bon, Martha, on a fait le point Martha. Mais je suis d'accord. Mais en même temps, je comprends les vannes et je comprends tout ça. Tu vois, Martha, c'est très facile de se foutre de la gueule du truc et je me fous de la gueule du truc, mais. C'est con parce que ça veut juste dire que il se rend compte que Superman est humain à ce moment-là et c'est très important. Mais moi, je pense que tout le monde a compris que l'idée est brillante en fait. Voilà, la symbolique est exécutée. L'exécution est naïve et que je pense que le cinéma de Zack Snyder est profondément naïf dans sa façon de voir le truc. Même si c'est encore une fois, n'oublions pas qu'il y a des scénaristes, des producteurs, tout ça. Voilà. Après, j'ai conscience que c'est un film qui a plein de défauts, qui est un peu chiant. Où il se passe pas grand chose, où la fin n'a aucun sens, où il y a l'arrivée d'absolument tous les méchants de Doomsday. Ils veulent amorcer la Justice League juste après parce que c'est très mal fait aussi. Les fichiers MPEG sur le. Mais c'est ce qui fait que. Mais c'est ce qui fait que. Je pense que. Moi j'oublie des trucs, ça me revient, je suis pas bien. Mais c'est pour ça. Je pense que déjà ça essayait pas de créer un univers. Ouais. Déjà ça aurait été un bien meilleur film de juste essayer de dire c'est Batman et Superman. Lois Lane elle est débile. Alors que j'adore Amy Adams. Mais moi aussi. Question pour toi Adams, ou même pour tout le monde. Vous avez vu la version courte, longue, les deux? J'ai vu la courte. Ok. J'ai vu les deux. Voilà, normal. J'ai vu les deux parce que figurez-vous, autre fun fact, pour la version courte au cinéma, que j'avais la chiasse. J'étais à Londres. La veille, j'avais mangé une glace au Burger King. Jamais les glaces au Burger King. Je devais avoir tourné. On le sait. Résultat, la séance, c'était vraiment atroce parce que je m'étais fait violence pour rester jusqu'à la fin du film alors que vraiment ça piquait. J'avais l'estomac qui se tordait dans tous les sens. Moi, j'ai fait. Je vous raconte l'histoire jusqu'au bout. J'ai fait un malaise dans la rue. J'ai gerbé devant Forbidden Planet. Il y a une bonne vieille femme anglaise qui lui dit Are you okay? En fait, je viens de gerber devant, donc ça ne va pas. Devant ma boutique. Mais je pense que les choses n'arrivent pas par coïncidence comme ça. Je suis sorti de Batman avec la chiasse et j'ai gerbé. Alors, pour le coup, moi, je l'ai vu en 3D et c'était très compliqué en 3D. La version courte, c'était pas beau. Alors, et la version longue, tu vois, même si je défends un peu le film. Je trouve que les gens. Elle est pire. Non, alors je la trouve pas pire. Non, tout le monde dit la version longue, ça sauve vraiment. Non, film. Alors pas du tout. C'est voilà. Je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. La version longue est très longue. Ouais, c'est ça. Putain, c'est ça. Et bah, tu veux surtout... un fun fact vas-y, je t'en prie. Non, je vais dire pardon. Ah non, moi je veux le fun fact. Non, vas-y, on prend le fun fact. Tu pouvais parler aussi. Non, calmez-vous. C'est moins intéressant. Mais du coup, à l'époque, j'habitais sur Paris. J'ai déménagé, moi aussi, dans mon cursus de vie. Je travaillais dans un cinéma. Donc du coup, cette fin de film, le générique de merde là, qui fait. Tintin, je déteste déjà Hans Zimmer. Je l'ai entendu peut-être 40 fois parce que c'est le moment où tu nettoies la salle et que t'attends que tous les pèlerins se barrent et tu leur dis il y a pas de scène post-générique et en fait il reste quand même. Ah oui, bien sûr. Voilà, et c'était mon gros traumatisme déjà que je détestais le film et je me suis tapé là toutes les séances des gens sales qui laissent leur popcorn partout. J'étais très surpris d'ailleurs que la fameuse scène des JPEG là n'était pas la scène post-générique de ce film. J'ai trouvé ça fou de la photo chausse-pied. Bah ça aurait été parfait. Surtout qu'ils sont deux à le faire. Il y a Bruce Wayne qui mate deux fichiers et après Wonder Woman elle mate le reste. Mais les gars, Ouais. Non, mais enfin, faites une soirée. C'est extrêmement étrange. Non, mais après, il y a Gal Gadot en robe. Oui, oui, non, mais moi, j'ai suis. Alors, on fait pas Wonder Woman, mais moi, j'aime beaucoup le film Wonder Woman et Gal Gadot en Wonder Woman. Donc, ça, moi, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai juste pour faire chier Joe, je vais dire cette phrase, mais Kevin Spacey en Lex Luthor, c'est non. Mais aussi Kevin Spacey en Lex Luthor, c'est dans super. Superman Returns, mais Jesse Eisenberg, c'est ça, ouais. Oui, oui. En Lex Luthor, sur le papier, comme dirait Joe, c'est oui, mais au final, c'est non de non. Jamais été oui, mais sur le papier. C'est un bon acteur, c'est un bon acteur. Si, mais sauf que là, quand ils le remettent chaud, tu cringes de partout. Non, mais c'est surtout qu'il fait, il surjoue. J'ai ce trait des mimiques qui fonctionne pas. J'ai pas détesté. Alors c'est comme ça que j'aurais joué Lex Luthor, donc c'est dire non non, c'est moi j'ai pas détesté. C'est dur, c'est dur. Et encore une fois, alors. He's coming, he's coming. Moi, mais je pense que, alors après, encore une fois, je suis pas dans la tête de Zack Snyder, mais. En fait, le truc, c'est que son Superman était déjà un peu une version de Batman. Ouais, alors, il est dark, et son Lex Luthor est une version d'un méchant de Batman un peu fou. De ouf. Machin. Et donc, je pense que du coup, quand tu rajoutes le Batman dans ce truc-là, il y a un peu un truc de dark plus dark égale dark. Et du coup, c'est pas agréable à regarder, puisque normalement, Superman est le gars qui tire Batman vers le haut en disant moi, j'y crois, moi, je vais y arriver. Et l'autre, il fait mais non, la vie, c'est de la merde, arrête de faire ça. Et du coup, je comprends qu'en plus, surtout quand on a lu des comics et qu'on a grandi avec ce versus qui n'a quand même strictement aucun sens sur le papier, il n'offre jamais ce que t'attends, à savoir un good guy qui y croit à fond et un mec ultra dark et qui se fout sur la gueule, puisqu'en fait tout le monde est un peu déprimé, tout le monde trouve que ça se passe mal la vie et que. Et puis la fin est ratée. C'est la même année que Civil War aussi, quand on parlait un peu des combats de films, où on avait Iron Man, Captain America qui se tape, et puis sur l'autre, on avait Batman et Superman qui se Et je pense que j'ai été déçu, parce que autant le Superman, j'ai fait mon deuil en disant ok, c'est clairement pas mon Superman. Et moi, des Man of Steel, hein, j'aime pas du tout Man of Steel, moi. Mais après, le Batman, vu que j'ai bien tout aimé, quand il arrive vers la fin et qu'il zigouille tout le monde avec le bat volant, là, je sais pas, il a pas vraiment de nom, mais voilà, où il sort vraiment des sulfateuses entières et qu'il fait cramer des gars. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est clairement pas dans le pop et dans le et dans le comics, on est vraiment dans le réaliste. Dans le donc sulfateuse. Du coup, ces mecs, pourquoi tu tues des gars? T'es pas obligé en fait. Donc, alors qu'il y a une scène de baston où il fait du catch et tout. Elle est super. Alors la scène de baston, super scène, super scène. Elle est vraiment cool. Vraiment très jolie. Jusqu'à ce qu'il crame le mec. Voilà. Mais sinon la scène qui précède est super. Et là je reconnais que là je me suis dit putain, faites-moi tout un film Batman comme ça là, et je suis heureux, hein, aucun souci. Et bien ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que ensuite ce sera Justice League. J'étais pas loin, mais j'aime bien ce générique de début. Du coup, on a pas parlé du Snyder Cut. Ah non, c'est trop compliqué. Non, c'est un peu relou. Non, je dis ça parce que dernièrement, il a dit que possiblement il y avait le Martian Manhunter dans BVS. Quand je dis ça. Ah, c'était pas dans Justice League. C'est dans Justice League. Snyder Cut, c'est Justice League. Ah pardon, bah alors c'est ça. On peut en parler maintenant. Que Batman vs Superman, c'est la version longue, son cut, quoi, en gros. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Donc tu vois, Justice League. Alors voilà, on parlait de films malades. Ça, c'est là, c'est quand même l'exemple un peu culte. Ah ouais. Et d'ailleurs, maintenant. Lâchez-nous avec ça, parce que d'ailleurs, vraiment, que tu regardes Maladie dans le dictionnaire, il y a une photo de Justice. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai subi un film comme ça. Je crois que on était ensemble. On était avec Daniel Andreev qui était venu en pyjama. Parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir envie de se recoucher. On attend Daniel dort devant tous les films qu'il va voir au ciné. Il est venu en pijou, c'était bien. Un film que j'ai l'impression que tous les gens sont un peu allés voir en disant on va voir l'étendue du massacre, parce qu'en fait, très mauvaise publicité en amont. Alors horrible pour Zack Snyder, mais sa fille s'est suicidée, donc on sait qu'il a pas terminé le film, qu'ils l'ont filé à Josh Whedon de façon un peu à l'arrache. On n'a pas les. J'ai hâte qu'un livre sorte pour raconter tout ça, parce qu'on n'a pas tout. Quand ça fera genre 10 ans, les langues vont se délier. Et que tout le monde assumera le fait que c'est un fiasco total, parce que là, je pense qu'ils sont encore. Vu qu'ils capitalisent encore de la thune sur Gal Gadot et Wonder Woman, je pense qu'ils peuvent pas assumer que c'est une foirade 2000. Mais d'ailleurs, c'était dans mes attentes de Justice League, il y avait Wonder Woman qui était pour moi réussi, à part le méchant et la fin. Ouais. Le perso est réussi, Gal Gadot elle est super. Dans Batman vs Superman. Non, dans Wonder Woman. Après, je me suis dit, ok, cool, Justice League ça peut être cool, moi j'adore Flash et tout ça. La première scène est pas mal. La première scène de Wonder Woman du braquage, elle est bien. Elle est bien dans Justice League. Mais déjà là, bim, ça refilme son cul. Ah bah, déjà tu sens que, oui, là effectivement. Tu te rends compte que c'est plus le même réal, enfin que le réal a changé de genre entre temps. Et pendant le film Wonder Woman. Patty Jenkins, tu fais ah c'est cool, bon son costume est un peu bon, pas ouf, pas trop d'avis, mais elle l'a filmé bien, et là bim, direct les petits plans, et tout, le oui, petit boulis. Alors très jolie, pas de problème. Hein, mais... Très jolie boulie. Mais vraiment, enfin, ça fait tout de suite gros beauf, quoi. Ah, c'est pas la même chose. Non. Mais, non, et aussi, la première scène où Batman tabasse un truand n'a aucun sens en découpage. Bah, en fait, il pend un gars vers les pieds et tu sais pas où t'es vraiment. Ah, c'est... Puis surtout, à la fin, il se bat contre un extraterrestre. Quoi. Et t'es là, alors. Mais c'est surtout que c'est ça. C'est donc dans BVS, il y a l'amorce de Bruce Wayne qui a eu un genre de rêve/slash intuition. Oui, c'est ça. Il va y avoir un gros truc. Et du coup. Et je crois que c'était. Enfin, Thanos faisait déjà partie du MCU à ce moment-là, donc ouais. Ils se sont dit il faut qu'on mette notre gros méchant. Ouais. Donc allons-y, on va se regrouper. On n'a pas vraiment de raison de se regrouper entre super-héros, mais bah, on est des super-héros, les gars. Et on doit en foutre aux chausse-pieds deux que personne trois que personne connaît. Flash, Aquaman et Cyborg. Oui, là, c'est dire, tu vois. C'est ouais, non, mais c'est, alors que c'est un super perso. Avengers avait beaucoup moins ce problème. Ouais, ils avaient pris le temps. Moins de personnages à présenter. Ouais, oui, vous avez mis Black Widow et. Ah non, on avait déjà. C'est la méchante d'Iron Man. Deux, ah mais oui c'est vrai. Ouais, tout c'était n'importe quoi. C'était un peu là, un peu présent. Mais c'est ce que c'est bon. Ouais. C'est ce que je disais, il me semble, dans l'émission sur l'MCU, c'est que une des excuses qu'on peut trouver au DCU, même si ça sauve rien, c'est qu'ils étaient en réponse, ils arrivaient derrière, ouais. Et du coup ils se sont mis la pression. J'imagine après encore une fois, Crafting. Mais du coup tout est au chausse-pied dans ce film. Et moi Flash c'est vraiment un personnage que j'adore et qui est pas si facile à foirer. Enfin tu peux faire plein de trucs trop bien. Ouais. Non c'est dur, c'est difficile quand même. Non mais Le personnage de Flash. Enfin, oui, c'est difficile, mais c'était un personnage Marvel dans un univers DC. Oui, mais justement, tu peux en faire totalement juste le comic relief et un mec qui court vite et qui fait des blagues, ça aurait suffi, tu vois, ça aurait été léger, mais ça aurait suffi. Et là, en fait, ils en font un espèce de mec à Asperger, alors que j'adore. Ezra Miller, il est très bien. Ezra Miller, il est super dans Les Animaux Fantastiques, par exemple. Bah, non, il joue très là, bien. Ça fonctionne enfin, pas. Ça fonctionne. Base, et puis même, c'est pas ce qui m'a le plus saoulé, moi, Flash. Flash qui trébuche quand même. Bah, si, parce que Flash qui essaye de faire les vannes rajoutées par Josh Whedon en catastrophe. Et qui tombe dans les seins de Wonder Woman aussi, ou dans le cul, je sais plus. Il tombe dessus, quoi. Ouais. Je sais plus. Les trucs de. C'est pas. Non, il est pas assis. Il y en a pas un où il y en a un qui est assis sur le lasso de la vérité qui dit. Ah, c'est Aquaman, ouais. Il est très malade. Mais vous dites que des scènes que j'ai pas détestées, moi. Non, mais cette j'ai trouvé cette idée-là gratos, mais pas nul. Mais c'est bizarre dans un univers qui est vendu depuis le début comme un truc méga sérieux. Ouais, c'est ça. C'est pas cohérent dans ce film que des notes trop, quoi. Non, mais effectivement, en vrai, c'est rigolo. Non, mais les chocs. Moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est la façon dont ils traitent des scènes qui sont censées être un peu iconiques et qui sont ratées. Genre, quand il ressuscite Superman et qu'il est méchant. Il y a des blagues partout et c'est une baston en plein jour avec Batman. Alors je sais que tout le monde en a parlé, mais quand même, mine de rien, moi je suis pas du tout en mode oui, mais dans les comics c'est comme si, c'est comme non, ça, non, machin. Non, bien sûr. Moi j'essaye d'être le plus impartial possible. Bah, surtout après, il y a quand même un truc, c'est sa version quoi. Mais il y a quand même un truc objectif qui est Batman est ridicule en plein jour et tous les films l'ont compris depuis le début. Mmh. Et là, quand il tombe sur l'herbe et qu'il fait une blague, ou en plus. Je peux saigner. Oui, que je trouvais pas nulle dans Batman vs Superman, cool. Parce que je trouve qu'elle a un sens de du coup je te prends pas pour un humain, bien tout sûr, ça. Et que là il fait genre bah là moi je saigne, j'ai genre oh là là c'est fou, c'est fou, c'est comme si dans Star Wars déjà il fait dis donc t'es mon papa ou quoi, non je déconne. Non, mais tu vois c'est un truc où tu casses un peu le truc qui était un peu bien et c'est assez terrible. Pardon, juste pour enfin. On parle de tous les trucs qui vont pas dans ce film et tout machin. Est-ce que tu mais moi, non mais moi c'est Batman. Hein, c'est, ah ok. De parler de. Non. Mais c'est le perso raté. Pour moi le perso raté c'est la moustache gommée. Après faites ce que vous voulez. Ouais, c'est sûr. J'allais dire je peux pas prendre au sérieux. Henri Cavill, je peux pas prendre au sérieux un personnage. Ouais mais au moins le film s'ouvre sur une story Insta. Le truc c'est que au moins Snapchat. Au moins ça a donné lieu à des mèmes vraiment rigolos et tout. Alors que franchement il y a rien de drôle avec le Batman de ce film quoi. Et vraiment c'est je préfère le Batman de George Clooney qui est assumé tu vois, alors que là Batman, tu sais ce que tu vas là, voir. Superman qui arrive à la fin et qui fait alors après d'abord t'as voulu me tuer et maintenant je savais bien que tu m'avais pas ressuscité parce que tu m'aimais et là tu vois Batman qui est là bonnet j'ai jamais dit que je t'aime pas, ferme ta gueule, arrêtez quoi. J'étais vraiment saoulé dans le ciné, genre j'avais envie de me liquéfier, c'était pire que quand j'avais la chiasse dans BVS. La vieille était dans la salle, dans la vieille anglaise, elle fait vous êtes en train de rechier. Vous êtes en train de rechier, c'est fou. Horrible, horrible. Non, mais c'est vrai que c'est un peu une succession de décisions un peu ratées. Est-ce qu'on peut dire que le film est dégueulasse? Enfin, visuellement, déjà, c'est pas la même photographie. T'as l'impression. Tu peux visualiser littéralement les plans de Snyder et les plans de Josh Whedon qui sont rajoutés à la truelle. Oui, alors pour dans la même scène. Josh Whedon est nommé scénariste, alors c'est pas vraiment vrai, il y avait d'autres scénaristes, et en fait, à plus. fini de réaliser le film qu'autre chose, parce qu'il travaillait chez DC à l'époque, je crois, sur Batwoman ou je sais ouais, plus sur Batwoman, Batgirl, excusez-moi, et donc du coup il l'avait sous la main et il est venu un peu sauver le truc parce que voilà, enfin vraiment c'est la caricature de, tu vois que les plans de Snyder sont gris et que les plans de Whedon sont colorés mais dans la même scène, mais c'est fou que des exécutifs de studio n'aient rien dit, enfin c'est parce là pour le coup tu vois ça se règle en post-prod comme on dit. Non mais tu vois, tu disais tout à l'heure quand on suppute des trucs et machin, là c'est vrai que je ne comprends pas comment en interne il n'y a pas eu quelqu'un qui dit, mais il y a un vrai problème les gars, qu'est-ce qui se passe, c'est le plus gros film de l'année pour Warner, enfin avec des tels enjeux financiers, enfin c'est assez étrange. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'il y ait un plan au début du film, donc sur la chanson que je viens de passer où il y a juste un clodo qui met I tried, donc qui est vraiment les gens ont pris ça comme vraiment un aveu parce que ça veut rien dire dans la scène, I tried, tu vois, donc c'est forcément un message bizarre, enfin tout le monde est perdu. Il y a cette expression anglo-saxonne pour qualifier une catastrophe artistique qui est train wreck. Et là, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu disais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un exécutif. Parce qu'en fait, un train, une fois qu'il déraille, il a commencé à dérailler. T'as beau faire ce que tu veux, il va forcément finir dans le fossé. Pour Snyder, c'est le Snyder Cut, ça remet le train sur les rails. Enfin, c'est ce qu'il imagine. Ouais, moi, je trouve ça un peu triste. Arrête, mais stop, laissez. Au bout d'un moment, t'es là, genre, mec, il y a plein de gens derrière lui. Pas plein de fans, je veux dire. Alors, attention, moi, j'ai envie de le voir. Mais de ouf. Mais est-ce que c'est pas de la curiosité morbide un peu? Bah, non, tu penses vraiment que ça peut gommer les trucs? Ah non, rien. Moi, c'est vraiment pour moi raté. Oui, mais toi, tu veux le voir en tant que mec qui est intéressé par le cinéma. Oui, pour le décortiquer. D'accord, c'est passionnant. Parce que je suis sûr que. Parce que même les gens étaient en mode. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une énorme réévaluation de Batman vs Superman à la sortie de Justice League. Oui, bah oui. Mais par la négative, du coup. Oui, mais faut arrêter. Parce que Zack Snyder, c'est sympa ce qu'il fait. Mais ça n'a jamais été Clint Eastwood ou Steven Spielberg. C'est-à-dire son cinéma est quand même. Empâté, il y a des énormes. Enfin, je trouve, à titre personnel. C'est un peu pachydermique. Et que des fois, il y a des fautes de goût. Sucker Punch, c'est élégant. Non, mais tu vois, voilà, typiquement. Je trouve qu'il y a des trucs de ton où les gens disent oui, c'est sûrement des vannes de Whedon. Bah, je suis pas d'accord. Non, des blagues qui seraient très claires aussi dans Sucker Punch. Bien et qui seraient du niveau du genre de pisse dans. Enfin, tu vois. Whedon, il s'est pris le saut à merde. Il s'est pris tout alors que. Parce que l'autre, forcément, était dans un drame. Finalement, c'est qu'un trépied, tu vois. C'est qu'un trépied de Avengers. Même dans le choix des héros, enfin, Cyborg, il est extrêmement inintéressant. Flash, t'as envie de voir un film de lui avant de le voir comme. D'ailleurs, je crois que c'est mort. Ça devait, mais c'est mort là. Ça a été 16 fois repoussé. La dernière nouvelle, c'était le réalisateur de ça, chapitre 1. Ah, c'est toujours en cours là. Bah, ils ont le faire. Et Ezra Miller qui dit qu'il est scénariste maintenant. Sinon, toute la fin est horrible. Je m'en souviens même pas. Mais le film est moche. Il y a plein de cubes. Il y a plein de cubes dans des univers. C'est ça, je me souviens. Déjà, les cubes, n'en parlons pas. C'est les Mother Box. Du coup, oui, ça, du coup, tu vois le New Gods. Tu vois le monde d'Aquaman, le monde de Wonder Woman. Ah oui, alors quand on retourne sur Themyscira, où les Amazones, elles sont devenues nul à yèche entre temps, là, ça te ruine. Ouais, non, mais en plus, ça te re-ruine Wonder Woman, tu vois, c'est ça, ça pourrit même pas le film, ça pourrit les films d'à côté, quoi. Et non, mais vraiment, l'espèce de bouillie de pixels rouge de la fin, là, où ils sont à Tchernobyl. Avec une seule famille à sauver, il y a qu'une maison avec une famille. Il justifie quand même que maintenant ils sauvent des gens parce qu'ils ont Marvel sauvé aussi, Marvel, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup des finales dans une ville où on connaît pas. Oui, mais en fait, je sais pas pourquoi, Marvel, ils arrivent à te faire passer la pilule. Alors que là, ça passe pas parce qu'ils se prennent pas au sérieux. Et parce que au moins, les personnages sont sympathiques. T'as quand même Flash qui arrive pas à rattraper une vieille Jeep de merde, quoi. Flash qui galère à rattraper une Jeep. Désolé. Je viens de me rappeler qu'il y a une vieille chamaillerie entre Cyborg et Aquaman pendant les trois quarts du film, et à la fin il le porte et il fait My Man. C'est un de mes gifs préférés. C'était drôle, My Man. On va avancer, les amis, parce que ça fait longtemps qu'on parle. J'en profite juste pour vous conseiller Justice League, le dessin animé, qui est vraiment très bien. Parce que moi, pour moi aussi, une des erreurs de Justice League, c'est de pas s'intéresser aux héros vraiment, parce que Flash aurait dû avoir son film Cyborg est pas très intéressant, même moi je trouve en comics c'est pas un perso qui me fascine, et on est dans le monde du cinéma où il y a déjà eu Robocop, où il y a déjà eu des films super sur Dans Teen Titans, c'est super, ouais, mais je trouve qu'au cinéma c'est pas la façon dont il y a un côté cool dans le perso quand même, alors que dans le dessin animé il y avait des personnages comme, alors tu parlais de l'extraterrestre John Jones. Ouais, c'est Martian Manhunter, Martian Manhunter et Hawk Girl. Moi j'aurais trouvé ça chambé de foutre Hawk Girl dans cet univers, et ils sont pas partis là-dessus. Pour qu'on finisse un peu proprement, on va aller extrêmement vite, très très vite, parce que j'aimerais qu'on passe, enfin qu'on ait le temps quand même d'aborder vite fait Joker sur ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Voilà, donc c'est Suicide Squad. Non, mais sans faire de punchline ou quoi. Bon, on peut parler juste de la scène de Batman qui dure deux secondes. On le voit mais pas après. Mais que ouais. Moi j'aime bien. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais, mais je veux dire, Batman n'est pas plus que ça. J'ai vu la version longue, là je peux le dire. Ah ouais, voilà. Une version longue. De Suicide Squad, oui, bien sûr. Et alors, ça sauve des trucs. Tu vois plus de Joker, donc tout dépend de ton appréciation de Jared Leto. Voilà. Non, mais toi par exemple, t'as kiffé ou pas? Ah non, mais c'était vraiment l'une de mes pires séances de cinéma. Suicide Squad. Il n'y avait même pas de date. J'avais envie de partir. Il n'y avait même pas de date. J'étais en bonne compagnie avec des amis et voilà. Donc. Margot Robbie en short, c'est oui, mais le reste, c'est non. Ah, voilà. Margot Robbie qui a l'air de s'amuser. Enfin, c'est la seule qui a l'air de se marrer à faire le kiffer. Truc, quoi. Enfin, et du coup, je prends l'avance. Birds of Prey, vu comment Margot Robbie a remis la main dessus et vu comment ça donne plus l'impression que ce soit... Alors, on verra, ça se trouve, le film sera de la merde. Hein. Ouais. Mais très, on a un peu peur. Plus l'impression que ce soit Harley Quinn qui kiffe sa vie sans Joker. Bah, le sous-titre du film, c'est quelque chose d'Harley Quinn. Voilà, Emancipation of Harley Quinn. C'est ça. Fantasio de Bullicius Harley Quinn. Quelque chose. Emancipation. Du coup, ça me va. Donc c'est vraiment le seul truc à sauver sous cette quad. Oui, il y a Margot Robbie. C'est Margot Robbie qui kiffe, mais Will Smith, c'est non. Ah bah non, non mais rien n'est oui. Sur le papier, Jared Leto, moi j'étais chaud. Ouais. Physiquement et tout ça, ça peut marcher. Les photos faisaient un peu peur déjà le côté. Moi j'aimais bien. Ah, le damaged. Ouais. Moi, c'est les trucs forcés qui sont. Mais moi à la limite j'étais. Je n'accrochais pas, mais je trouvais ça assez chouette de proposer complètement un truc différent. Un espèce de Joker bling bling gangster, un peu. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ça pourquoi pas. Mais oui, et puis c'était. Oui, et puis le personnage est pas très intéressant. Tous les personnages sont pas très intéressants. Mais ça longe mieux le film est extrêmement mal monté. Ce qui m'exaspère, c'est les défenseurs du Joker de Leto qui disent ouais, mais on le voit presque pas dans le film et tout. C'est pas une défense. Mais en fait, on le voit pas. On voit pas beaucoup plus Heath Ledger dans The Dark Knight en fait. Il est pas beaucoup plus présent en termes de minutes cumulées de film. Ouais. C'est juste que en fait sa prestation est bien plus solide. Non, et le personnage, je pense aussi, est mieux écrit. Le personnage est mieux écrit, tu vois. C'est un gros problème d'écriture, Suicide Squad. Ah bah, oui. Et je pense même de réécriture, parce que c'est un film qui est pareil. Tu parlais de film malade, ça se sent, il est mal monté. J'ai quand même listé toutes les chansons. Qui est dans le film, il y a un vrai problème. C'est une playlist. C'est un peu une playlist Spotify de Nouvel An. T'as Seven Nation Army, Super Freak, Bohemian Rhapsody, Without Me d'Eminem, Fortunate Son, Sympathy for the Devil, House of the Rising Sun pour une scène de prison, évidemment. Et ce truc-là, je trouve que c'est symptomatique d'un film où ils disent. Deux trucs. La BO, ça faisait juste post Les Gardiens de la Galaxie. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est clairement ça. Oui, mais même pas, parce que là, c'est vraiment des chansons extrêmement connues. Oui, je pense que c'était pour forcer. Il y a même à un moment, si je dis pas de conneries, sur les réseaux sociaux, il y avait le film va être remanié parce qu'il est pas assez marrant. Donc là, tu remonté par les gars de la bande annonce, j'avais lu. Je sais pas si c'est une rumeur. Oui, parce qu'il y a les mecs, en fait, quand la bande annonce est arrivée, la bande annonce avec Bohemian Rhapsody, tout le monde a fait genre, waouh, en fait, ça va être super. Et les studios ont fait, alors vous, là, qui avez fait la bande annonce, en fait, vous allez nous remonter le film parce que. Je savais pas si c'était vrai. Et donc ça, le fait de c'est pas assez marrant, on refait et la BO un peu forcée. Pour moi, c'est très Guardian, c'est très. C'est con. Mais Guardian, c'était des chansons moins connues mine de rien. De toute façon, s'intégrer harmonieusement au film et à l'action. Là, il y a zéro harmonie. Il avait une cassette qui lui rappelait sa mère. C'est Carlos. L'habillage des textes, c'est rien du tout dans le film. Mais j'ai trouvé ça sympa. Non, mais le côté marketing néon et tout. J'ai trouvé que le pour moi, ça sauve le film. Hein, C'était le côté néon aurait pu passer. Mais en fait, du coup, ça fait juste bizarre parce que t'as un marketing tout. Enfin, tout était très coloré, très joyeux et tout. Et tu vois le film qui n'a pas ça. Effectivement, on te rajoute juste. Enfin, c'est le mec sur After Effects à la fin, quand le film était fini, qui a rajouté des néons, quand ça met Harley Quinn et il y a des petits crânes avec des cœurs et des couettes. Moi, j'aime bien. Et, oui. Bah oui, mais du coup, t'as l'impression que c'est un mec qui a rajouté ça à la fin, ça n'a aucun rapport avec le film, tu vois. Donc, c'est pas cohérent. Et pour l'anecdote, le rôle qui n'est pas le rôle principal de. Je sais plus, qui est joué par Joel Kinnaman, là. Jay Courtney? Ouais, non, ça c'est Boomerang. Joel Kinnaman. Kinnaman, c'est qui Kinnaman? Jay Courtney. Acteur lamentable que j'ai trouvé bien Suicide Squad. Comme Margot Robbie, il est là genre je suis là, bon bah je vais faire le con, tu vois. Ouais. Et il a l'air de s'amuser. Non mais bon, tout ça pour dire que on a proposé ce rôle à Tom Hardy qui il a dit non. Bon après c'était pour faire Venom, mais bon voilà. Mais en gros, ça a peut-être été pas toujours donné creux Tom Hardy. Donc on avance sur le dernier film et après on parlera vite fait de nos attentes pour les prochains trucs qui vient de sortir au cinéma. Le Joker, alors juste Joker d'ailleurs. Joker. Je me suis fait une petite réflexion, c'est qu'on dit Joker, mais on dit Punisher, alors qu'on devrait dire Punisher du coup. Oui, et on dit The d'ailleurs Punisher. Voilà, on dit Joker. Joker. Alors moi je décide de dire Punisher maintenant. Parce qu'on dit The Joker aussi au jeu de cartes pour ça. Exactement. Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Donc voilà, c'est le moment où vous pouvez partir. On s'est bien tenu, hein. On n'a rien spoilé. Non. Ouais. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter ce podcast et merci de nous avoir écoutés. C'est bien gentil. Pendant ces 2h53. mais ça va, on a fait pire. On a fait 3h30 hein, sur le MCU. Oui, enfin, il y avait 26 films. Hein. Ouais, voilà. Autour de la table, très attends, vite. Attends, on n'a pas fait Joker encore. Bon, je vais essayer de vous speeder un petit peu sans vouloir. Oui. Est-ce que juste. Tout le monde a plutôt bien aimé ou pas? Oui. En quelques mots juste, sans spoiler. C'était ouf. Quand je suis ressorti du cinéma, j'ai l'impression de m'être pris un coup de poing dans le bide. Voilà. D'accord, Joe. J'ai trouvé que c'était un grand film avec quelques réserves. Voilà. Tout ce qui est artistique pour moi, c'est taré. La photo, la réal, l'interprétation, la musique. C'est le message derrière, s'il y en a un, volontaire. Qui non. est très compliqué. Non. À... ça c'est ton avis, bon, mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué. C'est parce que certains vont dire et d'autres vont dire oui. Du coup, c'est compliqué à digérer en termes de message, je pense. Voilà. Et quant à moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un très beau film. Et comme souvent, hein, c'est un truc que je vous invite à faire. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus heureux dans ma vie depuis que je le fais. Ne croyez ni la hate ni la hype. Allez-y et voilà, faites-vous votre avis. Tout à fait. Ouais. Et ouais, essayez d'aller au cinéma assez vite pour pas écouter trop cas, les avis. Après là, c'est dur de pas te faire prendre par la, de bien faire sûr. Influencer par la hype parce que oui, mais en ce moment il y a la hate, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu toutes les avant-premières parce qu'il y a eu en plus des avant-premières avec des influenceurs et puis il y a eu le Lyon d'or, Venise. Il y a aussi tout le monde sait beaucoup et alors je vais spoiler alerte. Je trouve que c'est trop aussi. Mais surtout, il y a énormément de gens qu'on en parlait alors qu'ils l'avaient pas vu. Dans les deux teams, tu vois. Il y a eu beaucoup de choses. Perso, je fais partie de la team qui n'attendait rien du film. Je voulais. Enfin, j'étais pas du tout intéressé. Moi, j'étais prêt à être déçu, tu vois. Voilà. Donc, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit pourquoi ? J'ai pas envie de voir ça. J'adore Joaquin Phoenix, mais là, en Joker, c'est pas le truc qui m'a fait. J'allais être vulgaire. Qui m'a fait. Qui m'a vendu du rêve. Voilà, qui m'a fait bander, comme aurait dit Joe. Bah, tu peux. Ouais, il y a eu le premier trailer où il y a eu une première vague sur Twitter de. Ah, c'est génial et tout. J'ai vu ça, je peux. Non, je sais pas. Et au final, j'ai vraiment. Je suis allé voir le film. Quand j'ai entendu pour le Lion d'Or, je me suis dit, ah ouais. C'était un peu trop. J'ai l'impression que est-ce que tout le monde s'est pas un peu saucé dans son coin pour rien, et j'ai vu le film et j'ai dit ok, je comprends. Donc, voilà. Donc en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Faites-vous votre merci. Propre avis. Ah oui, d'accord, c'était hyper rapide, d'accord. Non, ciao. Non, c'est non. Pour ceux qui là on va spoiler. Ah d'accord. Ah oui, bah non, quand même. Non, c'est bon. Ah oui, on a vraiment expédié. Donc on peut y aller. Nous entrons dans la zone spoiler. Oh là là. Avec Robert De Niro se prend une balle dans la tête. Voilà, c'est dit. C'est vrai. En fait, j'ai prévenu. À un moment. Ouais, le mec, il avait pas le gars, il a à peine dit chercher son iPhone dans sa poche, le gars. Il a Robert De Niro. Bravo. Donc, alors, les réserves, je propose que Joe commence. Vas-y, sur les réserves par rapport au film. Alors, ce ne sont pas mes réserves à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai adhéré au délire et surtout. En tant que spectateur, j'ai senti à aucun moment, et c'est ce que j'ai apprécié moi, que le réalisateur ne forçait mon empathie envers le personnage. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ont eu de l'empathie et qui à un moment se sont retrouvés du côté du Joker, on va dire. Ouais. À mon sens, c'est une erreur, mais chacun voit le film de sa manière. Bien sûr. C'est une erreur. Tu comprends pourquoi ça peut arriver aussi. Tu comprends comment tu peux t'attacher à ce perso. Oui, je comprends comment on peut s'y attacher. Moi, je m'y suis jamais attaché. En fait, je l'ai trouvé creepy de A à Z. Ouais. Et c'est ce qui m'a plu. Dans ce film, mais comme je trouve en fait la comparaison a été faite et refaite mille fois et tout, mais moi en fait Travis Bickle dans Taxi Driver, je le trouve creepy du début à la fin aussi, c'est-à-dire il n'y a aucun moment où il y a une rédemption pour moi, et donc pour moi le personnage d'Arthur Fleck dans Joker c'est le même truc, c'est-à-dire que du début à la fin je le trouve flippant. Et c'est ce qui fait que pour moi en fait ce film ne donne pas d'excuses valables à sa violence en fait, et ça m'a plu que ce soit ça parce que j'avais peur que ce soit exactement l'inverse. ma seule réserve, et c'est une réserve c'est une légère réserve de fan de comics pur et dur, c'est que je trouve que le film se tiendrait sans problème sans être un film sur le Joker, ça raccroche un peu les wagons à la mythologie Gotham. Pas ce qu'il y a de plus réussi, je trouve. Non, voilà, c'est ça, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Et en plus, quand tu mets. Alors, normalement, tu vas voir un film sans avoir les informations de ça, mais quand tu sais ce que Todd Phillips dit du comics, t'as vraiment l'impression qu'il balance ça. Alors, oui, bon, alors on a pris le comics, on a regardé un peu, on s'en est inspiré, puis on a fait notre truc. Et alors, bon, bah, si t'as pas envie de faire un film sur le Joker, fais ça, mais sans Joker, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu. Cela dit, voilà, j'ai trouvé l'interprétation de Joaquin Phoenix estomacante. J'ai trouvé que c'était plutôt... oui, ça, je pense que c'est difficile. Assez, ouais, c'est difficile de critiquer ça. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt très élégant dans la mise en scène. Il y a quelques scènes qui m'ont vraiment un peu scotché. Pas que des scènes de violence, même s'il y a des scènes de voilà, où la violence explose et où t'es un peu genre... mais la scène de poursuite à pied dans la rue, qui se poursuit dans le métro et tout, je trouvais ça assez brillant. Voilà, il y a... Je trouve qu'en soi, le film se tient, il est très cohérent, et moi, ça m'a pris au trip. Et c'est beau, moi, je trouvais que c'était un très beau film. C'était beau. C'est super beau. Voilà, et une fois de plus, voilà, moi, j'étais très... j'avais des conflits intérieurs en sortant de la projection, et petit à petit, le film a un peu mûri en moi, et je me suis rendu compte que le personnage me débectait, et que je pense que c'était comme ça que j'avais envie de percevoir ce film. Et donc, c'est pour moi, c'est réussi. Le pari est réussi, quoi. Alors Ben, toi, tu parlais du justement. Alors, ce qu'il faut aussi dire aux auditeurs, Ben, c'est que toi, t'en sors quasiment. C'est que j'ai vu ce matin avec voilà, donc, notre ami Pierre Lapin que j'embrasse, qui a adoré. Non, mais justement, enfin, c'est plus non, compliqué plus, que ça. Non, mais en plus, parce que notre running gag, Pierre, c'est dire qu'il n'a aucun cœur, parce que son cœur est noir et gorgé d'encre. Mais non, mais là où il met de l'eau à mon moulin, c'est que je pense que le film est dur à digérer. Xavier. Tu peux... Oui. Oh. Bah oui, tu peux pas le digérer d'un coup quand tu sors de la salle. Bon, c'est un peu vrai pour n'importe quel film, mais sauf peut-être Fast and Furious. Mais ce que je veux dire, c'est que tu parles meilleur de Fast and Furious. C'est qu'en fait, plus tard dans l'après-midi, on s'est renvoyé des messages et mon avis, son avis avait changé. Enfin, tu peux pas. Le film mûrit. Oui, voilà. Donc ça, je trouve que c'est un point fort. Et parce que c'est comme tu disais, c'est un peu un coup de poing dans la gueule. Donc exactement. Il faut le temps, genre, attends, puis, pourquoi je me le commande. Quoi me qu'il le arrive, pris. Depuis tout à l'heure, on parle des haters et des gens qui ont la hype. Je pense que n'importe qui, tu peux pas sortir indemne de ce film, quelle que soit ta team et même si tu changes de team ou quoi. Moi j'avais, quand ils ont dit, il y en film, a qui disent que oui, hein, il y en a qui disent qu'ils y arrivent, hein, mine de rien. Qui dire à quoi de sortir complètement, enfin de voir, ah ouais, de voir un paquet vide, de dire ouais, en fait, ah ouais, j'ai lu une middle, review quoi, qui disait que c'était ouais, une coquille vide. Ouais, okay. Ça se vend comme un truc arty, mais sauf qu'en fait ça a tous les trucs d'un film hollywoodien. Ouais, mais alors du coup c'est quand même une réaction de trouver que c'est coquille vide, mais c'est vrai que c'est le truc de toute chose, ça je voulais dire. Après, enfin, je trouve que c'est vraiment hyper convenu de dire ça, mais c'est vraiment un film où chacun va ressortir différemment, tu prends ce que tu veux dans ce film et c'est vraiment viscéral, et en ça je trouve que c'est très fort. Moi j'avais des petites appréhensions quand ils ont fait quand ils ont annoncé un film Joker, j'ai dit, enfin un peu comme Joe, j'étais là, ok, ça peut être tout à fait raté comme très bien, ça dépend de l'acteur. Joaquin Phoenix, moi je le trouve super et j'étais hypé par ça. Et j'étais le premier à dire, ils font un film Joker pour le marketing parce que tu pourrais très bien l'appeler Maniac ou Crazy, ça fonctionne aussi. Ouais. Ce que je me suis dit en voyant le film, c'est que je pense que ça aurait été moins fort si ça avait été un no-name, pas bien par rapport sûr, à un truc. Bah oui, pas, juste pour le simple truc, pas forcément la licence ou quoi, c'est juste qu'on sait qu'il va craquer à un moment. Ouais. Et dans l'inconscient collectif, on connaît le Joker, donc oui, on attend que. Voilà. Bien sûr. C'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est ça qui fait la force du truc. Après, il y a d'autres trucs commerciaux et tout ça. Et puis, je pense que Todd Phillips, comme tu disais, Joe, je suis pas sûr que ce soit un grand fan de Batman. Mm. Et que lui, il s'est juste dit, trop bien, j'ai un. Un maniaque connu. Et... Ouais, c'est ça, j'ai un endroit où je peux avoir de la thune. J'ai de la thune de ouf pour faire un film sur un malade mental parce que Warner m'aime bien parce que j'ai fait les Very Bad Trip et que ils savent pas quoi foutre de leur licence. Donc, du coup, j'ai une brèche dans laquelle me foutre. Et je pense que là, il a joué un coup de poker génial. Bah, de toute façon, ce film a tout depuis les débuts de sa gestation, a tout d'un coup de poker. Ouais. Oh, alors, joli. Non, mais, joli. Oh, Joker, poker. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est, déjà, il y avait ce truc improbable de genre Scorsese produit un film sur le Joker. C'est alors quoi J'ai pas vu son nom générique, moi, Scorsese. J'ai entendu parler de ce truc, mais je sais pas. En tout cas, il était attaché au début et qu'après. Il était attaché au début, et puis de toute façon, il y a toute une grosse partie de l'équipe technique qui sont des fidèles de Scorsese derrière. Le film cite ouvertement, non seulement Taxi Driver, mais aussi La Valse des Pantins. Ouais, je n'en ai pas les premiers à le dire, mais c'est vrai. Non, non, non. Et Stand Upper. Enfin, oui. En fait, oui, non, c'est ça, c'est La Valse des Pantins. C'est King of Comedy. Ah, ok, pardon. Je connaissais pas le, pardon. C'est un fan d'un humoriste. D'accord. Et l'humoriste le prend de haut et du coup, ah, oui, il le oui, sait. Oui, bah, c'est clairement ça. Ah, ouais, bah, mais alors, je pense que De Niro, il le prend aussi pour assumer cette référence. Juste pour en termes d'avis, je pense que le film peut complètement. Enfin, la meilleure façon de vivre ce film, c'est vraiment de le vivre, pour moi en tout cas, c'est le vivre artistiquement, c'est-à-dire de prendre des coups de poing prend dans la gueule visuellement, de la réelle, de la photo, évidemment de l'interprétation de Joaquin Phoenix, notamment parce qu'il y a d'autres acteurs, mais surtout lui. La musique que j'ai trouvée. Il est quand même de chaque plan. C'est sûr que si vous aimez pas Joaquin Phoenix, c'est chaud. N'y allez pas, parce qu'il porte le film. Maintenant, il y a des trucs qui m'ont. Sans même parler du message, parce que ça, c'est un gros morceau et c'est compliqué, c'est vraiment subjectif, mais il y a quelques trucs qui m'ont un peu fait chier, notamment le raccrochage de wagon au Wayne et à Gotham, qui au final. C'était pas obligé, je parle même pas du fait que il croit que c'est son père et tout, qui peut être intéressant, mais en fait non, enfin c'est ça a pas sa place du et fait que c'est Wayne. De toute façon, le mec qui joue Thomas Wayne, ça ne va qui pas qui a joué dans Dark Knight Rises, qui joue un sénateur ou je sais pas quoi, exactement. Qui devait être Alec Baldwin. Ah, ça c'est ça aurait été super. Mais ça se voit. Enfin, je trouve qu'il a la carrure et tout. Et l'autre truc qui m'a un peu embêté, mais ça c'est vraiment après avoir réfléchi au film, donc après la séance, c'est il a un handicap super fort pour créer le personnage et les bases du personnage, que son handicap ce soit un rire. Pour moi, peut-être que ça existe dans la vraie vie ce genre de handicap. Très chouette idée. Mais en fait, c'est bizarre d'utiliser ça parce qu'au final, moi, ce que j'aurais aimé, le Joker que j'aurais voulu, c'est au moment où le gars pète un câble en crescendo et tout, c'est que son rire, ça signifie qu'il a lâché prise. Et là, du coup, vu qu'ils en mettent un dès le début qui n'est pas le même, parce qu'on se remarque, c'est vraiment deux rires différents. Il change de démarche, il change de rire, ça, c'est trop bien. Mais du coup. Pour moi, ça s'en mêle les pinceaux et il n'y a pas de vraie raison. S'il avait eu n'importe quel handicap, tu vois, on en parlait avec Pierre, il disait la tourette, ça aurait fonctionné, tu vois, par exemple, tu vois, un handicap vraiment socialement horrible, enfin, gênant. Je sais pas, il y a des trucs comme ça qui je suis pas, d'accord parce que je trouve que justement les scènes où il arrive pas à se retenir de rire, elles sont hyper malaisantes. C'est hyper malaisant, mais ça aurait pu marcher avec un autre handicap, alors que là, c'est juste pour sortir. J'ai eu l'impression, moi, que c'était juste pour que les autres sortent. Tu trouves ça marrant? Et que ça fasse trait de Joker, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la scène dans le bus qui me met plus mal à l'aise Avec le gamin. Avec la gamin, tu vois. Mais ça aurait pu être un autre handicap, ça aurait marché quand même. Tu vois, moi, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que je trouve que l'handicap est super. C'est le fait d'en avoir fait un fan de stand-up frustré, et c'est un des trucs que c'est le défaut que je trouve au film, c'est que il a des problèmes, mais il a vraiment beaucoup de problèmes. Et à un moment, je trouve que ça sort un petit peu. Moi, je trouve que le handicap c'est super, le fait qu'il perde son taf c'est super, ça fait beaucoup de casseroles, le truc qui se fait agresser dans la rue c'est super. Mais tout ça c'est super. Quand ça commence à partir en fait. Ta mère t'a menti parce qu'en fait t'es adopté, mais en plus je te fais croire que Wayne c'est toi, mais c'est pas ton père et quelque part ton beau-père te battait et là je commence à faire ça fait beaucoup de trucs c'est beaucoup et ça surtout c'est pour dire il est méchant tu vois pour moi le truc de l'adoption c'était aussi pour brouiller les pistes pour dire en fait les gars le Joker on sait pas qui c'est et c'est hyper flippant alors il s'appelle pas vraiment Fleck on s'en fout tu vois et en fait il y a des trucs comme ça c'est pas forcément forcé mais je l'ai senti un peu genre on te donne une excuse et le stand-up et pareil le truc où je dis ok parce que humour parce que machin mais en fait c'est peut-être trop terre à terre ce que je dis mais de voir un truc de rire sans réussir à le garder est-ce que vraiment t'es fan de comédie quand derrière et que ça, son humour en fait c'est un truc très noir où c'est juste sur la mort et c'est jamais drôle mais surtout son carnet il est marrant quand même sa mère elle arrête pas de dire qu'il était joyeux et tout c'est très bizarre genre il rigole tout le temps c'est un peu et sauf qu'en fait non c'est une maladie donc en fait il rigole tout le temps mais c'est une maladie moi c'est ces trucs là qui me parce que sa mère elle-même est malade oui c'est sûr mais qu'elle l'entraîne dans entretienne son délire ça me choque pas mais tout ça est un truc comme tu disais a posteriori que j'ai réfléchi parce que quand j'étais dans le film tu l'as vécu il y a quand même un truc qui est indéniable, qui est je suis dedans, et en fait, mine de rien, alors toi, tu dis que t'avais aucune empathie pour le perso, moi en vrai, j'en avais. Mais ça veut pas dire qu'à la fin du film, je me suis dit, en fait, c'est vrai, les mecs qui tuent des gens, ils ont des raisons, des fois, ils ont des vies de merde. Et je me suis même dit, est-ce que dans le film, on n'a pas fait trop exprès pour dire, ok, ce mec-là, il avait vraiment des raisons de devenir fou, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en vrai de vrai, quelqu'un qui pète un câble et qui fout la merde, il te sort toujours des excuses de bien dire je fais ça pour telle raison, mais je te fais ça pour telle raison. Et encore, parce qu'il y a une comparaison qu'on fait moins, mais moi j'y ai beaucoup pensé quand j'ai vu le film, le fait d'avoir ce sentiment paradoxal, d'avoir zéro empathie pour le personnage principal qui est a priori une enflure, avec des excuses que tu veux, mais quand même d'avoir une fascination pour lui, moi ça m'a fait penser à l'état dans lequel je me sens quand je regarde Orange Mécanique, tu vois. Oui, bien sûr. Où t'es là, genre, le personnage principal c'est vraiment la pire des merdes, mais en fait il est quand même fascinant, il est quand même stylé, et t'es quand même là, genre putain, en fait. Mais dans Orange Mécanique, il montrait pas des excuses à ce qu'il est méchant, c'était un petit bourgeois. Non, mais dans les deux cas, c'est entre très grosses guillemets la faute société, de la société. Ouais. Oui. Dans les deux cas, c'est la société. Moi j'aime bien le côté, en fait, c'est l'arme de la société, le produit de la société. Et ce que en ce moment, ouais, mais le truc c'est que moi je trouve que finalement il y a plus de rapport avec Orange Mécanique qu'avec Fight Club, et surtout dans Orange Mécanique, c'est Kubrick, donc tout le monde dit c'est brillant, c'est intelligent, et là dans le Joker, c'est Todd Phillips. et donc tout le monde dit ouais mais en fait c'est bah du front et tout, bah ouais mais en fait c'est quoi la bah parce que si Todd Phillips s'il avait un peu plus bien sûr oui il y a les réseaux sociaux, c'est ça le truc, c'est que si Todd Phillips pendant un promo il avait un peu moins ramené, mais c'est là qu'il était un peu con, il aurait rien dit. Ouais. Voilà, je juge Todd Phillips. Non, mais t'as raison. Mais voilà, il aurait rien dit, il aurait laissé passer tout ça. Mais de toute façon, Todd Phillips, et je pense que le film, ça, c'est là où c'est vraiment le film de son réalisateur, parce que j'ai lu aussi des gens qui disent que Todd Phillips c'est un faiseur et tout. Je pense vraiment pas que c'est le cas. Non. Même si on peut trouver qu'il est pas bon, en tout cas, je pense pas que ce soit un faiseur. Il a fait quoi par les Very Bad Trip, j'ai vu. Il a fait Date. Avec Robert De Niro. Ouais, Donnie Jr. Okay, si j'ai vu, ouais. Il a fait Old School et Starsky Hutch. Starsky Hutch. Ok, bah si, c'est bon, j'ai vu. Et il a fait War Dogs récemment. Et en fait, la filmographie de Todd Phillips. Il a pas un humour de gentil, Todd Phillips, mais je dis ça de façon complètement subjective, mais je trouve ces films très méchants où les personnages sont jamais sauvés, où c'est tous un peu des connards à but d'eux-mêmes, et vraiment il a pas une filmographie de gentil. Même Starsky Hutch, tu remates Starsky Hutch, les deux sont assez antipathiques, il y en a un qui est là que pour sa caisse, qui se déteste, enfin mais c'est justifié à chaque fois, ça sort pas de nulle part. Non, mais... c'est justifié, mais c'est ça reste oui, t'as juste que t'as l'impression que ce soit dans ses comédies, il est horrible dans Very Bad Trip, que ce soit dans ses comédies ou dans Joker, en fait c'est le à chaque fois ce sont les films de leur auteur quoi. Enfin, tu vois Todd Phillips à travers ces films. Je trouve en tout cas que Joker, que tout le monde disait bah dis donc il y a le gars de Very Bad Trip qui fait Joker, en fait c'est assez logique parce qu'il parle de gens infects et les interviews semblent me donner le truc que lui-même n'est pas le gars le plus. Oui, c'est du coup, il fait un peu peut-être qu'il le parle plus de woke, lui. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, mais peut-être que du coup, il a envie de parler de ça. Et effectivement, il y a un truc un peu. C'est un film très adolescent, mais c'est en ça que je trouve intéressant. C'est un film qui fait des doigts d'honneur. Sauf quand il fait des blagues sur les nains qui n'arrivent pas à ouvrir les portes avec les chaînettes. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais parce que la blague en elle-même, tu peux penser que c'est problématique et tout. Pas forcément juste. Non, c'est nul. Mais moi, sur le moment. Pareil, j'étais là. Ça rajoute du drame. En fait, moi, ça m'a foutu complètement. En fait, c'est ça que je me suis dit. C'est une trouille, moi. Sur le papier, j'ai eu peur quand il dit tu peux sortir au nain et qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte. Au début, je fais. Donc en plus, les gens rient un peu dans la salle. Donc je fais c'est un peu nul. Oui. Et après, je dis non, en fait, c'est assez malin. Parce que justement, t'es entre les deux. Tu rigoles et en même temps, c'est horrible. Je l'ai pas pris comme ça. Non, mais je comprends complètement. Moi, je l'ai pris. Premier truc, je fais ok, blague des nains, basique. Et c'est le gars de Very Bad Trip, ce serait très logique. En plus, il fait déjà des blagues de nains. En fait, moi, je l'ai pas du tout vécu comme une blague. Je comprends. Là, genre, en fait, incidemment, il y a ce mec qui est de petite taille et il y a le loquet qui est fermé. Et en fait, pour moi, j'ai pas vécu ça comme une blague. J'ai vécu ça comme genre un truc gone very wrong, quoi. Tu vois. Mais cette scène. En plus, il lui hurle dessus quand il lui ouvre, il lui refait un bouh, un truc comme ça, débile. Mais la scène est ouf, celle-là elle est vraiment. Il y a un truc qui est super dans cette scène, c'est que on sait que le Joker, même dans les comics ou autres, il utilise les armes à feu et tout ça. Tu peux très bien voir, alors encore une fois, les messages si tu veux, de dire ah ok, il a réussi à trouver une arme n'importe comment pour illustrer sa folie et tout ça, mais à ce moment-là, il utilise des ciseaux. Et je trouve que ça donne un autre message de dire qu'en fait, ça y est, les gars, il a vraiment basculé, c'est pas juste la faute de l'Amérique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, je discute souvent avec Daniel parce qu'on n'aura jamais les mêmes avis. Alors, Daniel Andriev, pour dire, c'est parce que peut-être. Camus et Robotics. Voilà, lui, il a aussi tout un réseau de podcasts, il fait plein d'émissions sur le cinéma, le sur les comics. Et c'est un très grand fan de Batman. RP. Et il a un problème avec beaucoup de films récents sur Batman, en l'occurrence Joker. Écoute, moi, j'ai des échanges, je balance, j'en ai rien à branler. J'ai des échanges avec lui où il est sorti du film. Mais où il m'avait dit qu'il avait trouvé ça pas mal. Oui, donc mais je pense changer, que pareil, c'est ça, que non, son avis a évolué et a changé. Mais il y avait un truc sur lequel j'étais assez d'accord avec lui, sur cette fameuse scène, c'est que je l'avais pas vécu pareil au cinéma, mais quand il me l'a dit, ça m'a fait réfléchir. Lui, en fait, trouvait que c'était une erreur que le Joker n'assassine pas aussi le petit, parce que justement, ça laissait sous-entendre qu'il n'était pas fou. Et qu'il était juste vengeur et qu'il était et qu'il voilà qu'il avait un qu'il côté avait une raison en fait exactement alors que s'il avait s'il avait buté aussi le petit c'était genre il est taré en fait il y a un truc c'est que et tue la meuf ou pas. Bah on sait pas. On en sait rien. Ça c'est très bizarre. J'ai mis du temps à la fin à comprendre que les pas rouges c'était le sang de la meuf qui venait de buter l'assistante sociale. Voilà. Et la meuf de Atlanta là, enfin, je sais plus son nom. La voisine. On sait pas. Génial cette scène de fin avec les traces de. Alors le mec qui quoi. Pardon, mais excusez-moi, moi qui déteste qu'on explique les blagues. Bon là c'est pas une blague, mais on explique quand même. Le coup du mini twist de en fait il est jamais sorti avec la meuf, la voisine. J'ai trouvé ça super. Et juste après ils expliquent, ils remontent chaque scène où en fait il était pas. Ouais, mais c'est ça. J'ai trouvé ça lourdingue. Mais c'est des petits détails. Mais parce qu'en fait, je pense qu'encore une fois, c'est vendu comme un espèce de film d'auteur qui d'un coup tranche avec le cinéma hollywoodien. Oui, mais du coup, assume jusqu'au bout. Oui, sauf que je pense pas que le film. Enfin, moi, je trouve pas que le film est ça. Je trouve que le film, en fait, est assez conventionnel. Moi, j'ai vu A Beautiful Mind, qui est un film sur Joaquin Phoenix qui joue un taré, enfin un gars bourrin, rompu par la société, tout ce que tu veux. Là, c'est un film d'auteur avec ses trucs, machin. Le Joker, ça reste un film assez, entre guillemets, accessible. Facile d'accès, ouais, oui, accessible. Oui. Un adolescent, alors c'est dur, ça dit plein de choses, mais c'est un petit frisson de quand t'as 14 ans que je trouve pas inintéressant. Non, vois, bah, au moins artistiquement et émotionnellement, voilà, bien sûr, et, bien sûr. Et c'est pas du tout le film qu'on est, que parfois certaines personnes, effectivement, font un peu des caisses de ce portrait au vitriol de l'Amérique, non, ça, de Trump, ça, et machin. Bon, tout ça, je suis pas. Mais voilà. C'est d'autant plus fou a posteriori qu'un film comme ça ait eu le lion, quoi. Tu ouais, vois, et alors, c'est ça qui a faussé les piges, je pense, ouais, truc. Alors que c'est juste, je trouve, un c'est très comme bon la film, palme d'or, un très bon thriller sur un mec fou, machin et tout. Et c'est d'autant plus excitant que c'est un méchant de super-héros. Après, et que l'acteur est ouf, et que moi, je sais pas, la séance, encore une fois, en réfléchissant, il y a plein de trucs où je trouve qu'il y a des défauts. Voilà, refaire la mort des parents de. Oui, le collier de perles, c'était pas au ralenti cette fois. En fait, tout ce qui touche à Wayne, c'est, pour moi, c'est pas utile. Ouais. C'est pas alors, que c'est nul ou quoi. La première scène. La première scène où il le chope par la grille, je la trouve assez puissante. Mais moi, ça me fait chier qu'ils se rencontrent. Mais ça, c'est un truc de geekos. Non, mais voilà. Mais parce que c'est pas utile. En fait, c'est pas nul, mais c'est pas utile. Après qu'ils sortent du cinéma, malheureusement, en plus, ça t'ouvre une série d'incohérences un peu de genre. Oui. T'es censé être le nouveau maire. C'est la guerre dans ta ville et tu vas au cinoche avec ton fils. C'est non, vrai. Non, mais sans vouloir faire le relou qui regarde les incohérences des films. Mais mine de rien, moi, il y a un moment où je me dis. Sans vouloir faire le relou qui veut devenir maire. Non, mais là, il y a un truc un peu au chausse-pied, tu vois, de. Et puis alors il a bien mis le titre du film qui est Zorro et donc du coup ah bah il va bien devenir Batman et tout ça. Il y a un peu un truc où j'ai et le là... Joker aura bien 80 ans quand il sera. Après moi je m'en fous. Alors j'ai vu que des gens critiquaient ça, mais en fait on s'en fout. On est potentiellement dans un univers où Batman et le Joker se croiseront jamais. Je m'en prends. Bien sûr, évidemment. Mais effectivement c'était un cadeau. Je pense un peu trop présent. Ce qui a pas eu assez à mon goût, et j'aurais vraiment trouvé ça encore mieux, c'est ce côté le Joker, c'est le pur produit de la ville. Je dis même pas la société ou quoi, c'est juste la ville. Tu vois la ville qui déjà c'est la merde, lui il est chétif, et plus la ville se dégrade, plus lui il devient fou. On va mettre ça avec des guillemets parce que bah, moi j'arrive ça. Pas. Oui, mais pas assez. Enfin tu vois, en fait ça manquait de crime, moi j'ai trouvé. Ça manquait de crime. C'est juste des connards. Il y a pas de vrai crime. Et je trouve que ça manque de pègre, ça manque de pollution, pour dire ça évidemment, de autre Gotham. On voit pas trop Gotham. D'ailleurs c'est jamais cité comme Gotham. Non, parce qu'en fait au final le message, c'est que c'est la révolution contre les riches, en fait. C'est un peu ça. Donc du coup, les histoires de pègres et tout, bah, c'est mis totalement à côté. Voilà, exactement. C'est vraiment c'est les fils de riches qui viennent l'agresser. Ouais. Ils les butent et donc du coup, tout le monde dit ah ouais, ils ont raison. Les riches, c'est vraiment des connards. On va faire la révolution, quoi. Enfin, c'est parce qu'il y a un espèce simplifié. Il y a un genre de crescendo. Non, mais c'est un peu ça. Un espèce de crescendo à la fois social dans les rues et à la fois dans la tête de du Joker. Mais je trouve qu'il manque un morceau entre le crescendo qui va bien. Il y a l'histoire des gros rats là. Il y a un truc. Oui, mais bah, voilà. Ouais. Mais ça, on c'est, le sait juste pas. Je sais plus quel critique américain qui a dit pour un film qui parle de rats géants, ça manque vraiment de rats géants. Mais non, mais parce qu'il y a la grève des poubelles, c'est pour ça. En fait, il y a plein d'éléments que t'as dans un JT, dans le fond du salon. Ouais, c'est ça. Et alors qu'à la toute fin. Quand il se fait tirer dessus, je sais plus comment il est dans les vapes à la fin le Joker. Ah non, il s'est fait arrêter. Ah oui, dans la voiture de police. Oui, c'est voiture. Les mecs tous habillés en clown qui le tirent de la voiture. Ouais. C'est Jésus-Christ quoi. Enfin, tu vois, c'est... Sûr, et sûr. Du coup, je trouve que il y a un grand écart entre la fin du crescendo et le côté symbole et idolâtre. On dit le fait qu'il est sur idolâtré. Il manque juste un petit morceau pour dire ah ok, je vois pourquoi la ville est partie en couille. Moi, ce que j'aime bien, mais encore une fois, faudrait que je le revoie et tout. Faut donc le c'est revoir, un peu à chaud, hein, mais. C'est qu'en fait, il devient l'icône quand ça y est, il joue le jeu en fait. C'est ça. Ouais. C'est quand il arrête les médocs et qu'il dit ok, bah, je vais pas me soigner parce qu'en fait, voilà, et qu'il va sur le plateau télé et qu'il se déguise et qu'il a de la répartie et qu'il tire les balles dans la tête de Robert De Niro, c'est ça. Non, mais tu vois, à partir du moment où il joue le jeu bien sûr, de ce truc malade, là d'un coup, il devient une icône. Mais en fait, au début, c'est plus un effet. Bah, il essaye d'être quelqu'un en fait, qui est l'étincelle. Il est l'étincelle. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et encore une fois, en pur cinéma, moi j'ai vraiment pris mon pied. Les scènes, je les trouve fortes. Non, l'acteur, je trouve fort, toute la scène où il se déplace entre chez lui et le talk show est dingue. Enfin, vraiment, j'ai pas arrêté de dire est dingue, mais la scène du poster, la scène du trailer où il danse au ralenti. Ah oui, dans les escaliers. Dans les escaliers. Même moi, tout le face à face avec De Niro, moi j'aime bien quand même. Ouais, oui. Bah, surtout que tu sais qu'il va lui mettre une balle dans la tête. Mais c'était écouté ce podcast. Tu le vois répéter son entrée, et en fait, quand il fait son entrée, c'est pas du tout la même, il est très naturel, et il est le Joker. Ça y est, il a joué le jeu, il est plus Arthur Fleck, et même si, encore une fois, ça dans les trucs où je me dis putain, c'est con, t'es dans un univers ultra réaliste. Ouais. quand il arrive déguisé en Joker et que Robert De Niro fait oui, enfin, j'ai trouvé que c'était un peu. Alors qu'il y a des mecs dans la rue et qui font la remarque. Ouais. Non, mais c'est vraiment l'équivalent d'un gars qui rentre avec un gilet jaune. Dans... Votre gilet jaune là, c'est par rapport à ce qu'il y a dans la rue. Ah, non, j'ai réparé mon vélo. C'est le SMS que m'a envoyé Daniel. Genre, les parents Wayne assassinés par les gilets jaunes de Gotham. C'est pas pour dire que la révolution c'est les gilets jaunes, mais j'utilise l'analyse. Demain, il y a un gars qui vient avec un gilet jaune et qui dit attendez, c'est pas un problème. Et que le gars fait non, parce que j'ai un sketch sur un gars qui a une voiture qui est en panne et tout. Il fait ok, tout va bien. Heureusement que tu nous le dis. J'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Mais après, la scène est tellement kiffante en mise en scène que je suis ok. J'ai besoin de vous parler d'un petit cas de conscience que j'ai eu dans ce film quand même, parce que tu parlais de toute la scène. Non, mais de toute la scène où Joker va de chez lui jusque sur le plateau et tout, qui effectivement, moi j'étais au cinéma, j'étais là, c'est hyper stylé et tout. Quand il descend les escaliers, il est en train de danser sur un morceau rock glam de Gary Glitter, qui est un pédophile actuellement en prison. J'ai vu que t'en avais parlé. Qui a fui la loi pendant longtemps, qui a été jugé deux fois, qui s'est enfui, qui a fini par être. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir la dernière, enfin la provocation un peu de trop. Ouais. De faire se balader, parader le personnage du Joker qui est a priori en route pour buter des gens sur la musique d'un pédophile condamné avéré, pas un mec qui est soupçonné de pédophilie, un mec qui est allé pédophile, qui est actuellement en prison parce qu'il était. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans un cas de conscience où j'étais genre oh putain, c'est stylé. Et j'ai entendu les, parce que j'adore cette chanson à la base. J'ai entendu les premières notes, j'étais genre oh putain, ok d'accord. Là, c'est pas anodin, c'est pas possible. Genre, tu peux pas l'avoir fait. Mais c'est parce que Joe, toi, tu es cultivé aussi. Non, mais forcément. Aux États-Unis, l'affaire Gary Glitter, c'est pas comme en France où personne sait qui c'est. Il y a un épisode des Simpsons où cette chanson, Homer Simpson la chante dans sa tête pour pas écouter ce que lui est en train de dire le curé, je crois. Il est en train de chanter cette chanson dans sa tête. Aux États-Unis, c'est culte. Donc c'est forcément pas c'est anodin d'avoir mis ça. Et puis Todd Phillips, c'est un humour un peu de petit con de. Voilà, c'est ça. Moi je trouve la scène avec la personne de petite taille. Ça se trouve, lui, il a voulu faire une blague. Enfin, c'est possible. S'il disait ça, je ferais bah oui, ça me surprend pas. Toi, je pense que j'ai aimé, c'est que moi je l'ai pas pris comme ça. Mais dans tous les cas, il veut mettre mal à l'aise, je pense, donc ça marche. C'est ça. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Je pense que ça laisse pas indemne quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça que tu dis qu'il y a des gens qui sortent tièdes. Ça m'intrigue. Parce que je pense que. Ou alors ils passent vraiment à côté. Enfin, genre ça les touche pas quoi. Ouais. Le film est attendu quand même avec un sniper, je pense, de Adrien Méniel sur les épaules. Non, mais tu vois, je pense que les gens, il y avait un peu genre montre-nous ce que t'as dans le ventre, tu vois, et que. Forcément, avec une montée comme ça de malade, c'est un chef-d'œuvre. Les gens sont extrêmement. Mais là, il a un métacritique dégueulasse le film. Hein. Il doit être à moins de 60 ans. Mais c'est ce que tu disais quand t'es sorti de la projection. Tu disais, tu spoilais pas, mais tu disais que ça allait forcément faire un shitstorm dans c'était un sens ou dans l'autre. Mais c'est même pas commencé là. Je pense que ça va se faire les prochains jours. Ça commence. Mais c'est surtout des gens qui avaient pas vu le film, quoi. C'est ça qui était fou. Mais surtout qu'il y a eu des faux procès aussi parce qu'il y a eu tout un truc genre ils glorifiaient la culture incel, donc ils sont les mecs misogynes et tout. Et en vrai, le film ne parle jamais vraiment de ça parce que le mec est à peine sexualisé. Enfin, il fantasme une meuf, mais après. Non, mais je veux dire, la meuf est responsable de rien dans le film. Elle n'est pas punie, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a même pas une histoire de. Elle le rejette parce qu'en fait, dans sa tête, ils sont ensemble. Bien sûr, c'est ça. Il n'y a même pas un truc où elle lui dit, mais non, mais je t'aime pas ou un truc comme ça. Il n'y a jamais ce truc-là. Donc, ils l'ont peut-être coupé à la dernière, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des faux procès autour du film aussi. Donc, allez le voir. Il faut le voir de toute façon. Allez le voir si vous écoutez ça, vous l'avez déjà vu. J'aimerais vraiment que. J'espère. Une balle dans la tête, en plus. Vraiment que Joaquin Phoenix soit nommé aux Oscars et qu'il l'ait. Juste, c'est symbolique parce que les Oscars maintenant, voilà. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, j'aimerais. Ça me ferait plaisir pour lui. Parce que vraiment, il délivre de ouf. Ouais, s'il l'a pas pour là, il l'aura pour un autre. Donc, moi, je me prends pas la tête. Peut-être. Ouais. Oui, mais ça serait cool parce que ça foutrait la merde. Il a pas eu pour Walk the Line. Je pense qu'il l'a déjà eu. Peut-être. Je sais plus. Il y en a encore qui diraient que. Mais si, il l'a eu pour Walk the Line. Non, mais s'il l'avait, il y en a qui diraient oh, enfin un Oscar pour un film de super-héros alors que Black Panther en a eu plein. Mais bon, ça serait rigolo. Ça, c'est rigolo. Par contre, moi, je me disais, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait déjà eu deux Oscars pour le même rôle personnage? Je me suis demandé si c'est déjà existé. Ce serait le cas. C'est peut-être la première fois. Mais je suis curieux de voir comment ce film va être évalué sur le long terme, vraiment. C'est ça. Mais alors, j'en parle avec David Honora. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact de l'auteur de Movieland? Il a pas aimé. Ouais, il a détesté. D'accord. Il trouve ça vide, justement, machin. Ok. Et lui, justement, lui, il pense. Mais ça c'est mal son dire. Avis. Voilà, mais comme un La La Land, à savoir des gens qui étaient vraiment mais à surdonf quand c'est sorti. Et qu'au bout de 2-3 ans, quand tu réfléchis, tu fais Ouais, non, c'était sympa, mais c'était pas. Moi, je suis toujours à surdon sur La La Land. Bah, moi aussi, donc c'est pour ça. J'adore la BO. Mais il y a plein de gens qui sont quand parce sont que revenus. Tu as un cœur. Moi, j'ai pas aimé le. Mais non, mais bon, bref. Tu en tires les conclusions que tu veux. Bref. On va pas refaire le monde. Mais ça m'intéresse de savoir si ça va avoir des conséquences déjà sur le sur Hollywood globalement. Enfin, genre, sur ce. Par rapport au film de super-héros, tu veux faire de comics? Ouais, je pas Marvel, parce que ça reste quand même mille fois moins que ce qu'ils gagnent en règle générale. Mais. Qu'est-ce que ça va changer un peu Moi je pense, alors dans mon avis, et ça va pas être le truc le plus rigolo, c'est qu'on va avoir que des films sur des méchants en mode sérieux. Comme ça, tu penses, moi j'aurais dit j'espère que ça va donner envie à Warner de faire que des one shot. Ouais, mais ça va être des one shot dark chiant. Enfin, ouais, mais regarde le prochain Batman, ça sera un one shot. Enfin, j'espère. Celui de Non, le prochain Batman, c'est pas censé être un one shot. The Batman, c'est pas. Ah, The Batman, mais c'est bah évidemment qu'il faisait. Sauf. Non, mais ça marche pas. Non, mais c'est pas lié à Justice League, mais je pense que l'idée c'est de faire des films derrière. Ah, je pensais que c'était un one shot, d'accord. Mais ce sera pas lié à Justice League. Mais voilà. Et est-ce que l'autre grosse question que je me pose, et c'est très très tôt pour se la poser, mais est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit le Joker de Joaquin Phoenix, ou est-ce que Oui, normalement. Joaquin Phoenix a dit qu'il voulait. Et en vrai, le mec est fou. Alors, pour l'avoir vu l'avant-première, il est un peu foilier, hein, puis il aime bien faire peur. C'est-à-dire qu'il faisait le rire du Joker en revenant, en sortant et tout, pour mettre mal à l'aise. Mais il a l'air mal à l'aise dans les talk-shows et tout. Ça, c'est un son truc. Hein. Ah, je vous invite, et en même temps, non, ne le faites pas parce que c'est horrible, mais l'interview avec Jimmy Kimmel, c'est une horreur. Ah, mais oui, en plus, c'est la dernière. Il montre une scène coupée et il lui dit qu'ils auraient pas dû montrer ça. Ouais, il parle mal au chef photo. Ouais, c'est ça. Mais alors. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et puis surtout, maintenant, il y a la contre-truc de ils savent très bien, et c'est juste pour montrer qu'ils jouent le gars. Et que. Oui, parce que c'est méta vu qu'il y a un talk-show dans le film. Chaque fois qu'un mec qui joue le Joker, il y a ça. Enfin, En fait, Joaquin Phoenix, du coup, t'as l'impression qu'il joue le Joker à chacun de ses rôles, parce qu'à chaque. Oui, mais c'est ça. Il a dit qu'il prenait sa retraite, que machin. Oui. Oui, qu'il avait fait le film où il voulait faire du rap aussi. Enfin, c'est ça. Mais bon, bah voilà. Bah, je crois qu'on a fini les amis. 3h25. Ah, on va aller dormir. Ah oui, quand même. On va aller dormir. C'est un gros morceau. Bah oui, puis on a trouvé. Alors juste très vite, The Batman. Ouais, on a quand même envie. Oui. Ah moi, je suis super chaud. J'adore Matt Reeves aussi. J'ai adoré le dernier Planète des Singes. Ouais, c'est ça. J'adore Matt Reeves. Les deux planètes des singes. Je suis totalement ok avec Pattinson. Ouais. J'allais dire Pattinson, j'attends. J'attends de juste parce que tout le monde lui a chié dessus, alors que tout le monde oubliait qu'il joue. Mais comme tous les Batman, dans de très bons films. Il joue Bruce Wayne ou pas après Twilight? Bah, il joue Batman. Il joue non, mais il peut jouer un autre gars qui est Batman, je veux dire. Je sais pas. C'est Bruce Wayne. A priori, c'est Bruce Wayne. Genre, imaginons un plus jeune Batman avec un vieux Bruce Wayne, c'est possible. Non, a priori, c'est Bruce Wayne. Il veut faire un Batman en mode détective. D'accord, ça serait bien. Avant pour un qui se prend un petit peu au sérieux. Non mais The Batman c'est vraiment genre allez maintenant ça redevient Non mais j'aimerais bien. J'ai hâte de voir qui est en face en méchant. Birds of Prey, donc ça on a vu une première bande annonce. Moi j'ai envie d'y croire. J'ai un très gros problème avec le fait que Ewan McGregor est là pour remplacer Jared Leto. Je trouve que ça se voit ne serait-ce que dans la bande annonce. Au moins on gagne au change parce que c'est Ewan McGregor. Oui, tout à fait. Et qu'il n'y a pas un culte autour de lui chelou avec des nanas qui s'habillent en blanc. J'ai peur d'être un peu frustré parce que pour moi Birds of Prey il y avait du Catwoman, du Poison Ivy, ouais, tout bon, ça. Là, il y a Black Canary, non ouais, y a pas, si ils disent pas qu'elle s'appelle comme ça, tu le sais pas. Hein, pour le moment, ça a l'air d'être très Harley Quinn, et je comprends dans la promo aux États-Unis, la moitié des meufs de Los Angeles, quand j'étais en vacances là-bas, elles avaient la veste Daddy Monster, machin et tout. Donc, c'est le perso. Là, elle est encore mieux, elle est en salopette. Et puis, c'est un des persos les plus réussis du DCU. Je suis content de voir les Yens. C'est un des persos les plus réussis du DCU, donc ce serait con de pas l'utiliser. Et alors, The Suicide Squad de James Gunn, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Alors ça c'est un peu foufou avec un casting qui a été dit il y a pas longtemps. Ah ouais, j'ai même pas vu ça. Avec John Cena et tout le bordel mec. John Cena avec Tommy Wiseau. Avec Taika Waititi. Ça veut rien dire. Vraiment, Avoir. En fait, j'ai juste peur que ça ressemble trop à Gardien, ce qui était déjà le cas faussement de Suicide Squad, c'est-à-dire. Sauf que là, il y a vraiment le gars. Donc, oui, c'est pour ça, mais j'ai peur justement que ça fasse Gardien 3. Je pense qu'il est trop intelligent pour. J'espère. Mais ça peut être un film très bizarre aussi, parce que justement, je pense que. Ça peut être très très bizarre. Moi, j'espère pour le. Le projet est très bizarre. Enfin, de faire une suite qui n'est pas une suite, et pareil, c'est The. Enfin, tu vois, il y a de machin. Où ils reprennent certains acteurs, mais pas tous. Et alors, ils prennent le gars de Gardien qu'ils avaient un peu plagié. Et ça, le projet sur le papier n'a aucun sens. Et c'est fait, très bizarre. Je suis curieuse du coup, mais ça veut pas dire que ce sera bien. Mais je suis ultra curieux. Mais moi, je l'attends de moi, c'est pas pour tout de suite. C'est plus et l'écriture qu'un gars comme que. Il y a quand même des noms où tu dis, mais pourquoi. Enfin, lui, il est barré. Si James Gunn lui demande un truc, il va. Le casting ne fait aucun sens. Non, mais il y a Tommy Wiseau. Ouais, Tommy Wiseau et John Cena. Mais on verra. J'ai hâte du coup. Ça me fascine un peu. Bon, les amis, on va se dire au revoir. Bah, absolument. On se retrouve bientôt. L'actu là, c'est quoi? Donc, il y a des podcasts du tout côté, Ben Comics Outcast toutes les deux semaines. Je suis pas tout le temps dedans, mais ça parle tout le temps de comics. Ensuite, tous les mois, Kumite. Bien sûr, évidemment. On a fait Double Team avec Dennis Rodman. Un de mes préférés. J'adore. Avec Mickey Rourke. Avec Mickey Rourke qui est encore BG. Et la machine plagiée par World War Z, la machine, la canette qui le sauve de l'explosion. Tout à fait. Vive l'Amérique. Et aussi, c'est cool, c'est quoi du coup celui de la rentrée. Et voilà, on a fait ça sur le géocaching. J'en mets. Et là, je suis en train de préparer le prochain. Je dis pas au cas où il y a un petit souci d'organisation. Alors, c'est ma spéciale. Ça arrive là, avant la fin du mois. Ça sort. J'en mets. Voilà, c'est une fois par mois aussi. Et puis voilà. Trop bien. Ah là, quel homme. Vesper ? Oui, je sens ça, Vesper, je suis toujours un peu entre les deux. Oui. Là, du coup, on est en promo, donc ça redevient Vesper. Vas-y, dis-moi. Comme d'habitude, je dis une nouvelle vidéo sur ma chaîne et puis elle arrive pas, donc je vais arrêter de le dire. un jour, ça sortira. C'était tourné au mois de mai, donc ça finira bien par sortir. Ah, il y en a une de tournée, donc. Ouais. Non, mais oui, c'était en fait, c'est la suite de celle qui est sortie l'année dernière, qui devait sortir un mois après et qui n'est pas sortie un mois après. Donc, je vais arrêter de mentir aux gens. Mais j'y crois quand je le dis, hein, je vous jure, je mens pas volontairement. La vie de YouTube. C'est ça. Ouais. C'est la vie d'avoir un travail à côté qui prend beaucoup de temps, de la vraie vie qui prend du temps. Mais qui permet de manger. Imaginez, vous êtes dans votre métier, rajoutez un truc qui prend tout autant de temps, forcément ça se divise dans les airs. Voilà, c'est un peu compliqué. Des gens y arrivent, hein, mais moi j'y arrive pas. Quand on m'invite régulièrement à des podcasts comme celui-ci, je dis oui avec grand plaisir. Donc le plus simple, c'est encore de me suivre sur Twitter, @wonder_vesper. Voilà. Exactement. Et Joe? Pop Life tous les jours sur MCM. La chaîne musicale. Ouais, voilà, j'ai plus envie de vous conseiller d'aller sur le Facebook de MCM parce que c'est là que c'est mis en ligne et que c'est plus facile à voir parce que tout le monde n'a pas MCM alors que, a priori, tout le monde a Facebook. tous les jours à midi sur le Facebook de la chaîne MCM. Et puis très bientôt, puisqu'on y est très près, la Comic Con Paris. Le Comic Con Paris, il paraît qu'il faut dire ça alors que c'est une convention, mais bref, on s'en fout. Le salon. Le dimanche. Tellement hâte de voir ça. Le dimanche, on diffuse en avant-première notre documentaire tourné à Chicago, à la Comic-Con de Chicago, qui s'appelle Ready Cosplayer One, qui est donc un documentaire sur la communauté cosplay et sur les Crown Championship of Cosplay à Chicago. Et franchement, on est hyper fiers de. Tu vas nous filer des invites surtout. Bah, il y a intérêt à ce que vous veniez, mais. Ah bah oui, grave, tiens, vas-y. Bah, gueule, mais complètement, je vous invite parce que j'ai envie que le plus de monde possible voit ce truc. Parce que c'est le plus grand monde, qui est une très bonne cosplayeuse française. Ouais, qui est qu'on est allé suivre là-bas. C'est quel jour de la Comic-Con? Le dimanche. C'est le dimanche du monde, 13h30, c'est je pense. Sûr, il faut remplir. Et puis surtout, au moins tous les cosplayers vont avoir envie de dire ce que. Voilà. Bah, s'ils sont au courant que ça se passe, oui. J'évangile auprès des miens. S'il te plaît, c'est adorable. Mais c'est quand Comic-Con Paris? C'est le dernier week-end d'octobre. Donc, c'est 26, 27, 28, je crois. 27, 28, 29, un truc comme ça. Oui, ça va être vite là. Non, c'est un peu plus. Oui, c'est dans une semaine là. C'est dans une semaine. C'est dans deux semaines. Non, c'est juste avant la Paris Games Week. C'est dans deux semaines parce que dans une semaine. Ce Floodcast, si vous écoutez ce podcast, c'est la semaine prochaine, ou en tout cas peut-être vous êtes en train de l'écouter vu qu'il dure 3h30, j'imagine qu'il est un peu dilué dans votre semaine. donc nous c'est lundi 21 octobre au soir, donc c'est complet, donc on fait pas de promo, mais on chie dans notre benne. Voilà, bon, on vous fait comme Joe la séance de Batman. Exactement. On vous fait des bisous en tout cas. Ciao. Oui, bisous. Bye. Bisous, bye, bye. Merci pour l'invitation. Bisous des comics. We'll be right back. outright. Who does the sickest backflips? Who's the manliest man?